Un hostie de bon gouvernement. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 101 de La Jazette, proposé par Young Media, édition du 24 mai 2019. Et ce soir, pour parler de Avengers Endgame, votre animateur Jeff Cromp, accompagné de mes deux amateurs de comic book préférés, Jeff Mallette et Guillaume Comeau. Bonsoir. Salut les gars. Allô. Guillaume, bonne rentrée dans les studios Young Media. C'est tout un upgrade. C'est un upgrade. Même, t'expliquer les règles ici, si tu as besoin d'une bière, tu te retournes puis tu prends la bière dans le petit frigidaire à bière qu'il y a là. C'est une bonne règle, ça. Voilà, ce sera toute la règle. Et ce soir, aussi, une autre règle, il n'y a pas de spoilers. En fait, il n'y a pas de règle de spoilers. On va carrément vous spoiler Avengers Endgame au complet. Fait que si vous n'avez pas vu Avengers Endgame, ben skippez cet épisode-là parce que c'est tout ce qu'on va parler ce soir. Ça sera le sujet. On est live sur Facebook Live et sur Twitch si vous voulez nous poser des questions ou commenter avec nous sur le film. Chose à dire avant de commencer, JF. Ça fait longtemps, c'est-tu? Ouais, ben la centième nous a brûlé un peu. Fait que c'est, ouais, ça fait un mois qu'on n'a pas fait. Ouais, à peu près. Vrai. Mais on voulait aussi revenir avec Guillaume vu qu'on avait fait Infinity Wars ensemble. C'est un event. Ouais, j'apprécie l'invitation. Je faisais un bout, j'ai manqué la centième malheureusement. Mais gros fan du show toujours. Fait que, je pense qu'on devrait couvrir tout le MCU, ce serait pas pire. Là. Je pense que les fans apprécient, anyway, puis c'est ça, ben. Rentrons directement dans le vif du sujet, donc après des mois et des mois d'attente. Avengers Endgame, finalement au cinéma. Je vais commencer avec des questions pour vous. Vous l'avez vu combien de fois? Légalement? On va y aller légalement après ça, nombre d'écoutes. Je l'ai vu une fois légalement. J'ai été le voir en IMAX 3D. C'était l'expérience, comme l'enfant en dedans de moi criait et sautait dans les airs et riait, puis pleurait, puis c'était fou. T'avais hâte, là. Ouais, mais vraiment c'est comme... C'est un event, là, pour vrai. Tu sais, quand tu lis une bande dessinée, puis tu sais, les gros events de Marvel, d'habitude, il y a toujours un double page spread. Ouais, t'sais, ouais. C'est comme un must, là, pour mettre toute la MCU, puis la scène qu'ils ont réussi à faire... C'est la chose qui se rapproche le plus de ça, selon moi. C'est la grosse scène majeure que tu vois tout le monde à la fin. Là. Ouais. Ça, c'est le double spread page du comic book. Comme, quand j'ai vu ça, je fais comme « wow ». Mais il avait annoncé qu'il allait avoir, je pense, 65 heroes en même temps dans l'écran. On se demandait comment il allait faire. Ouais parce ça. Qu'il l'annonçait à Infinity War, ce bout-là. C'était-tu dans Infinity War qu'il avait annoncé ça ou c'était pendant la production qu'il disait « Ah, vous allez voir, il va y avoir 65... » Là, on se demandait « Est-ce que c'est des super-héros ou c'est des personnages secondaires? » Ben sinon, c'est tous des super-héros. Ouais, il y a bien du monde qui disait que c'était peut-être le deal avec Fox qu'elle est rentrée en jeu. Ah ouais, il y a eu beaucoup de rumeurs puis de spéculations sur savoir qu'est-ce qui allait arriver. Là. Mais moi, je l'ai vu deux fois en IMAX. Ouais. Une fois tout seul, puis la deuxième fois avec mon fils, pour m'assurer que mon fils comprenne bien ce qui se passe, parce que c'est un film qui n'est pas nécessairement facile à comprendre, parce que ça y a du va-et-vient. Ouais, mais... tu te rappelles de bien des affaires aussi pour l'apprécier. Il y a du détail pour 3 heures de contenu. Ah, j'ai eu aucune longueur. Je l'ai vu deux fois, moi aussi. Une fois en français, VIP 3D. Puis j'ai hésité, en plus, j'ai fait l'épais. J'ai fait l'erreur de ne pas me prendre de billets la première fin de semaine. Puis le vendredi, je vais être comme fuck, je peux pas y aller. Là. Fait que là, je me suis trouvé des billets dans la minute sur VIP. Oh, t'étais correct, tu en es sorti parce que t'étais allé voir. Non, sorti, ça a juste coûté genre 50$ aller là, par exemple. Là, mais... c'est un 50$ bien investi. Ah ouais, pour vrai, ça valait la peine. Puis ça, je suis retourné tout seul mercredi, en fait, avant hier, pour me rafraîchir la mémoire, vu qu'on faisait l'épisode en anglais, tout seul en IMAX. T'es allé chez Risotto? Je suis allé chez Risotto qui blanchait de l'argent. Ça fait qu'on parle de Guzzo? Ouais, voilà. Des Alouettes du Québec. Guzzo, qui ont, je rappelle, les pays arcades de l'univers. Ah, ils sont tout le temps pétés. C'est dégueulasse. Ouais, c'est ça. Ils prennent leur argent et mettent dans leur poche. Mais puis c'est un truc que JS donne tout le temps. Si vous voulez voir un film, allez voir au IMAX. Ouais, mais t'as pas le truc, il va y avoir plein de monde qui va y aller puis on aura plus de place. Il y avait 8 personnes dans la salle, dans tout le cinéma au complet, je pense. Moi aussi que je suis allé. Je pense que je suis allé au marché central, moi. Ah ouais? Ouais. IMAX, c'était 3D, ah ouais. Je pense que c'est rare, les IMAX 3D. Ça arrive. Le dernier film 3D que j'ai vu en IMAX, c'était... C'était peut-être un régulier 3D d'abord. C'était The Last Jedi, je crois, avec toi, puis j'ai eu le vertige. Ouais, c'est le vaisseau spatial, ça allait vite. Mais bon, moi, deux fois, mais j'ai. Puis votre compte total de bord après ça. J'avais mon. Deux. Trois fois, ça? Ouais, de plus écouté, ou de... deux fois après chez nous. OK. Le soir, je suis arrivé chez nous, j'ai écrit Avengers Endgame sur Pirate Bay. Pow! Il y en a un qui vient de sortir. Fresh. Comme des milliers de cedar, puis les commentaires tout positifs. Download ça, man. Déjà des milliers, c'est fou pareil. Ben ouais, ouais, c'est, j'en revenais pas. Tu sais, comme le VIP icon qui dit « Ah, ça, c'est pas un virus, là. » Fait que là, tu le download, puis je gardais une réserve, venais de le voir. Là, je commence à l'écouter, puis je suis comme « Tabarouette, c'est sharp comme copier, ça. » Puis là, trois heures plus tard, je fais « Bon, ben, j'ai vérifié la copie. » C'est bon, là, je peux les réécouter. Je peux les réécouter, je suis correct. Oh, c'est ça. Fait que là, ça a pris un bout. J'ai refait le MCU au complet. Ah, tu l'as pour fait vrai, après? Ah, ouais. Après, wow. Pour enclencher Endgame, incluant Infinity War, puis juste un petit feedback à Netflix. Pourquoi c'est pas en HDR, je comprends pas. Ouais. Ah. Pourquoi ils n'ont aucun Marvel movie en HDR sur Netflix, je trouve ça ben, hallucinant. Parce qu'ils s'en vont les films Marvel aussi bientôt. C'est officiel à partir de cet automne, il n'y aura plus rien. Ben non, mais attends, là, tu dis à partir de cet automne, mais Disney Plus va être disponible au Canada en 2020 seulement, fait qu'ils vont-tu rester comme... Comme Titans, mettons, qui était sur Netflix vu qu'il n'était pas disponible pour nous autres. Je ne sais pas s'il va l'être au Canada temporairement. C'est probablement ça. Ça se peut pas qu'ils enlèvent et qu'ils disparaissent. Mais, là, mais... quel film? Ah, quel film. Quelle expérience. Il y a des choses que j'ai aimées, des choses que j'ai moins aimées, mais c'est pas quand je dis moins aimé, c'est pas détesté. Il y a certains films que... Tu as moins apprécié. Ça, je suis pas capable. Tu mais... partirais pas de pétition pour ça. Changer la fin d'Endgame. Ben non, c'est ça. Recommencer le film. Je commencerai pas à partir sur Game of Thrones, parce que je pourrais partir trois heures là-dessus aussi. Est-ce que j'ai aimé Game of Thrones? Non, pas du tout. C'était complètement gâché, puis c'était de la pure merde. Désolé pour les mots, les mauvais mots. Ah, tu peux dire qu'est-ce que tu veux, regarde. Non, Top Shape, c'est de la crise de merde. On est R-rated. Top Shape, c'était de la crise de merde. Pénis. Ça montre vraiment que les écrivains, c'était des incompétents, puis qu'à moins qu'il n'y ait pas un livre de 500 pages qui leur explique quoi écrire, qu'ils ne savent pas bâtir une histoire, puis bâtir des personnages, ou même dans ce cas-ci, les finir. Mais ça pourrait être épisode 102 de la jase. Ouais, c'est ça, là. Je pourrais parler juste du monde qui font des pétitions pour changer l'écriture d'une série, là, parce qu'ils n'ont pas aimé ça. Là. En tout cas. Mais non, Jean, on parle de spoilers. Avez-vous un peu la campagne de pub qu'ils ont faite autour de ça, eux autres, Endgame? Ils ont profité du fait que, genre, don't spoil the Endgame, là, c'était ça qu'ils disaient à tout le monde, puis les acteurs disaient ça. Comme ils ont fait avec Infinity War, je te dirais, une semaine avant quasiment, là, parce que le film sortait... Tu as eu 900 footballers qui avaient scrappé ça. J'ai pas vu quoi. Hein? Tu as eu un gars de la NFL que, même après tout ça, il s'en va au cinéma, il sort, il met ça sur son Twitter. Ah, oh, IRP Tony Stark. Ah, pour vrai? Tabarnak. Cinéma, le vendredi. Crise de cave. Fait que là, tout le monde est comme, aïe, aïe, toi, t'es un génie. Là. Ben, c'est ça, parce que dans le fond, le film était sorti, je me trompe pas, je pense, au Japon le lundi, puis il sortait le jeudi de la même semaine, ici en Amérique du Nord. Puis là, il y avait comme une affaire de un genre de gif, là. C'est, oui, il y a des gens qui sont fait pogner sur un gif de ben, tu l'as entendu parler? Non. Parce que l'affaire que je trouve là, c'est ceux qui se sont fait pogner. Le problème, le gif, c'est que c'est une femme qui montre ses fesses nues, habillée en Wonder Woman. Fait que je me demande où ce qu'ils étaient. Genre, tu vois, faut que tu cliques sur le gif pour qu'il parte. Genre, pour qu'elle baisse ses bobettes. Tu vois, genre, une seconde de ça, puis ça tourne à Tony Stark qui snap, puis Thanos qui disparaît. Wow! Il y a du monde qui se sont fait gâcher la fin de même. Ouais. Moi, je sais pas si vous autres êtes allés, comme, puis vous aviez eu aucun spoiler de rien, mais moi, j'ai eu fait un média social blackout, là. Trois jours avant d'y aller. J'avais peur, moi. Regardais moi-même jeudi. Vas-y. C'est ça, j'avais peur. Moi, le fond, je suis allé voir le lendemain, le vendredi, mais le jeudi, j'avais la chienne de tomber sur quelque chose. Moi, j'étais tellement intense, puis je vous niaise pas. Comme la personne que je suis allé voir le film, si écoute la jasette, peut confirmer. OK, maintenant, je peux vous dire, c'était la Banque Scotia, parce que là, je l'ai visuel. Okay. Quand tu vas au cinéma de Banque Scotia, puis tu vas vers les étages que les films. Les escalators. Oh, je vous jure, c'était un copier-coller de la scène de Homer et Simpson quand il sort de Star Wars. Ah, il y a quelqu'un qui s'est ouvert à la gueule? C'est ça que j'avais peur. Ils ont failli. J'y ai pensé à ce moment-là. La scène de Simpson est venue en tête. J'ai bouché mon oreille, man. Je te jure, j'avais de l'air fou dans l'ascenseur, dans l'escalator. J'étais comme ça. Puis y a-tu quelqu'un qui a fait quelque chose de quoi, là? Ben, c'est parce que le monde commençait à en parler. Puis c'est là que j'ai cliqué. Y a personne qui a fait. Aïe, j'en viens pas qu'il est mort. Non, pas à ce point-là. Mais là, dit, ah, oh, c'était vraiment cool. Puis le matin, je pense que j'ai entendu le mot Thor, le mot Captain America. Là, j'étais comme, non, ça m'arrivera pas, j'ai pas. J'ai bouché mes oreilles. Exactement le même genre d'affaire avec Caro. On était chez nous, puis on écoutait les nouvelles à Radio-Canada. Puis un journaliste, je pense que c'était le vendredi, qui commence à comme faire une review du film sans spoilers, mais il a juste dit comme des personnages qui reviennent. Moi, puis on a fait on est allé genre fermer la télévision. Là, ouais. Pour des films de même, là, gars, c'est le fun, les clickbait, puis c'est le fun, tous les sites qui vont avoir du drive, puis de l'écoute, des codes d'écoute, puis toutes des choses comme ça, mais sacré la paix au monde qui l'ont pas vu. Ouais, ça fait 10 ans que tu suis ça. On fait un podcast, ça fait combien de temps que c'est sorti? Ça fait un mois, exactement. Puis on a marqué dans le titre Avengers Endgame, tu sais qu'on va parler de ça anyway. Si tu veux aller le voir, tu as eu le temps d'aller le voir. Ouais, si vraiment c'est important au point de... T'étais dans un coma, tu t'es réveillé hier. T'es occupé. Puis je peux comprendre, gars, il y a des cas exceptionnels. Comme Jeff, il dit, c'est écrit qu'on va parler d'Avengers Endgame. Il n'y a personne qui te force à écouter le podcast, là. Mais écoute, si tu l'écoutes pas, t'es un imbécile. Mais il n'y a personne qui te force à écouter le podcast. C'est non, ça, mais ça, mais tu sais, à un moment donné aussi, t'as le choix de pas l'écouter, mais ça se peut que tu fasses gâcher certains trucs par les médias sociaux en général, ben oui. Sans la fin, tu sais, mais... Il y a des fan art partout là, de Tony Stark avec le glove et tout. Oui, parce qu'on sortait. Amazon l'ont sorti sur Avant et tout. Oui, parce que dans le fond, tu avais une première wave de jouets qui était sortie, je te dirais, quasiment un mois à l'avance, mais c'était toutes les Avengers que tu avais vu sur le poster avec le suit du Quantum Realm. Oui, puis tu avais t'annonce aussi avec son weapon qu'il y avait dans le film. Ouais, exactement. Mais ça spoil rien en tant que tel. Puis dans le fond, le weapon, dans le fond, en Lego, elle t'annonce l'avait, ce ouais. weapon-là. Puis après ça, le film est sorti. Puis une semaine après, exactement après que le film soit sorti, ils ont sorti la bande-annonce de Spider-Man. Puis la deuxième wave de jouets est sortie. Puis là, tu voyais, tu avais des pop avec Hulk puis le gauntlet dans ses mains. Ouais. Tu avais Thor qui ressemblait à un gars qui jouait dans The Big Lebowski. Fait que... Ouais. C'est, il y a bien du monde qui n'ont pas aimé cette partie-là. On en parlera par on a un beau pacing là-dessus. Justement, on y aller. Ouais. Mais moi, je veux juste applaudir, avant qu'on rentre dans le film. Je veux applaudir le génie dans les studios qui a eu l'idée de faire les fake trailers. De Infinity War à celui-là, moi, regarde les films. Il y a un fake trailer de Endgame? Il y a des affaires qui ne sont pas dedans du tout. Il y a des, C'est pas que le trailer est fake d'un bout à l'autre, mais dans le trailer, exemple, à un moment donné, tu vois, je pense, Nebula. Qui marche avec eux autres. Elle était pas là. Ouais, il est remplacé. Tu vois, un moment donné. Ah ben, j'ai de la misère à toutes les replacer. Elle a marché avec eux autres pareil avec le Quantum Round. Oui, ben, tu vas voir, c'est qu'ils ont déplacé certaines affaires. Ok. Ouais, parce que Thor, tu peux pas le montrer ben. Non, mais tu sais, t'avais Thor et Hulk dans le même shot qu'ils n'ont pas montré. Exactement. Quand ils marchent de côté, habillés en saut de blanc. Exact. Ils ont pas mis dans le shot, dans le trailer. Comme le contraire que dans Infinity War, il y avait mis le Hulk qui courait avec tout le monde. C'était pas vrai. Mais techniquement, il était pas là. C'est de même, ça devrait être un trailer. Moi, un trailer, là, c'est pour me vendre l'idée d'aller voir le film. Puis ce film-là, on s'entend qu'il est déjà vendu. Tu sais que tu vas y aller même si tu n'as pas le trailer. C'est ça. Puis ils ont été bons parce qu'ils ont dit que le trailer ne montrait que les 15 premières minutes du film. Puis c'est vrai. Non, parce que quand il marche avec le suit du Quantum Realm, le film, ça fait déjà une heure qu'il a commencé. Ouais, à part ça. Mais tu sais, puis on voit Tony Stark. Tu t'attends à ce qu'il ne meure pas dans l'espace dans les premiers 5 minutes là aussi. Ouais. Bon, ça aurait été sur le poster. Non, mais je te l'ai dit, puis t'as capoté quand je te l'ai dit que tu l'avais pas remarqué qu'il était dans le trailer au début. J'ai dit. Non, ça, je l'ai pas remarqué à la fin. Ça, je l'ai pas remarqué. C'est vrai, t'avais raison. T'étais pas assez attentif. Je me dis, c'est pas Rhodey, tu sais, parce que dans le fond, je me disais, tu l'avais avec le suit d'Iron Man, tu sais. Ah, ouais. Mais finalement, non, c'était Tony, c'ti. Ouais, mais non, mais ça. Mais les spoilers en général, revenez-en aussi, là, je trouve. C'est même monde qui capote tellement pour rien que les spoilers. Ben ouais. Non, c'est ça. Puis des jouets, le Thor qui ont sorti, c'était le Thor comme dans Infinity War. Ouais. C'était pas un fatso Thor. Thor qui prend des selfies. Même dans Lego, ils n'ont même pas rien spoilé. Quand c'est rare, ça. Quand tu regardes les kits, tu as la base des Avengers, oui. Mais Disney, ils micromanage. Là. C'est plus puis un négatif pour certaines personnes, dépendamment quand tu regardes sur Internet, il y a des acteurs qui veulent pas travailler avec Disney à cause de ça. Mais exemple, parce que c'est trop, trop intense. C'est une méga machine. C'est comme des projets comme Star Wars. Il y a un projet ça, général global par-dessus tout. Là. Exact. C'est fou. Là. C'est de façon, anyway, aujourd'hui, quand tu regardes ça, tu recules en arrière. Là. Il y avait une histoire que Mark Hamill avait racontée par rapport au fait que Darth Vader, c'est son père. Il y avait juste lui qui le savait, puis le réalisateur, puis le gars qui faisait Darth Vader. Ouais. Puis les médias ont sorti une rumeur dans ce temps-là, dans les journaux, pour dire que Obi-Wan, c'était le père de Luke Skywalker. C'était ça la rumeur, puis c'était lui le main villain. Mais c'était faux. Il a comme laissé leaker une fausse information parce qu'il savait que si les journaux auraient su que Darth Vader, c'est le père de Luke Skywalker, mais il aurait su que Mark s'est ouvert à la trappe. Fait que c'était vraiment, genre juste pour revenir à où ce que je veux en venir, c'est qu'à la première du film, quand c'est arrivé, Harrison Ford a touché l'épaule à Mark Hamill pour dire « Tu me l'as pas dit. » Ouais. Fait que, tu sais, aujourd'hui, c'est les photos puis tout. Même là, dans la lutte, c'est comme ça, là, comme il faut, Money là. In the Bank, là, c'était dimanche passé. Là. Ouais, puis Lesnar est revenu sans que personne ne sache. Ils l'ont dit après ça, la seule personne qui savait que Lesnar allait se pointer, c'était le gars que Lesnar il poussait en bas de l'échelle. Puis ils ont dit juste avant le match, tu dis, écoute, tu vas aller au match. Tout, qu'est-ce qu'on a discuté, c'est ça qui va se passer. Tu vas monter, tu vas aller prendre la briefcase, le Mustafa Ali qui s'appelle. Ouais, ouais. Puis quand tu vas prendre la briefcase, boum, la tourne de Lesnar va partir, Lesnar va venir te détrôner, puis c'est lui qui gagne. Les lutteurs dans le match le savaient même pas. Ils savaient qu'il y avait un gars qui allait se pointer. OK, pour avoir, mettons... Mais ils n'ont jamais pensé que c'était Brock Lesnar, parce que Brock Lesnar, c'est comme un gros secret caché. Là, ouais, fait que c'était ça pour hyper le monde et tout, mais pour revenir à Marvel, puis la machine Disney, c'est comme un peu... tu sais, Homecoming, moi, je vais commencer à en prendre, puis en laisser les trailers, là. Puis c'est sûr que ça devrait être un trailer. Parce que sinon, à un moment donné, tu regardes un film, puis tu vas à pêche pour des moments dans le film que techniquement... Ouais, mais tu te construis le film dans ta tête souvent avant même d'être allé le voir. Tu fais une attente. Comme j'ai regardé Segway, j'ai réécouté pour la deuxième fois seulement Solo avant hier. J'ai détesté Solo en sortant du cinéma. C'est parce que dans ma tête, j'avais une attente spécifique de c'est quoi ça allait être le film. Ben, c'est de là que vient la plupart du hate sur le net, sur les films, justement. C'est le monde qui font des attentes c'est ça. Par rapport à ce qu'ils veulent voir, puis ils oublient d'apprécier ce que c'est vraiment. Est-ce que je trouve que Solo est un bon film après? Non. Est-ce que je le déteste autant que la première fois que je l'ai vu? Non, pas du tout. J'ai même trouvé qu'il y a des parties que j'aimais. Ouais, puis ça s'écoute bien chez vous. C'est ça, c'est relax. Exactement. Fait que c'est juste, à la fin de la journée, des trailers, c'est pour emmener le monde au cinéma. Mais laissez-nous en faire notre opinion. Donnez-nous pas tout dans les trailers. Ouais, aussi, ça. Non, c'est ça. Parce que même moi, là, j'ai pris l'habitude. Là, tu vois, le dernier trailer de 1 minute et quart qui ont sorti de Endgame, je ne l'ai même pas écouté. Jeff me dit ah, il y a un nouveau trailer. Ah non, celle-là, je ne l'écoute pas. Parce que je voulais pas voir le pacing de OK, tu sais. Il y avait rien. C'était tellement smooth. Puis il montrait presque rien. Fait que j'étais content. Là. Moi, je m'étais effacé de tout. J'étais comme ah, si, je veux rien savoir. Puis écoute, là, juste parler ça de même, je m'en vais voir John Wick 3 en fin de semaine. Ouais. Puis j'ai même pas écouté. Je l'ai même pas écouté le troisième trailer. J'ai écouté le 1. Le 2, je l'ai même pas vu. Je l'ai écouté. Puis là, le 3, je sais même pas quoi m'attendre. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a bien du monde qui meurt. Là. Ma mère me l'a confirmé. Fait que. Ta mère est allée voir John Wick avant moi. Ben ouais, bon. Puis elle me dit hey, c'est violent ce film-là. Mon ben, père est allé voir John Wick avant moi. Pour bien, tu aimais ça? Mon père, sa réponse. Mon père, c'est jamais quelqu'un qui va dire oh my god, c'était écœurant ou oh my god, c'était mauvais. Il est très comme. Il est très neutre, mettons, avec ses films. Sa réponse, tu as aimé le premier puis le deuxième, il n'y a aucune raison que tu n'aimeras pas le troisième. C'est un film de John Wick. Parfait. Moi, je suis vendu drette là parce que oui, j'ai aimé le premier. C'est la musique dans mes oreilles, ça. Ah, bon. C'est un John Wick, c'est ça qu'il dit. Par rapport aux spoilers, dans le chat sur Twitch, il y a Mighty Joe qui dit que lui, il l'a vu deux fois Endgame en Gaspésie. Ah, il présentait là-bas? Ouais, il dit que ça sortait la semaine passée. Fait qu'il a fallu qu'il vive un mois sans spoilers, lui. C'est sorti la semaine passée? Oh, wow. En Gaspésie? Ouais, fait que c'est ça qu'il nous dit. Y avait-tu des inondations? Pourquoi un mois? C'est en région sur les plus loin. Je sais pas pourquoi. Et pourtant, en plus, c'est un gros film. C'est-tu traduit gaspésien? Ça, c'est écœurant. Il y a juste une traduction en Gaspésie spécifique là-bas. Là. C'est Patrick Huard qui fait toutes les voix. Ah, side note, Patrick Huard, là, il va adapter Brooklyn Nine-Nine au Québec. Ça va être dégueulasse. J'espère qu'il jouera pas dedans. Puis s'il joue dedans, j'espère qu'il fait pas Andy Samberg, Carlis. Le capitaine, c'est Colin Farrell. Ce serait malade, mais ça va être bon cop, bad Nine-Nine, c'est quoi ça? Puis ça va jouer sur Illico, sur le club Illico. Ah ouais, ah, ça c'est... OK. Mais bon, ça va faire comme la version québécoise de The Office, ça va planter. La job. La job. Le pire, c'est que l'acteur principal était bon. Est-ce que c'est un autre ouais, sujet? Moi, je suis vraiment déconnecté. Là. J'écoute zéro. Ben, moi non plus, j'ai plus le câble. Je n'ai pas la TV québécoise, malheureusement, parce que moi, j'ai pas le câble. Je pense que j'ai jamais eu. T'écoutes pas la figueuse? J'ai jamais eu le câble dans les 12 dernières mais années. J'ai pas le câble. Moi, j'écoute juste des affaires de Réseau Cannes sur leur application, tout.tv, mais that's it. Il y a une petite controverse. Les beaux malaises, c'était très drôle. Ma soeur m'avait montré ça. Ouais. Ça, c'était le genre de show que I can't get behind. Là. Mais il y a eu un essai de drame avec la figueuse cette semaine. Ah oui. Juste pour. Parce que je trouve ça drôle. Ah oui, je l'ai vu, mais c'est un. La fille, elle s'est faite prendre en photo avec le rapper, genre, qui la violait dans la figueuse, là. Puis elle était porte-parole de Parents Secours. Fait que quand ils ont vu non, ça. Non, c'est pas ça, là. C'est pas Parents Secours. Non, mais je le dis dans chaud. Mes mots. Non, mais c'est vrai ce qu'il dit, pour vrai. Là, je le dis dans mes mots. Fait que là. elle a donné sa démission de la fondation Parents Secours. Mais c'était pas le gars de l'émission, c'est un autre rappeur, ça n'a pas rapport. C'était pas le même, il avait une coupe de cheveux. Il y avait une émission. Mais le rappeur, il a-tu fait de quoi de pas correct? Non, mais ça, il y avait. Il a violé des enfants, je pense, en Ontario. Shit. Ouais, il est comme des enfants, non, mais c'est pas ça. Il a été accusé de proxénétisme, genre la semaine passée. Puis... Mais il fait le mot sexuel dans sa sentence. Fait qu'il est champion du monde de boxe, c'est ça? Genre, là. Ouais, c'est ça. Puis je sais qu'il y avait. Ça a rapport avec le mot sexuel parce que quand j'ai lu la sentence, j'ai juste compris le mot sexuel. Puis c'est pas Adonis. Non. C'est pas Adonis. C'est, on dirait qu'à date, tu me décris sa vie. Il s'appelle Enomis. C'est un rappeur proxénète. Il s'appelle pas Adonis, mais ça s'adonne qu'il s'appelle Edonis. C'est son nom de rappeur, puis je pense qu'il chante pour Dead Obies. Quoi? Non, non, tu mélanges les affaires, là. C'était un rappeur proxénète. C'est deux gars différents à ça. Mighty Joe nous le dit, là. C'est un rappeur proxénète. Ouais, mais le gars de Dead Obies, c'est l'acteur qui a joué dans l'émission Fugueuse, qui faisait le violeur, mais c'est pas lui, Calis, là, dans la vraie vie, là. OK. Mais si ça serait un proxénète robot, ça serait moi. J'ai vraiment lu le texte en diagonale dans la presse. C'est vrai, c'est Guillaume. Ça. Faudrait que j'augmente mon brightness dans mon iPad parce que j'ai carrément lu sexuel, dead obese. Yes, il est là puis les mots se mélangent comme. C'est comme un casse-tête. Il forme une phrase. J'ai formé les. J'ai lu l'article quand même en 10 secondes, vite. J'étais comme, ah, c'est une conne. Ben, ben. J'ai entendu à la radio, moi. C'est pour ça que j'ai entendu parler au 98.5 à un moment donné. Ah ouais. C'est pour ça que je sais l'histoire. Fait bon, c'est ça. on va commencer. Fait. Tout plein de classe ce soir. Oh ouais, mais comme toujours, la jasette, la bière puis de la classe. Je vais me prendre une bière, moi, tant qu'à pas hors de classe. Je pense que tu devrais avoir assez long de fil. Si tu le tires un peu, tu vas pas ouais, te rendre. Pas pensé. T'as le 6 là en bas de Heineken, là, que tu peux pogner dedans. Cette émission est vous présentée par Modelo. Voilà. Non, aucune présentation de Modelo. La Cerveza est spéciale. Il y a Vox Populi, qui est notre commanditaire, est trop nouveau, un des brasseurs a fait une sous-microbrasserie qui s'appelle Pixel. Oh! Puis ils ont fait le lancement hier de leur bière, leur IPA. Y a-tu goûté? Ping Pong, ouais, c'était bon. Félicitations, comment qu'on s'appelle? Pro? Pixel. Non, mais le ceux qui l'ont fait? C'est Adam Sandler. C'est Vox Populi, en fait. Il y a un cadre là-bas, là, dans le décor. Ben, c'est notre félicitations à Vox Populi. Ouais, vous pourriez commencer aussi la jasette. On en boit de la bière beaucoup ici. Plus qu'à Rétro Nouveau, en fait. Ouais. Le courriel est sur Facebook. La SQDC. Hein, ouais, c'est ça. Tout ce qui peut être légal, on va être commencé par. Ouais. Voilà, donc, la manière que j'ai fait ça, c'est que j'ai séparé le film en trois actes. Je pense que les trois heures sont un peu distinctes. Peut-être la dernière demi-heure, c'est plus une autre affaire aussi. Là, mais, fait qu'on va y aller de même, puis on va parler. J'ai des petits points, on va dérouler le film un peu, comment il se déroule. Let's go! Si vous avez des affaires que j'oublie, allez-y. Gênez-vous pas. Donc, on commence le film sur l'après Infinity Wars et on commence avec Hawkeye à la ferme avec sa femme et ses enfants et la fille de Hawkeye qui est la future Hawkeye probablement. Là. Oui. Non. Ben. Elle est pas dans Kate Bishop, c'est Hawkeye dans les comics. C'est elle qui prend le mantle de Hawkeye à Clint Barton plus tard. Ils sauvent-tu des portes? Mais c'est en pas ça? Sa fille, puis ils sont pas reliés. Ils se connaissent, puis c'est son mentor. Ah ouais. Ah. Ouais, mais ils peuvent. Dans le MCU, on s'entend qu'il y a toujours place à l'interprétation. Puis je crois que c'était un nod envers elle, mais il ne l'appelle pas Kate non plus. Il y en nomme-tu ou il dit. Honnêtement, j'ai pas tant. Il y a un nom, mais c'est pas Kate ou Cathy ou un dérivé de ça. Là. Ah, ok. C'est juste un clin d'œil. C'est vraiment juste sa fille. C'est un clin d'œil, mais je me disais peut-être qu'il s'ouvre une porte plus tard pour l'amener. Ben, il y a une télésérie qui a été confirmée par Disney Plus. Puis il a pas voulu dire si c'est Hawkeye ou si ça va être sa fille. Oui, parce que peut-être aussi, moi qu'est-ce que je pense, c'est que, tu sais, Disney, à la fin de la journée, c'est une grosse compagnie, right? Fait que là, tu viens de faire des Avengers. Tu viens de finir des Avengers. Tu viens de finir 10 ans incroyables de 22 films. Fait que là, faut que tu passes à d'autres choses. Fait que qu'est-ce qui serait populaire que tu peux pas appeler ça des Avengers 4 ou 6 ou 8 ou 10? Les Young Avengers. Exactement. Puis je pense qu'on, pas pour sauter d'acte, mais je pense que c'est pour ça aussi qu'à la fin du film, on voit le petit gars d'Iron Man 3 qui est au funérail de Tony Stark. Tu penses qu'il va prendre la relève? Moi, je pense que subtilement, ils sont en train de nous montrer les Young Avengers puis que c'est Peter Parker qui va être le leader. Ouais, moi, ça, j'ai dit à mon fils. Ça se pourrait. Parce que tout ce que tu vois dans les trailers avec Happy Hogan puis tout ça, puis à la fin de la journée, Spider-Man, dans son suit, il y a un AI comme Tony Stark avait dans son show. Je serais pas étonné que dans son nouveau suit, le AI, c'est Tony qui parle. Ouais, mais moi j'avais cette idée-là, mais pour les lunettes à Tony. Fait que je me dis, tu sais, peut-être une façon ou une autre de l'amener, là, mais... Moi, je pense qu'ils vont se bâtir un paquet d'Avengers, mais comme du monde plus jeune. Ils ont commencé à faire ça d'un bonhomme. Il y a une télésérie de Spider-Man. Là, je pense que c'est The Amazing Spider-Man, mais je ne suis pas certain. Là. Puis c'est Spider-Man avec Luke Cage, Iron Fist, puis White Tiger. Ça doit être pour ça qu'ils sont tous en train de canceller leur show sur Netflix aussi. Puis son Big Boss. Ils vont tous les sortir sur Disney+. Ils vont refaire d'autres choses avec ça. Là, mais d'après moi, ils vont faire un complet reboot de ces personnages-là. Comme d'après moi, on va voir un jeune Iron Fist. Ça peut être fort, parce que dans le fond, c'était peut-être un peu trop violent pour Disney Material? Mais pour aller je sais au cinéma, pas, peut-être. Ouais. Parce que automatiquement, c'est rated R si tu mets un film de ça au ouais, cinéma. Ouais, il y a des contextes que c'est un peu trop intense pour Disney dedans, là, surtout dans Luke Cage, dans Jessica Jones. Dans Jessica Jones, surtout des choses Jessica comme Jones, ça. Jessica Jones, il y a des affaires hard en plus. À Disney, ils toucheront jamais Punisher, des sujets comme ça, puis c'est normal. Là, c'est ouais, Disney, Punisher, à la je pense fin pas qu'ils vont le pogner. C'est ça, mais ils font ça. Fait que. Fait que, okay. Ils peuvent faire tellement plein d'affaires. Anyway, là, ils ont le cinéma, ils ont la télé, puis ils ont le streaming. Fait qu'ils ont, ils ont plein de plateformes. Fait qu'ils vont en avoir des personnages. Sky's the limit. Fait que moi, Hawkeye, ça a bien introduit, je pense, le snap de Thanos ouais. en dehors de l'univers de Thanos. Ouais, parce que dans le fond, on savait pas où il était. On savait qu'il était comme à la retraite parce qu'il s'était fait arrêter dans Civil War. Ouais, fait, tu le vois, il a son moniteur, sa cheville pendant qu'il aide sa fille là, au début. Fait, c'est ça, ça sert la table parce que dans le fond, tu sais, on savait tous qu'il allait devenir un personnage important pour le nouveau film. Fait que c'était. Moi, je pense qu'on l'avait tous prédit que Hawkeye va devenir fou. Il va devenir Ronin, dans le fond. Au complet, il devient le. C'est ça. C'est ça. Il y a peut-être. Il y a un instant où je pensais que, genre, Thanos, il avait snappé ses doigts puis qu'Hawkeye était au salon de coiffure, mais c'était pas le cas en tout. C'était finalement avec sa famille. Ouais. Puis il est devenu Ronin. À cause de ça. Puis son explication de devenir comme ça, vous autres, vous avez survécu, pas ma famille. Fait que vous allez avoir c'est affaire ça, c'est, à moi. C'est là, pas là, normal fond, que, c'est... mettons, un criminel ait c'est survécu ça. Au snap de Thanos. Fait que c'est moi qui va être le juge. C'est ça. C'est... De, ouais, c'est dans le fond, il fait le Punisher. Exact. Ouais, c'est, exact. C'est une version du Punisher. Dans avec le fond, les là, épées. Après ça, je pense qu'on s'en va directement dans l'espace après cette scène-là avec Tony. Oui, Tony Pinibula qui joue au hockey en se pitchant des snaps là, des morceaux de papier. Morceaux de papier, oui. Ouais, c'est une bonne scène, ça montre la desperation qu'ils ont. Puis que... 21 jours, je pense, dans l'espace, Tony qui est rendu meg. Là. Exactement, puis ben, même, je te dirais que je ne l'avais même pas remarqué dans le vaisseau qui était... Mec, je l'ai su. Ouais, je l'ai revu après, quand je l'ai revu la deuxième fois, je me suis dit, ah oui, c'est les mecs en esti là. C'est ça, dans le fond, tu sais, on voit la scène dans le trailer où que, il allume son casque puis il fait un petit message. Il parle à Pepper Potts. Mais je pense que grâce à ce message-là, c'est comme ça que les Avengers ont pu comme traquer le vaisseau où ça se pourrait. Puis que Captain Marvel est allé le chercher parce qu'il y a une affaire. Ça, pas long après ça, avant qu'après ce qu'elle arrive. Ben, c'est mon fils qui se demandait, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé. Parce que le end credit scene de Captain Marvel, dans le fond, ça se passe entre Infinity War puis Endgame. Ouais. Puis je pense que c'est suite comme après, ça que, ouais, c'est comme ça qu'ils l'ont probablement traqué. C'est dans le 21 quelqu'un jours. Quelqu'un l'a confirmé sur une entrevue. C'est qu'ils disent, si je m'y compris, c'est qu'eux autres, ils avaient une idée à peu près d'où c'est qu'ils étaient, mais pas de moyen d'aller le chercher. Fait quand Captain Marvel s'est pointé, ils ont juste dit, il est là, va le chercher. Ouais, parce que tu sais à quelle planète à peu près il était. C'est là, ça. Quand ouais, il était genre. Ils savent, Titan. Ils savent Titan, ouais. Ils sont où Titan. Puis ils se disent, logiquement, un ship va faire une trajectoire directe entre Titan puis la Terre. Fait que d'après moi, elle a juste fait l'aller-retour. Ouais, pour ça. Ouais, parce que dans Avengers, il n'y a personne qui a la capacité de se rendre là dans l'espace. Ils n'ont pas la technologie sur Terre pour aller dans l'espace lointain comme ça. Là. Captain Marvel, oui. Oui, parce qu'elle, c'est Captain Marvel. C'est le personnage uber-powered de MCU. Elle est puissante. D'ailleurs, ils ont dit, il y a eu une entrevue avec les writers de Endgame à Smodcast avec Kevin Smith. Puis ils ont dit qu'il allait avoir un personnage homosexuel dans les prochaines phases. Ouais, puis Hercule. Ouais. Sûr? Moi je dis que c'est... Non, ils ont dit que c'est un personnage qu'on connaît déjà qui va. Moi je dis que c'est. Puis moi je dis que c'est Captain Marvel là, qui va être gay. Là, la coupe de cheveux. La coupe de cheveux laisse beaucoup présager ça. Ça se peut, ça peut être Iceman aussi. Hercule. Iceman, on l'a pas vu. Ah, ok, comme qu'on connaît. On l'a vu dans MCU ou, à date, ouais. Hercule, es-tu gay dans un BD? Ouais. Iceman, il came out last year in comic books. Ok, Iceman est gay, mais Hercule, il l'est-tu? Non. Ok. C'est juste pour briser la mythologie. Non, parce que j'ai acheté Hercule à mon fils la semaine passée. Tu voudrais pas y acheter des personnages gays? Mais c'est ça venait avec la tête de Thanos. Non, c'est pour ça que je me pose la question. Le gars, il se promène en bobette, shirtless, puis il aime ça, wrestle avec des grosses affaires poilues. Fait qu'écoute, à la fin de la journée, on peut... on fait une propre conclusion. C'est ça. Fait que Nebula qui ramasse Tony quand il est sur le bord de mourir, il est dans une chaise, comme contemple le vide, puis en IMAX, c'était comme belle scène en IMAX. Ouais. C'était cool, puis ça montre la progression émotionnelle de Nebula à travers les films de Guardians of the Galaxy. C'est vrai. C'était une crise de conne, puis elle est devenue gentille après. C'est ça. Mais je trouve aussi qu'ils ont bien fait... C'est un peu un robot fait, aussi, tu sais. Ils ont bien fait de montrer pourquoi c'était une crise de conne. Ouais. Parce ben, que tu peux te battre par ton père toute ton enfance, mais est-ce que ton père, il te chope des bras, puis t'enlève des morceaux de toi-même, puis te répare avec robot puis te traite toujours comme la vidange, tu sais. Ouais. Oh, regarde le premier Guardian of the Galaxy, tu sais. Comment que t'annonces, il parle même pas à Nebula. Il s'en calisse. Comme il la regarde même pas, il n'y a aucune interaction avec elle. Même si elle lui parle, il répond même pas. Ben, elle a passé comme une grosse partie de sa vie à vouloir plaire à son père. Ben, c'est parce que si tu surviens à la ligne, Thanos, il acknowledge Gamora déjà, mais pas elle. Ouais. Ah, oh, ben, quand il parle à Ronan, il dit non seulement que t'as perdu la stone, but you also angered my favorite daughter, Gamora. C'est en sûr que Nebula est à côté de lui là, quand il dit ça. Là. C'est même pas sa fille, Gamora. Thanos, c'est-tu comme le René Angélil de Gamora? Tabarnak. Non? OK. Ben, Gamora, elle a jamais vraiment chanté. Non, c'était plus personnel. Mais, dans le fond... C'est plus un Guy Cloutier. Ouais. Bon, ça, ouais. Ça dérape. Mais quand... Nebula, c'est plus Nathalie. Quand ils sont arrivés, mettons, tu sais, là, t'as vu que le vaisseau atterrissait dans le parking de la base des Avengers. La première fois que je l'ai écouté, j'ai pas eu de sentiment comme... Ah. Mais la deuxième fois que je l'ai écouté, là, je te dis que quand que Tony apparaît, puis il est comme une serviette autour de la taille, puis que Captain Nico ouais. pour aller le voir, puis quand il voit Pepper, là, j'avais quelque chose dans les yeux. Ben oui, c'est le fun à voir. Non seulement que, un, il est revenu sur Terre, mais confirmation, ben Pepper est pas mort. C'est ouais. ça. Puis tu sais, la première chose qu'il dit à Cap, c'est « I lost the kid ». Puis Cap, ouais. il dit « No, we lost the kid ». Fait que là, j'étais comme « Ah, c'est-tu, Chris. Parce qu'ils ont mangé une tabarnak de volée, tu sais, c'est, ouais, c'est intense. Tu le vois après aussi, Tony, là, quand il s'arrache le réacteur du cœur, ah, puis ouais, qu'il dit comme hey, on a tu me dis qu'on allait perdre ensemble, puis t'étais pas là, puis genre, j'ai perdu tout ça. Ouais. Il en voulait encore par rapport à ce qui est arrivé. Il était fâché plus pour le 21 jours qu'il a quasiment rien mangé, puis il était émotionnel, puis les nerfs en fleur de peau. Puis il était hyper fâché d'avoir perdu Spider-Man aussi. Ça l'avait affecté au bout, parce que dans le fond, c'était comme un fils pour lui, là. Quand tu regardes ça, ouais, depuis ça, le début qu'il l'a recruté. Mentor, puis c'est lui ouais. qui l'a recruté, puis ça n'aurait pas été lui, il n'aurait jamais été en danger. Même quand tu regardes Civil War, la seule fois qu'il se fait toucher, Tony Stark, tout de suite, c'est comme non, tu t'en vas chez vous, ciao, bye, merci. Ouais, c'est fini, puis là tu vois que. Ah, c'est okay, ça. Okay. Fait ouais. que c'est pour Tony Stark aussi, comme j'ai réécouté tous les films, là. Écoute Iron Man 1, puis écoute Endgame tout de suite après, tu vois une grosse différence dans le personnage. Il a grandi. Ouais. Tony Stark, c'était un gars égocentrique. C'était un playboy, comme ils disent, playboy, philanthropiste, multimillionnaire. Il pouvait faire ce qu'il veut, avec qui qu'il veut, quand il veut. Il traitait Pepper Potts comme la vidange. C'est vrai. Il achetait même pas des cadeaux de fête, des choses comme ça. Il achetait des fraises, il était allergique. Ouais, exactement. Il montrait que c'était un boss qui s'en foutait et qui était pas capable d'exprimer vraiment ce qu'il ressentait pour elle. Puis non seulement pour elle, mais pour l'ombre aussi. Tu regardes le premier Iron Man, c'est lui qui réalise qu'est-ce qu'il peut faire pour changer le monde. Tu regardes le deuxième Iron Man, c'est lui qui réalise qu'il est en amour avec Pepper. Le troisième Iron Man, c'est lui qui réalise qu'il est en amour avec Happy. Oui, parce qu'Happy, il a frôlé la mort. Mais dans le sens que il commence à réaliser le monde autour de lui, le monde qui le supporte, puis qu'il commence à plus être conscient de qu'est-ce qu'il fait et les actions qu'il fait. Tu sais, sérieusement, c'est un arc tragique quand tu regardes le Endgame, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Tony Stark, parce que tu sais, si tu regardes juste Avengers, Age of Ultron, tout le monde blâme Tony Stark pour avoir fait ce qu'il fait, mais à la fin de la journée, il l'a fait pour la même raison, pour éviter qu'est-ce qui s'est passé dans Infinity War. Ben c'est ça, c'était sa prémonition qu'il a eu. Dans le fond, lui, là, tu sais, quand Cap, il se lève et il dit « Pourquoi t'as rien fait? » ça l'avait affecté mentalement, puis il a bête trippé aussi. Tu sais, il a risqué sa vie avec l'invasion que ça t'intéresse en envoyant le nœud dans l'espace, puis tout ça, puis ça l'a toujours gardé en tête, puis il avait toujours peur que ça revienne. Parce que même dans... Mais il dit, je vous l'ai dit, il fallait qu'on construise un shield autour de la Terre. Ben, là, il revient à Ultron, quand il en avait parlé. Tu sais, c'était le projet Ultron, ça. Puis dans sa tête, lui, il a le temps comme échoué un peu, puis qu'il était pas prêt à... Il savait que ça s'en venait, mais il était pas prêt. C'est pour ça qu'il était prêt à aller. Il avait jamais eu vraiment de défaite à part ça. Depuis le MCU, Tony n'a jamais vraiment connu une défaite. Non, ils ont tous battu, ils mangeaient du shawarma, puis ça allait bien quand même, mais ils ont perdu bien les affaires, puis ils ont perdu des civils, puis des... Ouais, c'est qu'il n'y a pas eu de défaite officielle, mais tu le vois dans Civil War, la partie que Kalei commence à réaliser les conséquences de ses victoires. Ah, c'est le monde qui sont morts au-dessus. Qui apprend sa mère qui meurt, son père qui meurt. Sa mère, il l'aimait. En tout cas, c'est là que tu voyais qu'il y avait un amour inconditionnel envers sa mère. Mais tu avais toujours pensé qu'avec son père, c'était froid. Puis là, on en parlera tantôt. Là, ouais, mais, encore une fois, dans le troisième Iron Man, c'est là que tu vois que c'est pas le film qui est le plus aimé du monde, le troisième Iron Man, parce qu'il n'y a pas tant d'action. Non. C'est que faut que tu portes vraiment, surtout avec Endgame, ça le rehaussé. Iron Man 2 et 3, ça bâtit vraiment la relation qu'il avait avec son père. Parce que le Stark Expo, il fait ça juste pour l'ego de son père. Ouais. Dans le troisième, quand il découvre, comme il break le code sur comment que son suit est fait puis comment que qu'il veut upgrader. Ça, c'est la deuxième partie du film, du 2, ça. Ouais, c'est dans le 2, excuse-moi. C'est tout bâti sur sa relation avec son père. Ouais, parce qu'il écoutait le footage de son père, mettons, qui était pas acheté, puis il disait à Tony, t'es ma plus belle création. Puis c'est les choses qu'ils disent pas aussi qui sont répatriées à travers l'MCU. Comme quand tu regardes Spider-Man Homecoming, ils disent vite, mais c'est lui qui finance Damage Recovery. La compagnie qui vient ramasser les morceaux puis qui répare ouais, les ouais, buildings après les batailles. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça, c'est sa conscience qui déjà est en train d'y parler. Quand il voit la fille à l'ascenseur dans Civil War qui dit ben c'est lui que t'as tué, tu vois sa réaction tout de suite à ça. Ben, il a fait les Iron Legion aussi qu'on voit dans Ultron au début là, pour protéger les civils parce qu'il y avait tout, plein d'affaires. Tu les vois dans Homecoming, Spider-Man aussi, ils font un retour quand ils viennent sauver le bateau. Ouais, c'est vrai. Ben, c'était Tony qui était là. C'était Tony, mais c'était comme, excuse-moi, pas le Iron Legion, mais comme, tu sais, tous les petits robots qui se placent à des parties et qui poussent, là, tu sais. C'est que tu vois, ils poussent pour vraiment aider plus le monde aussi. Quand en temps normal, Iron Man, il serait pas là. Puis tu vois, un moment donné, quand il parle à Spider-Man, il est pas dans le suit, il contrôle la remote distance. Ouais, c'est vrai, c'est pas une fois qu'il le voit, puis là, que tu sais, genre, c'est pour ça que Parker pogne les nerfs la deuxième fois, là, il dit, t'es jamais là. Fait que ça te montre que c'est vraiment ça. Il a vraiment grandi et développé une conscience sociale pour la planète, pour le monde autour, puis aussi. Puis c'est pas une question qu'il aime pas ses collègues, c'est juste la seule mention que tu as de ça, parce que dans les comic books, Tony Stark s'est toujours reconnu comme c'est le futuriste du MCU. Tu as toujours Monsieur Fantastique, c'est comme le smartest man in the MCU. Mais Tony Stark, c'est toujours le gars qui, voici les données, la tendance selon ces données-là ouais, ouais. Égale qu'on s'en va dans un mur qui est là. Faut faire de quoi pour ça? Dans Civil War, à la fin, Hawkeye, il crie ça de sa selle. Here comes Tony Stark, the futurist, everybody. C'est vrai. Parce qu'il blâme, il dit, mais c'est tout le rôle Civil War. C'est Tony Stark, il est juste pas capable de s'exprimer comme faux, puis il dit, gars, on s'en vient là. Si vous signez pas cet accord-là, vous allez tout aller en prison, comme il leur dit en partant. Là. Non, le premier meeting qu'ils ont eu quand ils ont eu le projet. Puis regarde, même à fin, quand il sait qu'il a eu tort, il va aider Captain America. Puis ça relie... Anyways, je vais continuer ce segment-là plus loin dans le film. C'est bon. Parce que ça relie une grosse partie du film, ça aussi. En tout cas, là, il s'arrache, comme on disait tantôt, il s'arrache le réacteur. Puis là, c'est un peu la coupure des Avengers. Et puis là, on a le time jump de 5 ans plus tard. Même pas avant, ils sont allés voir Thanos. Non, ah oui, c'était-tu là? Ouais, c'est tout après, dans le fond... que là, quand Tony enlève son truc, puis là, il l'envoie dans une autre pièce. Ah oui, oui, non, là, c'est Captain ça. Marvel, tu t'en vas où? C'est vrai. Là, on s'en va voir Thanos qui fait de la bouffe en T-shirt. Oui, c'est ça. Avec la face brûlée, puis il a détruit les Stones, en fait. Ouais, le mouillé bout qui m'a fait rire, dans le fond, c'est que là, il s'en va dans l'espace, là, c'est Rocket Raccoon dans son vaisseau, puis il dit, OK, ceux qui ont déjà été à l'espace, levez votre main. Captain... Vous êtes mieux de pas être malade? Ouais, c'est Captain America, puis... Scarlet Witch, puis c'est qui l'autre qui est avec eux autres, Esti? Black Widow, ouais, j'ai dit Scarlet Witch, mais dans le fond, c'est Black Widow, Captain America, puis c'est Rhodey qui était là aussi. Ouais. Fait qu'elles sont toutes parties là-bas. Ah, même Bruce Banner, tabarnak. Ouais, fait que là, il était trop tard, anyway, puis Thor, il chope la tête à Thanos. Ouais. Ouais, là, il a vraiment visé la tête comme qu'il aurait dû se faire dans le premier film, mais... C'était trop tard, écoute, anyway. C'est genre, Thanos, il chillait, puis... Puis c'est là qu'on a commencé à voir, comme, tu vois que Thor, première fois dans sa vie, je pense que lui, il perd pour vrai, puis qu'il est... Lui, il a failé solide. Lui, il a perdu plein d'affaires depuis le début, man. C'est ça. Thor, c'est le personnage qui a le plus de pertes dans toute la MCU. Il a perdu Asgard au complet. On va faire les beats by beats. Sa mère, son père. Thor number one, il perd... Thor number one, il perd son hammer. Première affaire du film. Ouais, parce qu'il était trop orgueilleux. C'est ça. À la fin, il le retrouve, mais là, il s'en va, puis il perd contact avec Jane en partant. Puis il perd son frère. C'est ça. Thor numéro 2, il perd sa mère, puis techniquement, encore une fois, il perd son frère. Oui, parce que dans le fond, il pense qu'il est mort. Thor Ragnarok, il perd toute sa ville, tout son univers. Asgard is gone. Il perd son père. Il perd son père. Il perd officiellement son marteau. Il tue sa sœur. Il tue sa sœur. On s'en fout, fait que Mais c'est il serait considéré avec Loki. Ouais, c'est ça, il serait considéré avec Loki. C'est ça. Puis il est obligé de sacrifier littéralement Asgard pour sauver Asgard. Mm. Infinity War, en partant, il perd Heimdall. Il perd son ouais, suivant de Loki pour la troisième fois. Mais cinq premières minutes. Ouais. Genre pour de bon jusqu'au time jump. À la fin, il se redeem finalement. Il revient super powered. On s'entend que dans la bataille d'Infinity War, la personne la plus powerful sur le field, c'est Thor. Ah ouais, parce que dans le fond, il s'en laisse faire tout péter à gueule. Ouais. Puis parce qu'il est tellement, il a tellement un gros ego, l'ego que son père dans le premier, il a dit de faire attention. À cause de ça, c'est là que Thanos a gagné. Quelqu'un dans le chat, Cyclone, qui dit il perd son œil. Il perd son œil, très bon point. Oui, c'est vrai ça. Que ça l'oubliait. Merci, Cyclone. Ceux qui manquent de perspective. Sa sœur, il arrache son œil. Fait que c'est sûr que Thor, c'est un gars magané mentalement. C'est un gars déprimé, rendu alcoolique, rendu gros, fini. C'est un Fortnite player. Kid, this is Thor, the God of Thunder again. Ben oui. Puis il y a un gros beef avec son nouvel nemesis, c'est Noob Slayer 69. Like, fait que c'est sûr que lui, sa vie est vraiment déprimée quand t'es rendu avec un bonhomme de pierre et un insecte qui mange la pide sur ton divan. Mais c'est ça, c'est comme j'ai dit dans notre chat l'autre fois, c'est ça qui arrive quand des sentiments humains viennent prendre le dessus sur un dieu. Là. Lui, c'est comme sa défaite était tellement grande qu'il s'est laissé non aller. Seulement, c'est on un pas dieu, parlé, il a perdu ses trois amis en partant de Ragnarok aussi. Quand elle arrive, elle tue le Warriors 3 en une seconde. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il y a juste ses trois meilleurs amis. Quand elle s'appelle, donc la fille là, qui est en amour avec lui, là, Lady Sif. Lady Sif, on l'a... Ben, supposément qu'elle était supposée être encore en vie, c'est juste que l'actrice, je pense qu'elle voulait pas être là. Ah, non, c'est ça. En parlant de Thor, est-ce que vous avez remarqué la seconde que tu vois le Destroyer Armor travailler les docks? Non. Non. Dans la nouvelle Asgard, tu vois le Destroyer Armor carrying une case. C'est un dock worker, là. C'est comme le Destroyer Armor est là, genre, sur la Terre. Même pas remarqué par j'ai pas vu ça pendant moi dans ma tête ça aurait été détruit ouais tu vois une grosse armure dans le bac à un moment donné qui marche sur les quais ouais. Ah ouais wow, j'avais pas marqué ça Chris. Wow est-ce que c'est hot Asgard qui est rendu un village de pêcheurs ouais c'est comme rendu mais le c'est... même village de Aquaman dans DC là. C'est un peu plus ouais, loin ça ressemble pas mal à ça parce qu'avant ça ça là, je pense qu'on a rien à dire sur Thanos à part qu'il a, il a détruit les pierres avec les pierres ce qui est hallucinant parce que je pense qu'on s'est tous dit comme what the fuck? C'est que Thanos meurt dans les 15 premières minutes du film. Ouais. Puis les pierres sont facilement, détruites. Là, puis là, t'es comme, OK, il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Le gauntlet est détruit, les pierres sont détruites, Thanos est mort. Toutes nos théories se sont noyées là. Thanos, c'est le ultimate movie villain rendu là. Il a gagné. Quand est-ce qu'on peut dire dans un film que le villain a non seulement gagné, mais une victoire? Il n'y a pas de nuance là. Il a tout eu ce qu'il voulait. Mais c'est là aussi le brio de Marvel, c'est que comme Jeff dit, dans les 15 premières minutes, toutes mes théories que j'avais sont tombées quand j'ai vu la tête de Thanos rouler à terre. Puis après ça, 5 years later, je suis comme... J'ai tout ce que j'ai pensé avant, je viens de tout l'effacer de ma tête. Là, c'est ça. Ouais. Et là, on va écouter le film parce que dans le fond, il reste encore 2h45 c'est d'écoute ça, c'est faire. Ça. Que... Moi, je suis content parce que je me rappelle de l'épisode, le dernier épisode j'étais là puis qu'on a fait Infinity War. Ouais. Il y a certaines de mes théories qui ont marché. Puis ouais, il y a une couple d'affaires qu'on a dit qui ont été là. Je suis content, man. Je pense que universellement, je suis le premier au monde qui a callé que Black Widow allait mourir. Oui, parce que dans le fond, c'est moi. Tu sais, mais c'est les conséquences. Je me rappelle, pas j'étais confiant de ça en plus. Mais tu disais que la conséquence allait être que Hulk allait sortir, qui aurait fait beaucoup de sens, mais c'est pas ça qu'ils ont fait finalement. Puis ça, c'était pourri parce que finalement, ma version, c'était que Hulk a lancé un banc de parc. Il était vraiment fâché. C'est vrai. Là. Ouais, c'est vrai. Un banc de parc qui a jamais tombé nulle part. On n'a pas entendu de son après. C'est ça. Fait que c'est mais avant qu'on arrive à lui, dans le fond, c'est le rat qui sauve l'univers, en fait. Là. Non, mais avant ça, même, Captain America est dans une place avec Joe Russo qui avoue qu'il était une date avec un autre gars. Ouais, puis dans la scène, il fait une session therapy de comme... Je vais te dire que qu'est-ce que j'ai aimé puis pas aimé. Puis arrêtez-moi si vous trouvez que je parle trop aussi. Là, mais non, ouais, t'es là pour ça. J'aime la scène parce que c'est un excellent callback. Puis c'est la justification de pourquoi Anthony Mackie va devenir Captain America. Parce que tu le vois qu'il fait ça pour lui. Parce que c'est comme ça qu'il l'a rencontré, right? C'est vrai, parce qu'il était dans, mettons, pour les soldats. Il a fait un support group parce que lui, qu'est-ce qu'il se dit? Il a perdu son partner. C'est que, oui, mais en même temps, c'est que tout le monde que Anthony Mackie aurait aidé a été là. Il n'est pas là pour faire son propre support group. Fait que Steve, il l'a refait pour lui. Pour que ce monde-là qui venait là, qui continue à avoir ce support-là. Parce que c'était pour des vétérans de guerre, mais maintenant des vétérans des survivants de, à la décimation ou la décimation ouais. au snap, comme on dit. Le Thanos snap. J'ai détesté. Il y a deux choses que j'ai détestées dans le film. Puis quand je dis pas détesté, c'est pas de haine, là. C'est juste. T'as moins aimé. C'est tasteless, ça, là, ouais, ouais. on dirait en anglais. Si tu veux avoir un personnage gay, fais-toi un personnage gay. Ouais, mais pas essaie pas de mettre en deux lignes, puis après ça, aller aux nouvelles, dire oh, regarde, j'ai fait un personnage gay. Check ce gars-là qui a pas de nom. Là. Un moment donné, il a dit qu'il est allé sur une date avec un autre. Qui, en plus, est le directeur du film. Je trouve que c'est tu dis quasiment le contraire quand tu fais quelque chose comme ça en tant que ouais, directeur. Ouais. Yeah, il y a pas de problème à être gay, pas gay, bisexuel, hétéro. Si tu veux faire un personnage gay, fais-en un. Il n'y a personne qui va te donner un backlash. Mais va pas. Je trouvais ça hypocrite. Ouais, ouais, Dan. C'était comme plugger en deux petites phrases, puis c'est pas comme si je m'attendais qu'en mette un. Là. C'était unwarranted. On dirait qu'ils veulent aller chercher ce groupe-là pour aller acheter un billet de cinéma, mais de la mauvaise façon. Ça, c'est dans un groupe de thérapie? Dans un groupe de thérapie, le gars, il dit... J'avais pas catché ça. C'était, je m'en vais sur une date, on va se revoir ensemble, puis c'est la manière qu'il parle, c'est un gars, l'autre gars. Là, il dit, là, il m'a parlé de sa famille, puis là, il a pleuré, puis là, j'ai pleuré pendant le dessert. Puis there's nothing wrong with that, puis c'était pas le acting, c'était pas le speech, c'est juste... C'est drôlement placé. Le problème, c'est ça. Que les Rousseau sont allés aux médias pour dire ben oui, on en a un personnage gay, il est là. C'est cette partie-là que j'aime pas. Ah, ok. Tu vois, j'ai même pas remarqué cette partie-là. C'est correct, c'est un film. Là. Pourquoi on est posé d'encadrer ce moment-là? Genre, ça n'a pas sa place. Après ça, Cap s'en va voir Black Widow. Qui est comme celle qui dirige un peu ouais. les Avengers qui sont plus existants, mais t'as comme sur des hologrammes, t'as Rocket Raccoon, t'as beaucoup de personnes. Je trouve ça douteux personnellement. Est-ce que c'était bon puis ça change le film? Pas du tout. Mais à la fin de la journée, si tu regardes les personnages, la personne que c'était une spy pendant toute sa vie, sauf les 5 dernières années, est en charge des défenses mondiales pendant que Tony Stark est chez eux en train de chiller puis que Steve Rogers, il fait des focus groups. C'est comme, je trouve ça douteux. Pourquoi Captain Marvel prendrait des ordres de cette personne-là? Mais en même temps, elle ne fait rien non plus. Elle est juste là et elle dit... Elle coordine, mais elle dit, s'il y a un problème, la ligne est ouverte, appelez-moi. Ouais, mais elle fait le Martian Manhunter qui fait pour le Justice League. Genre, elle est dans son bureau puis elle dit... Elle veut aider. On a ça là. Ouais, puis ça aperçoit que finalement, il n'y a pas vraiment de problème. C'est des catastrophes naturelles. Puis, Ouais, c'est ça, il y en a une. Puis comme il y a du monde en ligne, j'ai vu... Quelqu'un qui dit que c'est juste une phrase, l'affaire du gars qui est gay. Fait que c'est facile à censurer pour certains pays. Je sais pas si j'ai de la censure, honnêtement, mais en tout cas. Non, c'est ça. Je disais ça, c'était juste mon petite opinion personnelle. There's nothing wrong avec la ligne. Mais pour revenir, qu'est-ce qu'on disait, c'est qu'à la fin de la journée, elle coordine toutes ces choses-là, right? Ouais. Mais d'un autre côté, je trouve ça bizarre que dans 5 ans, ils n'ont pas été trouvés Ronin encore. Que pendant 50 ans, il a dit qu'il n'est pas capable de trouver. Fait que... Mais ça, il prend une seconde après ça, puis elle trouve au Japon. Hein, c'est... Non, ils l'ont trouvé. C'est juste qu'il laissait faire ce qu'il avait à faire. Non, parce elle a dit qu'il n'est pas capable de le trouver. OK, parce que moi, j'avais vu... Mettons, non, en fait, c'est pas ça qu'il a dit. Il allait ses scènes de crime. C'est War Machine, c'est qui le... Rhodey, là. Rhodey, en tout cas, c'est lui qui dit il est au Mexique, il y a des cartels, sure, c'est lui, puis elle veut comme rien savoir, elle ignore la réalité, elle est en déni complètement qu'il est en train de devenir un meurtrier, là. Ouais, c'est ça, puis tu sais, on s'entend qu'elle, tu sais, ce gars-là, elle l'apprécie énormément, là, tu sais. Ouais. Mais bon. Puis là, ça, on va voir dans le prequel, probablement. D'après moi, le prequel, ça va être... À Budapest. D'après moi, c'est ça. Il y a un gros moment que ça va être à Budapest quand elle se fait recruter. Puis aussi, probablement qu'on va voir comment elle se fait entraîner dans le Red Room. Puis je serais pas surpris que Bucky soit dans le film aussi. Ah ouais? Ouais, parce qu'ils ont, elle s'est fait tirer par Bucky, par Winter Soldier dans le temps. Puis dans Winter, non, c'est dans Civil War, je crois. C'est vraiment rapide, là. Un moment donné, quand elle met ses jambes autour de Bucky, là, elle dit quelque chose en russe à lui. J'ai pas remarqué. Ah ouais, OK. Puis c'est un mot, deux mots, mais c'est, elle fait une allusion qu'elle essaie de le réveiller. Elle me dit « Tu me connais, genre. » Puis quand on regarde les flashbacks de Black Widow que Scarlet Witch lui a donné, tu vois Bucky en train de l'étrangler en arrière. Ah ouais, ouais. Quand, c'est j'avais pas remarqué. C'était un détail, c'est wow. C'est un détail vraiment rapide. Comment que tu peux le remarquer? Son bras, parce genre? Que Bucky, non, c'était pas le bras de métal, c'est l'autre bras. C'est qu'on dirait que c'était un sparring partner. Parce que les Russes, ils ont leur programme. Ah, OK, ils servaient, mettons, à l'entraînement. Pour des gars, mais pour les filles aussi. Ah, ben oui, parce qu'ils étaient dans le même clic. C'est que d'après moi, Bucky lui-même s'en souvient pas parce qu'il wipait son brain à chaque fois. Fait que c'est juste des petits détails comme ça qui montrent ça. Mais ouais, fait qu'à la fin de la journée, Black Widow aussi, il fallait qu'il lui donne de quoi à faire. C'est ça. Parce que sinon, le film, pour elle, n'était pas grand-chose. Ouais. Ben, après ça, on a eu le Rock qui aura sauvé l'univers, qui ramène Scott Lang. Ouais. Tu vois ça quand même bien, ça. Scott Lang, qui, lui, dit que ça a été 5 heures pour lui dans le Quantum Realm. C'est ça, fait que là, il retourne. Comme ça, là, on l'a juste catché quand il est allé voir les Avengers, en fait. Mais ça, là tu sais, lui, il sort, puis là, c'est là que tu vois un peu l'ampleur. Puis c'est un beau plan qu'ils ont fait, je trouve, quand il arrive, puis il y a tous les memorials avec les noms, que tu vois l'étendue ouais, du monde là, lui, qui ont été morts. Il cherchait dans le fond le nom de sa fille. Ouais, puis là, il trouve son nom à lui. C'est ça. Voit sa fille 5 ans plus vieille, puis comme assez de réaliser ce qui se passe, comprend rien. Ouais, c'est fucked up parce que dans le fond, il est comme un film d'horreur. Il sait pas quoi dire, puis dans le fond, ce qu'il dit, puis il devrait être oublié pareil, c'est que mon Dieu, you're so big. T'sais, c'est comme shit, j'ai perdu 5 ans de ta vie. Non, mais comme qu'est-ce qui se passe, comment ça, t'es rendu vieux? Ah ouais, pis, le gars, lui, il sait pas ce qui s'est passé. Fait que là, bon, c'est ça, on va retrouver voir les Avengers. Les Avengers, puis c'est là qu'ils sont fait, ok, ben. Si on a un plan, on va, ouais, ils sont allés voir Tony Stark qui voulait rien savoir. C'est là qu'on apprend que Tony a une fille. Il a annoncé Scott Lang dans ce bout-là. Il a dit, écoute, si j'ai une théorie, le Quantum Realm, on si pourrait peut-être si jouer tu peux contrôler le chaos un peu du Quantum Realm. C'est ça. Ça prend quelqu'un d'intelligent pour essayer d'inventer une time machine. Fait que là, ils ont pensé aller voir Tony Stark, que tu vois, qui est au retrait dans un chalet. Ouais. Avec, on apprend qu'une fille de 5 ans, si je me trompe pas. Ouais, exactement. Pis... Ça veut dire que Pepper Potts était enceinte quand il est parti en l'espace. Là, pis tout ça, là, probablement, mais aussi, ce qui arrive dans Infinity War, c'est que lui, il avait eu une prémonition qu'on croit qu'il allait avoir un enfant qui s'appelait Morgan. Ouais. Mais tout le monde a soupçonné que c'était un gars, mais dans le fond, c'est une petite fille. Une petite fille ouais. Vraiment cute. Dans le fond, c'était. Là, ça, il y a un autre côté de Tony Stark qu'on n'avait jamais vu, genre lui en ouais, père. Il y a eu une vision future qu'il était père, puis dans le fond, probablement qu'il a dit à Pepper qu'elle était enceinte avant qu'elle réalise. Ouais, c'est probablement ça, parce que dans le fond, c'est elle après a que Doctor Strange arrive. Ouais, ouais. Fait quoi? Fait que finalement, tu sais, il dit ouais, c'est intéressant, mais vous êtes fou, puis non, j'ai eu comme. Lui, il a eu sa seconde chance. On a perdu, j'étais à la retraite, je veux plus rien avoir à faire ouais, avec parce ça. Que puis... Lui, c'est con à dire, mais c'est le seul qui a rien perdu. Ben, il a perdu lui. Perker. Ouais, mais c'est oui dans sa tête, il a perdu ça, mais regarde ça d'une autre manière. Il a comme gagné même un peu. C'est là. Ça, il a gagné il est à la retraite, il est multimillionnaire pareil, il a une femme, il a un enfant, il est rendu dans le bois, il n'a plus besoin de travailler, sa vie est sauf belle, que là. Pepper, elle dit, tu sais, il dort pas. Il est quand même grugé par ce qu'il n'a pas réussi à faire, puis... trouver une solution, mais il veut juste plus s'en mêler. Ouais, parce que Tony a toujours, mettons, s'il y avait un problème, il a toujours été celui qui a dit, il faut que je trouve une solution à ça. Il a toujours trouvé une solution à chaque problème. Mais chaque problème amène une autre conséquence, puis je pense que c'est ça. Mais c'est ça qui l'obsédait. C'est ça. Fait qu'à la fin, Tony, c'était plus... Il était plus réservé, puis il voulait, comme il l'a dit à Steve Rogers, dont une scène dans le trailer, justement, qui avait coupé quand on parlait des faux trailers. T'as jamais eu la scène qui se shake la main, puis ils disent... Ouais. Glad you're back, ça, c'était une fausse scène. Ah, tu vois, c'est la trailer que j'ai pas écouté. Fait que. Tu devrais le réécouter à Steve Rogers. C'est pas qu'il veut pas le faire. C'est que lui, il veut pas faire de quoi qu'il va enlever les 5 dernières années parce qu'il va perdre sa fille. Puis il dit quand ils vont pour faire le plan, il dit même à Hulk, il dit. Tu ramènes tout le monde, mais tu gardes ce que j'ai. Là. C'est ça. Tu gardes ce qui s'est produit pendant ces 5 ans. Puis ça serait le fun de ne pas mourir dans le processus. Malheureusement, c'est pas ce qui arrive. Là, mais c'est ça qu'il dit. Mais là, finalement, il dit non. Fait qu'il dit OK, il faudrait aller chercher d'autres personnes intelligentes. Puis c'est là qu'on s'en va voir Professor Hulk. C'est ça. Fait que là, que ça, j'étais c'est très mon problème sur... j'étais que moi, j'ai ri avec le film. Quand je l'ai vu, mais j'étais surpris de... Comment ça a été rapide son évolution, qu'on n'a rien vu. C'est ça, puis tu sais, il ne faut pas oublier qu'il y avait eu un 5 ans, mettons que ça s'est passé. Fait que c'est pendant le processus du 5 ans que ça a changé. Fait que pour nous autres, c'est vite, mais dans le fond, dans l'histoire, ça fait du sens. Sauf que, sauf que dans l'histoire, tu sais, tout dans Infinity War, le point, c'est qu'il est en conflit contre Hulk, puis là, il a fait. Je l'ai accepté, puis je suis devenu Professor Hulk. Je trouvais que ça a été rapide un peu. C'est que. Mais je l'ai quand même aimé beaucoup. Écoutez, c'est sûr que là, qu'est-ce que je vais dire pour tous les auditeurs? Moi, je suis blasé parce que je suis un gros fan de Hulk. Fait que, on va dire, c'est ma petite disclosure en partant. Voici mon problème avec le Hulk dans ce film-là. Puis c'est techniquement mon seul problème avec le film. C'est que si tu regardes Thor Ragnarok, il commence à bâtir un arc avec le Hulk. Puis c'est ça que j'avais parlé dans le dernier Infinity War. Ça montre un Hulk qui est finalement en paix et heureux avec lui-même. En Hulk. Oui, en Hulk. C'est une des personnalités de Hulk. Parce que plus tu lis les comics de Hulk depuis les années 70 à maintenant, de Hulk, c'est un peu comme le personnage Split dans le film. Le Bruce Banner, là, il s'est créé un paquet de Split personnalités, puis c'est ça toutes les couleurs de Hulk. Le Grey Hulk, c'est une personnalité. T'as Joe Fixit, qui est une autre personnalité. T'as le Green Hulk, t'as le Savage Hulk, t'as le Banner Hulk, qui est comme Professor Hulk, comme on appelle. C'est toutes différentes personnalités avec différentes caractéristiques. T'as le Joe Fixit, c'est comme le gars qui est street savvy, genre. Le mafieux. C'est ça, le mafieux. C'est toutes des personnalités de Bruce qui suppressent. Ouais, parce ouais. que Bruce, c'est ça. C'est le même que le monde y parle. C'est un big brain, puis ils ont des attentes d'un gars intelligent comme ça. Fait que Bruce, il montre pas ses autres personnalités-là. Mais quand il est le Hulk, c'est ça qui sort. Quand tu regardes Thor Ragnarok, c'est un Hulk extrêmement enfantile qui s'amuse sur un gros terrain de jeu. C'est vrai. Si tu regardes le Infinity War Hulk, c'est le même Hulk. C'est un enfant qui se bat contre un adulte. Puis l'adulte, il a juste donné une volée. C'est pas que Thanos est plus fort que le Hulk est moins fort, des choses comme ça. C'est un enfant qui se bat avec un adulte. C'est un ceinture noire de karaté de 12 ans qui se bat contre un ceinture noire de karaté de 26 ans. Hulk est puissant, mais il n'y a pas de technique de combat c'est ça. Nécessairement. Là. Puis en même temps, le monde dit « Ah oh, ouais, mais il a pas utilisé la stone. » Le gars, il a le gauntlet dans les mains. Il n'est pas obligé de faire un snap pour utiliser la stone. Il n'est pas obligé que ça soit là. Glowing aussi. Là. Il dit « Regardez une Endgame, puis regardez le début d'Infinity War. Pourquoi Thor, il n'a pas eu de power level, il est encore plus faible. » Que là-dedans, mais dans Infinity War, il n'est même pas capable de donner un coup de poing à Thanos. Mais dans Endgame, il y a littéralement une bataille avec. Dans Infinity War, il est plus fort que lui, là, on dirait. Parce que même avec le gauntlet, il est capable d'y percer le chest avec un axe. Là. Mm. Ouais, ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a des affaires à débattre là-dessus. Mais ma déception avec le Hulk, c'est que le Hulk, sur papier, c'est un bonhomme de rage. Si tu regardes dans toutes les Avengers, la scène la plus iconique, in my opinion, c'est quand Captain America il dit à Banner, ben peut-être tu devrais te changer. Quand puis le il punch I'm always angry. C'est la meilleure scène de tous les films d'Avengers, ben tu sais, à part Endgame, là, tu sais, jusqu'à ce moment-là. Parce que c'est ça, le Hulk. C'est que tous les films qu'on a vus du premier Hulk avec Eric Bana, de celui avec Edward Norton, c'est ça, le Hulk. Mais ça peut-tu juste nous indiquer qu'il n'y aura pas de film de Hulk qui va venir parce qu'il y a eu le closure sur son. Je pense que GF, il l'a bien dit tantôt. Moi, je pense que c'était une décision. Un peu lié à Universal. Parce qu'à la fin de la journée, tu peux pas créer un bonhomme qui est plus fort. Parce que c'est ça, on va rappeler que les droits de Hulk appartiennent à Universal. C'est ça. C'est un deal. Il y a comme un groupe de super-héros qui inclut le Professor Hulk que Disney pourrait faire. Les Champions? Non, c'est des Defenders. Mais ouais. Avec Silver Surfer, puis le gars en bobette qui nage tout le temps, Namor. Ouais, que. Namor, hein. Fait que ça pourrait être possible. Puis ça, c'est les vieux Avengers. Ça fait longtemps. Le Defenders, avec Doctor Strange. Hulk avait une coupe champignon, je pense, des BD. Puis aussi, l'autre affaire que. Tu sais, moi, j'ai déjà vu cette version-là de Hulk qu'on a vu dans Endgame. Mon fils écoute Agents of Hulk, une série de Disney. Puis Banner n'existe plus, c'est juste Hulk. Fait qu'il avait déjà accepté d'être en format Hulk, puis Banner n'existait tout simplement plus. C'est ça. Fait que c'est comme un peu d'un bonhomme. Mais là, je pense que si jamais Hulk apparaît dans un autre film, on le verra plus genre en Mark Ruffalo, mais juste en vert puis en gros. En rien d'habit, les enfants font les selfies. Moi, le problème, c'est qu'ils ont bâti plein de choses qu'ils ont décidé de plus utiliser ou d'oublier. Tu sais, tu regardes Age of Ultron. C'est évident que lui et Scarlett sont en amour. Évident. Ça, c'était... Puis même Steve Rogers, il dit à lui-même en plus, il dit en passant, est en amour avec toi. Là. J'espère que tu réalises. Là. Puis ben, il dit, c'est ça des moments le fun que j'ai tu parles de Black Widow. Ouais. Black Widow. Tu dis Scarlett, mais il ne faut pas mélanger avec Scarlett. Mais comme aussi, je me mélange tout le temps avec Scarlett. Ouais, Black Widow, ouais. Les deux sont rousses. Mais ça, apparemment, la scène d'amour, si on peut appeler ça de même, c'est Joss Whedon qui voulait absolument qu'il y ait une relation amoureuse entre Black Widow et Bruce Banner. Puis que Kevin Feige n'était pas un grand fan de ça. Fait que c'est pour ça qu'ils l'ont scrappé après pour la suite. Mettons qu'ils n'ont pas parlé dans Infinity War ni dans Endgame. C'est ça, mais même dans Ragnarok, quand il pendant voit, deux genre, ans, c'est ça. Puis là, il voit le vidéo. Puis c'est ça qui provoque de revenir lui-même. Parce que c'est pas que le Rock s'en va, c'est que Banner reprend le dessus. En voyant ça, fait que ça te montre encore qu'il y a quelque chose, même quand ils se revoient, tu vois qu'il y a comme un petit frisson entre les deux. Même Falcon, il c'est pas, juste là. Qu'est-ce que je trouve dommage, c'est qu'à la fin de la journée, le Professor Hulk, oui, il est super utile parce qu'il a fait le snap, c'est le seul qui a été capable de le faire, mais il se bat pas. Ben, il est blessé. C'est ça. Il y a un bras en moins. C'est juste une décision que j'ai trouvé ça spécial, qu'à la fin de la journée, il nous enlève une coupe de bons moments. Moi, j'aurais aimé ça voir un rematch entre le Rock et le gros monstre. Ah, moi, un rematch peut-être entre le Rock et Thanos. Mais il n'a jamais montré de côté agressif. T'sais, moi, dans le fond, en voyant ça, je t'avais demandé, OK, vas-tu un jour revoir Hulk se battre? C'est qu'on dirait que là, ils ont fermé l'arc, puis gars, là, Banner is at peace. C'est comme une petite closure familiale, mettons. Ça clôt. Je suis même pas sûr qu'on va le revoir dans les prochains, en fait. Là. Ça peut être possible parce que dans le fond, il pourrait devenir comme un genre, pas un consultant, mais un scientifique pour les nouveaux Avengers, parce que c'est lui qui travaille à laboratoire. Ah, puis juste le voir dans les labos. Qui fait la tech, parce que dans le fond, ça prend quelqu'un pour faire la technologie, de développer des affaires. Là. Le gars qui faisait tout, il est mort. Puis c'est pas juste ça, tu sais, quand il fait le snap, là, le fameux moment, là, que là, il ramène tout le monde dans la MCU. Et les oiseaux d'or. C'est le Hulk. Le Hulk, là, il y a un healing factor aussi rapide que Wolverine. Il se heal. C'est ça, le Hulk. Ben, c'est ça, mais ben là, ça prend plus de temps. Ben, c'est quand même les funérailles, ils ont encore le plat dans le. Ah, mais il est à moitié Banner. Fait qu'il peut-être que ça diminue ses powers. Mais c'est ça, c'est je trouve qu'ils sont pas vraiment consistants non plus. Pour ça, ouais. Dans qu'est-ce qu'ils font. Il s'est battu avec Thor. Puis, comme le. Selon moi, la meilleure version de Thor. Puis, c'était pas mal, even. Puis, il y a de la misère à se battre pendant une minute contre Thanos. C'est je trouve que le Hulk, ils ont. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Ils ont un peu manqué de consistance, puis je trouve qu'ils ont moffé un peu son histoire à la fin de la journée. Le MCU finit, puis le Hulk, à la fin de la journée, il est juste oublié. Moi, c'est mon opinion personnelle. Mais je pense que c'est des détails comme tellement techniques que ça y a pas ça. Tant de monde qui vont le pogner. Puis même en le pognant, je pense pas que ça ne fait un moins bon film. C'est des affaires, tu fais comme « Oh, j'aurais fait ça différemment. » Encore mais... une fois, c'est vraiment juste parce que moi, je suis plus un fan de Hulk ouais, ben c'est ça, que d'autres choses. Fait que c'est sûr que moi, j'aurais voulu qu'il y ait une meilleure place dans le film, c'est tout. Mais c'est ça, ça m'a pas enlevé que t'es capable de vivre avec ce qui est arrivé. Oui. Mais bref, parce qu'ils ont même mis un autre bon moment du Hulk dans le film. Le bout des tacos? Pour les fans du Original Secret War, il y a une scène que quelqu'un lance une montagne sur les héros, puis le Hulk y tient. Ah, mais quand il est en dessous de la mansion, il y avait quand la base explose. C'est ça, quand la base explose, on dirait que je pense qu'ils font un hommage à ça. Parce que c'est une scène dans Secret War que sont toutes là, les Avengers, puis que sont toutes en train d'essayer de le tenir. Mais le Rock, c'est comme la base, mettons, tu sais. Puis en plus, il y avait un bras en moins quand ça c'est arrivait. Ça. Fait que j'ai trouvé ça cool que sur cet aspect-là, ils l'ont montré. Moi c'est parce que, regarde, je voulais juste vraiment qu'il se batte avec Thanos. Pas seulement qu'il gagne, juste voir un rematch, puis voir le Rock dans une meilleure position de qu'est-ce qu'il était là, c'est tout. Après ça, ils sont allés chercher, bon, on l'a dit tantôt, là, mais avec Raccoon, ils sont allés chercher Thor. Ouais. C'est là qu'on l'a vu, on a parlé un peu, le Thor qui est rendu fat avec. Ouais, Thor, il est déprimé. Là. Il est déprimé, il est alcoolique, ouais. Il ressemble à Big Lebowski. C'est ça, c'est comme. C'est quoi le syndrome que t'appelles quand tu t'en vas à la guerre et tu capotes, là? Le syndrome le pas. PTSD. Ouais, le PTSD, là, le syndrome pas. C'est ça, version super-héros, dans c'est le fond. Mais après ça, c'est ça, là, il ramène tout le monde, puis là, Tony finit par trouver. La façon de rentrer dans le Quantum Realm comme il faut avec des GPS. Mon GPS pour se rendre. Là, c'est là aussi qu'on a vu, ils ont fait des tests avec Hulk puis Ant-Man qui devient vieux, devient jeune, devient bébé. Il a chié dans ses... Quelqu'un a pissé dans mes culottes, je sais pas si c'est moi vieux ou moi jeune ou moi en ce moment. Puis même Tony en arrivant. Tu sais, la force qui me faisait rire, c'est Tony que... Tony qui arrive, d'ailleurs, le film est 100% commencé par les autos Audi, parce que c'est juste des Audi qui ont toutes dans ces films-là. Là. C'est-tu Audi ou Acura? Parce que là, c'est Audi, c'est des Audi. Ok, parce que le premier, c'était Acura. Salut Kawa Clio. Ils nous ont un gars qui nous dit salut. Allô. Bonsoir. Mais la fois qu'il me faisait rire encore là, tu sais. S'il arrive en crissant les pneus. Là, ben ouais, même mon gars, il dit pourquoi il conduit de main. Ben, c'est Tony. C'est trop l'histoire. Il faut qu'il fasse une entrée remarquée. Tu sais, même dans le premier Iron Man, là, quand il arrive à l'aéroport en retard, là, puis là, Rhodey se fait 5 heures qu'il attend après lui pour s'en aller à Bagdad. Là, il roule comme un esti malade avec Happy qui le suit, tu sais. Il a toujours aimé la vitesse, mais là, c'était comme un peu inutile. Là, c'est comme, Puis en plus, il se parque trop loin et il recule, genre, pour un effet d'erreur. Ouais, mais il a freiné, genre... Mais bon, là, il arrive, il se réconcilie avec Cap, donne son bouclier. Je me souvenais plus pourquoi il avait son bouclier, par exemple. Il a enlevé dans Civil War, parce que tu ne mérites pas. C'est pour ça que dans Black Panther ou dans l'autre, en fait, il y a les espèces de genre... Le shield de Black Panther. C'est pour ça que Captain America n'est pas capable de lift Mjolnir dans Age of Ultron. Parce qu'il avait gardé son secret. C'est pour ça que Mjolnir, il bouge puis il arrête. Il a gardé son secret. Ben, c'est parce que... La raison qu'il n'était pas worthy dans Age of Ultron de lever le marteau de Thor, c'est parce que le marteau savait qu'il n'était pas honnête avec lui. Il sait, oui, Cacao Cléo, c'est un spoiler podcast. Oui, on ne fait que décrire le film en entier. Fait que oui, on spoil absolument. Sois prudent. mais c'est parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est que dans Winter Soldier, c'est là qu'il a découvert, quand il est allé dans la petite base au New Jersey, que c'est Winter Soldier qui a tué les parents de Tony Stark, mais il l'a jamais dit à Tony. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Puis là, dans Age of Ultron, ils font le concours de qui lève le marteau. Ouais, OK, je me rappelle. Puis après ça, vu qu'il l'a dit, mais là, c'est comme si ça l'avait enlevé. Le free of guilt, il était revenu le pur Steve Rogers que maintenant, il se battait pour une bonne cause puis pour sauver l'univers. Fait que le... c'est ça. Ouais, notre fan dit qu'il l'a pas vu, mais que c'est pas grave. En tout cas, si tu l'as pas vu, tu vas savoir exactement à quoi t'attendre. Tu vas le voir parce que on est prêt au tiers. Ça va être film, encore là. Plus épique quand tu vois les moments qu'on décrit en mots. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça. La scène que j'ai bien aimée, c'est quand ils viennent pour faire leur plan pour aller faire le time heist, dans le fond. Pour aller, ouais, là, c'est de savoir, dans le fond. OK, où est-ce que les pierres sont? Puis là, tout le monde décrit les pierres, puis ils commencent avec le Ether, avec Thor. C'est ça, parce que le plan. Ça, c'est Jane Foster, c'est mon ancienne flamme. On est pas ensemble. T'es comme. T'es comme en arrière, comme. Show, il est comme, non, arrête. Mais ouais. le bout qui m'a Thor. Tellement fait rire, là, ça, c'est. Is he asleep? I think he's dead. Ah, ouais, c'est Rhodey qui dit, I think he's dead. Il est comme couché avec ses lunettes fumées, là, puis il calait sur lui. On dirait qu'il respire même pas, là. Puis là, c'est ça, dans le fond, parce que le plan, c'est... OK, on va tout retrouver les Infinity Stones en retournant dans le passé pour défaire ce que Thanos a fait. Ouais. Puis là, c'est là qu'on réalisé qu'il y avait 3 Infinity Stones qui étaient à New York en même temps, au même moment, dans Dark World, qui était écrit par les mêmes gars qui ont fait Endgame. La Ether était là. Puis il y avait aussi l'Infinity Stone... Ouais, ben ça, j'ai dit ici, en fait. La planète Vormir. Puis, Vormir. En fait, t'en as 3 à New York, t'en as 2 qui sont sur Vormir, Morag, là, un peu sur les deux planètes, puis t'en as 1 qui est sur Asgard. Là. Ouais, dans le fond, je regarde les commentaires que les gens nous font. Je salue tous les auditeurs qui nous écoutent présentement. J'essaie de liker vos Facebook. Commentaires à l'occasion. Si t'en as qui sont pertinents, qu'on dit, vas-y, moi, je m'occupe de... Quelqu'un m'a demandé où c'est qu'il pouvait regarder la jazette. Moi, j'ai dit Google, la jazette, tu vas le trouver. Ouais. Facebook. Prends juste pas le lien qui c'est genre la toune de Kevin Parent, puis t'es correct, là, c'est... Ouais. C'est bon. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, ils ont divisé les équipes en 3. Ben, techniquement, dans le fond, c'est 3.5. Parce qu'il se split après ça. Il y a une équipe ça. Qui se split en 2 pour aller à Vormir puis à Morag. Ouais. À Vormir. Ça, j'ai trouvé ça cool comme scène. Comme, ils sont tous en train de jaser. Puis on s'entend que Nebula, elle sait ce qui va se passer. S'ils vont à Vormir puis à Tyrien. Ouais, elle s'en colle. Ils sont en année là. Ben, bonne ouais, c'est ça. Il faut faire attention parce que mon père, il est pas loin. C'est comme, ah, t'aurais pu dire ça genre, pendant le meeting qu'on a eu direct avant. Moi puis mon père, on cherche les pierres en ce moment. Comme Chris, OK? Chris ouais, Deacon. C'est comme Bran qui dit à tout le monde, « Ah, oh, en passant, guys, le Night King, il me cherche. » Juste avant la bataille, genre. Ça te tentait pas de nous dire ça, voilà 3 saisons, Bran? Non. Puis c'est là qu'on a vu aussi l'autre de Guardian, là... Star-Lord qui danse avec pas de musique, qui a l'air d'un esti d'épais. Ah, ça, c'est incroyable. C'était drôle, puis là, Rhodey, le gars, il dit « OK, he's an idiot. » Il coupe la musique, puis c'est juste... Là, finalement, on comprend que toute cette scène-là, c'était lui qui chantait. Là. Puis c'est une scène que j'aimais dans le premier Guardian. Oh, mais t'avais pas catché. C'est comme, c'était cool. Tu le sais, il part son Walkman. Ouais, mais j'avais pas comme imaginé de quoi ça aurait eu de l'air. Genre, t'as comme l'air d'une graine. C'est comme si peut-être tu t'avances dans un club, puis tu t'ouvres les lumières, puis tu fermes la musique, tout le monde a l'air épais quand ça danse. C'est le gars qui chante dans son char, mais que là, il y a les fenêtres ouvertes, puis tout le monde la regarde. C'est ça. Puis il y avait encore un petit callback là-dedans, là, quand ils s'en vont dans le vault où ce que le Power Stone. C'est comme, là, t'as pas peur là, qu'il y ait des pics puis des affaires de même, genre. Oh ouais, comme dans les films. Finalement, là. C'est juste. Ouais. Puis elle prend. Ben, c'est juste. Ça se fait détruire le bras, là. Même parlant d'Indiana Jones, dans le fond, si on retourne quand il parlait des théories de voyage dans le temps. Ouais, mais c'est ça. Pour le voyage dans le temps, là, ils ont comme un peu. Ils se sont donné un free pass de comme tout ce que vous avez vu dans les films, c'est tout de la merde, puis ça marche pas de même, puis on va faire ce qu'on veut un peu dans le fond. Là, c'est... Ouais, il y a aussi, vous avez compris que le bras de Nebula, c'est le bras du gars dans Terminator là, qui crée Skynet. Là. Ouais, c'est ça. Dans c'est le 2, même, là. J'ai compris ça. Là, quand que je vois le bras robot, mais j'ai dit, ah, OK, c'est le même, ça sent bien ça. La loi du voyage dans le temps, dans le fond, ici, c'est que si tu vas dans le passé, n'influencera pas le futur. C'est ça, parce que dans le fond, si tu vas dans le passé, ton passé devient ton futur et le présent devient ton passé. Puis si tu changes de quoi, ben là, tu vas juste créer une autre timeline si... Tu ne corriges pas ça. Mettons, pendant l'Infinity Stone, le but, c'est qu'on va claquer les doigts, puis on va remettre l'Infinity Stone à sa place. Puis sinon, ça va créer d'autres timelines. Ça peut faire des affaires. Il y aurait même fait un petit graphique visuel en plus. Ouais, où tu comprenais vraiment pas. Là, la ouais, parce qu'il y a tout dit pourquoi qu'on va pas être anglais, t'annonce. C'était quand même cool. Pourquoi qu'on fait pas ci, pourquoi qu'on fait pas ça. Puis. Ça, j'ai aimé ça. Pourquoi on va pas voir bébé Thanos, là. Puis. C'est ça. Puis là, il dit on peut pas. That's dark. Puis il y a un comic qui est sorti cette année en passant qu'ils font. Le Punisher essaye de faire exactement ça, puis finalement, il décide d'élever bébé Thanos. Ah, pour vrai? Wow. Ouais, ça s'appelle Cosmic Ghost Rider. Le Cosmic Ghost Rider, c'est Frank Castle dans une alternate reality où que des millions d'années plus tard, tout le monde est mort sur la planète, sauf lui, parce qu'il a fait un deal avec Mephisto pour devenir le Ghost Rider. Fait que Galactus vient manger la planète, il fait un deal avec lui aussi pour être un Herald de Galactus. Fait que c'est le Cosmic Ghost Rider. C'est comme fait des deals avec plein de monde. Là. Fait que, ouais, fait que lui et Galactus, ils vont essayer de tuer Thanos. Puis finalement, il fail parce que Thanos, il tue Galactus. Fait que lui, il revient dans le temps pour essayer de les tuer Thanos quand c'est un bébé. Puis finalement, il tombe en amour avec le bébé, il décide de l'élever. Puis là, il se réalise que quand le bébé arrive adulte, mais il fait comme « qu'est-ce que tu penses que Thanos ferait, genre? » Fait que anyway, c'est une bonne série. Nice. Ah, ok, good. Mais bon, pour Vormir, là, il demande dans le chat si Black Widow elle meurt, est-ce que Sacrifie elle revient? Non, elle revient pas. Non, parce que encore là, les scénaristes, ils l'ont expliqué. Parce que je pensais que, tu sais, a soul for a stone ou a soul for a soul qui disait, je pensais que tu pouvais redonner la pierre puis elle reviendrait peut-être, mais finalement, non. C'est permanent. Ça, c'est la nuance, on dirait, là, à la fin du film. Tu sais, quand Captain America. Ben, il dit, tu sais. Il retourne toutes les pierres, c'est sûr, il faut que tu laisses ça beaucoup à l'interprétation. Parce que, gars, c'est pas juste aller dans le temps puis remettre la pierre. Là. Ouais, la Soul Stone, c'est quoi qu'il va faire? Il va aller voir, le Red Skull. Hey, comment qu'il remet le Aether dans la forme qu'elle était? C'est ça, là. C'est... Comment qu'il recrée le Tesseract? Comment qu'il refait la staff de Loki? C'est tous des détails qui te parlent pas, mais qu'en même temps, c'est comme... Ils ont gardé ça simple. C'est exactement. Comment qu'il a remis la Power Stone dans la petite boule que Star-Lord seulement avait, puis il l'a remis dans le Shield? C'est toutes des choses que tu y penses, faut pas que tu y penses trop. C'est juste que, gars. Ouais, parce que là, tu viens de me donner un goût amer au film. Non, mais c'est juste comme, gars, va faire ce que t'as à faire pour les replacer. Il est peut-être même pas Steve rien Rogers, replacé. Quand s'est pointé à Vormir puis réalise que c'est le Red Skull, tu vas me dire qu'il l'a pas poussé en bas. Ben, tu pourrais quasiment faire un film ou une série là-dessus. Rogers, Steven, parce son que of... son of a bitch, you're alive! Mais non, ben ça, tu sais, pas trop y penser. C'est des affaires, tu sais, c'est des loose ends qu'on s'en fout un peu. Je l'accepte parce que c'était à la fin. Exactement. La seule affaire, dans le fond, qu'on peut vraiment retenir, c'est que le Tesseract, dans le fond, ils ont comme fucké un peu leur mission. Ils ont fucké leur mission, puis Loki est parti. Fait que Loki a comme créé sa propre nouvelle timeline à côté. Ouais, exactement. Puis qu'est-ce qui est écœurant, c'est que quand, dans le fond, le pire, c'est quand Captain America retrouve Iron Man puis Scott Lang. Les deux sont assis dans un char, puis quand même, t'es assis en arrière. Là. Puis là, c'est comme, ah, OK, on a un problème, on a perdu le Tesseract. Mais tu sais, ils n'ont pas dit exactement ce qui est arrivé. Genre, fait que Captain America, là, c'est pas que Loki s'est poussé, puis qu'ils ont fucké quelque chose qu'il n'aurait pas fallu. Vrai. Puis ils se poussent en 1970 pour aller le retrouver, parce que c'est comme leur seule chance qu'ils ont. Ouais. Puis là, je pense que là, c'est là que, d'après moi, la nouvelle série sur Loki va probablement être l'histoire de ce Loki-là. Parce que là, si lui, il a le Tesseract, puis qu'il part. T'annonces encore la. C'est comme pas clair. T'annonces, tu encore non, la. Non, c'est ça. Fait que là, quand tu joues dans le time travel, là, gars, c'est just enjoy it, puis pose-toi pas trop de questions. T'es dans un film de super-héros avec du voyage dans le temps. À un moment donné, tu sais, il y a des choses qui feront pas de sens. C'est une histoire. C'est normal. Il te raconte une histoire. Comme dans les comics, tu l'accepterais, puis là, tu l'acceptes pas. Tu sais, ça reste juste un médium de distance. Ou tu pars une pétition. Mais il y a Cyclone qui dit que c'est la magie de Disney, une pierre pour faire revenir Walt. Ben oui, d'après moi, c'est ça qu'ils ont fait avec le Snap. Ils ont ramené Walt Disney. Walt Disney est décongelé. He's back. Don't look at the man behind the curtain. Ouais, fait que c'est ça. On va remettre. Ben, en fait, là, c'est là qu'on sait aussi qu'il y a. Les deux nébulas peuvent se communiquer par le ils ont genre la même fréquence, ouais, je sais pas quoi. Ils sont comme dans le même. C'est là que Thanos réalise qu'il y a, il y a deux nébulas de deux temps différents. J'ai adoré ce twist-là dans le jeu. Ah, parce que là, dans le fond, jeu, ça, là, c'est une façon de ramener Thanos. Puis en même temps, mais tu sais, ça fait complètement de sens parce que là, je le voyais venir. Là, j'étais comme. Ok, Nebula, sans le vouloir, elle va comme trahir tout le monde. Ouais, parce que Nebula, là, son change est vraiment arrivé quand elle s'est battue avec Gamora, puis qu'elle a vu que Gamora aurait pu la laisser crever. Dans volume 2, ça. Puis le rendu là, elle a compris que ça ne sert à rien d'essayer d'impressionner son père. il l'aime pas, puis il est centré sur lui-même. Il est obsédé avec Gamora parce que c'est sa fille, l'image de qu'est-ce qu'il aurait aimé sa fille soit. The deadliest female in the galaxy. C'est littéralement le nickname de Gamora dans les Marvel comics. C'est juste que Nebula a jamais été cette personne-là. Alors, à chaque fois qu'elle perdait, lui prenait ça plus comme un affront personnel que d'autres choses, fait qu'il a modifié. Pour qu'elle soit plus forte. C'est ça. Mais à la fin de la journée, Nebula, là tu vois la evil versus la good Nebula, puis tu sais comme le moment fatidique que Nebula tire l'autre Nebula. Puis elle s'est pas effacée. C'est sûr que c'est un moment très nébuleux dans le film. Ça c'est une autre affaire aussi. Là. Mais dans le fond, parce que techniquement, c'est pas la même Nebula, parce que c'est une Nebula d'une autre timeline. Parce que quand non, mais c'est parce que c'est pas Back to the Future. Là. Tu disparais pas parce que tu meurs dans le passé. Ils l'ont dit, là, parce que c'est pour ça même Scott Lang l'a dit. Okay, are you telling me that Back to the Future is a bunch of bullshit? Ouais, est-ce que tu bases ton plan sur le film Back to the Future? Non! Oui. Un de vos auditeurs a une bonne question. Ouais, il demande, vu qu'on voit Fortnite dans le jeu avec Thor, si c'est Fortnite qui ont payé pour être dans le film ou ils ont payé les droits de Fortnite. Moi, selon moi. Je pense que c'est Disney qui ont payé les droits à Fortnite et pas l'inverse parce que tu le sais pas avant d'aller voir le film qu'il va y avoir une séquence de 1 seconde et demie de Fortnite dans le jeu. Je pense même pas qu'ils ont payé de quoi. Moi, je pense qu'ils ont juste dit à Fortnite, ça c'est la scène qu'on va faire. Êtes-vous correct avec ça? Oui. Ben, quel est le jeu le plus populaire qui va revenir le plus de jeunes? C'est Fortnite. C'est... Exactement. C'est ça. Puis il y a aussi un thème pendant que Endgame est sorti, c'est que là, tu pouvais avoir des armes de Avengers dans le jeu. Ah, mais c'est dégueulasse, Fortnite. C'est rendu. C'est un partnership entre le jeu et les films, c'est tout. Puis c'est un side sujet, là, mais c'est Fortnite, c'est rendu une plateforme de publicité. Là, que là, ils ont sorti des sneakers de Nike. Ben oui, les premiers Jordan. Tabarnak, là, c'est rendu dégueulasse. Là. Ouais, surtout pour un jeu que c'est Minecraft avec un gun à la fin. Ouais, c'est ça. Puis le jeu continue à vivre à cause de... les enfants qui jouent à ça. C'est ça. C'est parfait pour des enfants. Ouais. Fait que bon, on va chercher les pierres. Reviennent dans... finalement, on a manqué une des pierres à New York. Ça a manqué. Fait que là, ils reviennent dans le temps un peu plus loin. Les années 50, si je ne me trompe pas. 70. Quand, mettons, S.H.I.E.L.D. commençait. Quand je commençais, Peggy Carter était un petit peu plus vieille. Ouais, puis même, tu vois Michael Douglas, qui est Hank Pym en plus jeune. Ouais. Puis même, il y a comme un hommage. Avec sa voix de vieux, mais en plus jeune. Sur le comptoir, tu vois le premier cast de Ant-Man dans les BD. Ouais, genre, avec les grosses antennes. Tu vois qu'il travaille là-dessus. Là, puis là, c'est ça, dans le fond, là, ils prennent le Tesseract. Ils vont chercher les Pym Particles pour... Oui, parce qu'ils ont besoin de retourner aussi dans le futur. Et puis, la scène avec le père, avec Tony, puis son père était bonne. Ouais, je trouvais c'était bien. C'était un bon closure aussi. Tu sais, que Tony dit, mais écoute, t'inquiète-toi pas, tu vas être un super bon père. C'est comme lui qui acknowledge que finalement, c'est comme il trouve que son père il a bien élevé parce que c'est comme quand ils disent, regarde l'homme qu'il aime maintenant, qu'est-ce qui est passé à travers. C'est sûr que c'est toujours à débattre, puis des choses comme ça, c'est des relations personnelles, tu sais. Moi, je trouve que c'était un bon moment. Puis l'acteur qui fait son père... Howard Stark. Je dirais pas phénoménal, il a eu un petit rôle, mais il l'a très bien. Ah, il est très, très bon. Ouais, c'est un acteur qui était bien connu dans Mad Men, ça. Oui, c'est vrai. He's got a weird beard. C'est le mentor de Don Draper, right? Ouais, c'est ça. Puis même que il y a une autre scène où que tu vois que Steve Rogers revoit Peggy en plus jeune. Ouais. Puis tu vois que ça l'a toujours marqué. Parce que même quand ils vont au début du film, quand ils s'en vont tuer Thanos, ils regardent encore, genre, c'est comme une petite boussole qu'il y a. Là, ouais, il y a encore sa petite photo. Il l'a toujours avec lui. Tu la vois même que photo qu'il cette met dans là, son... On l'a aussi quand il y a le combat entre Captain America et Captain America, qui était une bonne passe, si je trouvais. Là, c'était bien. Ah oh, ouais, puis encore York, là, Captain America s'est servi. Il connaît son propre point faible. Fait qu'est-ce qu'il a dit? Bucky est still alive. Ouais. Il savait que ça le rendrait vulnérable. Ça l'a frozé dans ses tracks en partant tout de suite. J'ai bien aimé dans ce segment-là l'hommage qu'ils ont fait à la fin de la BD qui a eu une controverse l'année passée, le El Hydra de. Ouais, parce que moi je m'attendais que ça se pète la gueule dans l'ascenseur. Mais ouais. Là, finalement, non, ils l'ont twisté pour que ça soit comme. C'est une de mes scènes favoris dans le film, ça. Ah ouais, puis moi je chantais une tension, je suis comme, ok, si, va leur péter. Ben ouais, ils ont ramené Rumlow juste pour cette scène-là. Ouais. Puis comme, il dit, ah non, moi je vais prendre ça, non, mais. Quand là, il y a une affaire, par exemple, que, puis encore une fois, je ne sais pas pour tarner le film, mais ça, c'est un des plot holes dans le film. Dans Avengers, quand ça finit. Lequel? Le premier Avengers. OK. Ils sont allés chez Shawarma, puis on est supposé comprendre que Hydra sont venus prendre ça. Non, mais dans ce temps-là, c'était S.H.I.E.L.D. C'était S.H.I.E.L.D., on savait pas à ce moment-là que c'était Hydra. Mais à ce moment-là, toute le chose, le building après ça qui descend et tout, je trouve ça bizarre un peu comment que ça s'est dépassé. Puis c'est comme, t'as de la misère à y croire parce que quand on regarde le deuxième Avengers, ils sont sur une quest d'aller chercher le staff encore. Non, mais c'est parce que moi, j'écoutais Agents of S.H.I.E.L.D., la série télé. Là. OK, ouais. Puis après, dans le fond, une des saisons s'est terminée avec Winter Soldier, le Captain America qui était sorti. C'est là que tu découvrais que S.H.I.E.L.D. et Hydra. Ouais, ouais. Puis la saison suivante, dans le fond, c'était une guerre avec Agent Coulson et ses agents pour combattre Hydra. Puis à un moment donné, ils ont... le gars, comment il s'appelle, donc, Steve? J'ai pas écouté Agents of S.H.I.E.L.D. En tout cas, ben, le fils du gars dans Age of Ultron, le gars de Hydra qui a comme un œil de verre. Là, ouais, OK. Bon, mais son fils, il est dans la série. Baron Strucker. Ben là, c'est son fils qui est là-dedans. Puis après ça, mais après avoir fait plusieurs missions, ils ont comme localisé le staff de Loki. Puis là, il a dit, OK, ben okay, là, il dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il dit, Je vais appeler quelqu'un. Fait que là, Agent Coulson, il a appelé les Avengers pour leur dire, « Hey, le staff, il est là. Vous êtes mieux d'aller chercher parce qu'eux autres, ils n'ont pas le firepower pour l'arrêter. » Fait que c'est pour ça. Je comprends. Ben, là, ça cue à Age of Ultron, mettons. Ouais, parce que dans le fond, l'émission finit. Puis là, Age of Ultron, dans le fond, on sortait le vendredi puis ça commençait comme tout de suite après. Là, ça... là je comprends. Okay, okay, okay. Fait que c'est comme le missing... Ben, c'est ça, parce qu'ils se sont servis d'Agents of S.H.I.E.L.D. pour faire un parallèle parce que dans ce temps-là, Agents of S.H.I.E.L.D. Se passait en parallèle, mettons, ça a commencé, la première saison, c'était après le premier Avengers, puis après ça, tu avais Dark World qui sortait, puis tu avais une émission qui était en parallèle avec les événements qui se sont passés dans Dark World à Londres. Puis après ça, c'était la même affaire pour Winter Soldier à la fin de la saison. Il y a du stock à écouter et à se souvenir, c'est débile. Ouais, non, c'est ça qui fait que je trouve que c'est un masterpiece, parce que essayer de faire un film que tout le monde va être content est impossible. Un film. Non. Puis j'ai pas vu beaucoup de critiques négatives de Endgame, là, pour c'est vrai. Ça, là, très peu. Là, c'est... Non, juste mettons des petits commentaires comme. J'ai pas aimé ça. On commente, mais on se plaint pas en tant que tel. On en jase. Là. Ah là, on est passionnés. Il y a Cyclone qui demande si on l'a vu plusieurs fois. Oui, on l'a dit en début de show, on l'a vu une couple de fois chaque. Puis oui, on a vu des détails au deuxième visionnement qu'on n'avait pas remarqué au premier. Des sentiments qu'on a plus ressentis dans le deuxième qu'on n'a pas senti dans le premier. Je vais en parler pour la bataille finale de mes sentiments que j'ai ressentis au deuxième autant qu'au premier. Dans le fond, on parlait de OK, on était rendu à l'ascenseur. Fait que, à l'ascenseur, fait que, tu sais, dans le fond, New York. Là, un autre super bon moment avec le Rock, un très moment comique. Rock peut pas rentrer dans l'ascenseur. Le pas maximal. Et finalement, c'est I'm many stairs. C'est vrai. Bah, so many stairs! Puis là, il a fucké en la mission. Est-ce que c'est lui qui a quand il est Professor Hulk, puis il revient à New York, puis il fait juste comme garocher un char, une moto, il m'a. Ouais. Ah, c'est sûr qu'il y a des moments très, très drôles. Là, surtout Thor, il est très comique dans tout le film. Ouais, parce que même dans le fond, quand il était à Asgard, là, un autre bout qui me faisait rire, c'est que quand que Rocket Raccoon réussit à avoir le Eater, là, il se pousse, puis là, les gardiens ouais, disent qu'ils ont réussi à avoir. Get the rabbit! Get the rabbit! Fait que tu vois vraiment qu'à Asgard, genre, un raton laveur, c'est un lapin. Ouais. Mais il y a eu Natalie Portman pour genre une seconde écart. Ouais, c'est juste, ça a ouvert les yeux, puis elle s'est levée du lit. Comment qu'il l'a pris, le Eater? Il l'a rentré où, son petit genre de machin? Je sais pas. C'est libre à l'imagination. C'est ça. Et voilà. Puis, t'as Thor qui parle à j'ai sa pas mère. Thor. Okay. Qui était, j'ai bien aimé la scène. Saviez-vous, qui était spécial. Saviez-vous que la scène, c'était pas supposé être ça? Ah, laquelle? Non? C'était supposé être Thor versus Thor. C'était supposé être Thor The Dark World versus Fat Thor. Mais finalement, ils ont opté pour Captain America versus Captain America à la place. Mais la scène originale, c'était supposé être Thor. Ils l'ont peut-être filmé et ils l'ont juste pas gardé à la fin. Je sais pas s'ils l'ont filmé, mais les directeurs l'ont dit. Ils ont dit notre premier but, le premier plan, quand on avait dit à Chris Hemsworth qu'il était down. Puis il parlait plus de l'acteur. Il dit, ce gars-là, il est dans pour n'importe quoi. Après ça, on lui a dit, t'aimerais-tu ça être gros puis déprimé? Puis il a fait, je suis dans aussi. Il dit, moi, n'importe quoi que vous m'écrivez, là, je vais le lire. Puis je trouve ça drôle, je suis dans à le faire. T'sais. Parce que là, j'avais envoyé de quoi à JF cet après-midi. Là, il y a eu 900 heures de contenu filmé. Ouais, mais là. Ça, c'est incluant Infinity War. Puis dans le fond. Ouais, avec un grain de sel, ça inclut aussi probablement tous les angles de caméra et tout ça. Là, mais ouais, c'est ça. Ben, c'est quand même 900 heures de footage que t'as. C'est là. Du stock. Puis ils ont fait des reshots en plus. Mais je suis sûr qu'ils ont filmé plein d'affaires juste pour tromper un peu les acteurs aussi. Parce que le seul qui savait la vraie fin, c'était Tony Stark. C'était Robert Downey Jr. Ouais, c'est ça. Puis ils ont dit à Tom Holland, tu viens pour le mariage de Tony et Pepper à la fin. Ouais, il a déclaré ça dans un talk show chez Jimmy Kimmel. Parce que c'est un loose cannon, c'était style-là, il dit n'importe quoi, n'importe où. Ah oui, écoute. C'est drôle parce que quand j'allais le revoir au cinéma, je sais pas si c'était ça vous autres, mais moi, quand j'allais voir IMAX, au début, Il y a Tom Holland qui dit « Hey, la nouvelle bande-annonce de Spider-Man est sortie. On vous la montre après le film resté là. » Fait qu'on l'a pas vu, la bande-annonce, avant le film. Okay. Il a juste dit « Il y a des spoilers du film. » Ah, quand tu étais allé le voir cette semaine, ouais. Il y avait ça? Il l'avait à la fin. Ouais, c'est vrai. Wow. Mon ami me l'a dit. Il me dit « En passant, il y a un end credit. » Je dis « Quoi tu parles? » Il dit « Ben ouais, il te montre le trailer de Spider-Man. » Puis moi, je suis allé à la première. Puis je suis comme « Au début, il te le montre pas, il t'entend juste le son. Ça, c'est cool. Ça, ouais, très cool. Ça incite le monde à aller revoir le film une deuxième fois au cinéma. J'étais le seul à me lever puis à partir, par exemple, parce que ouais, qu'on avait tous vu. Je savais qu'il n'y avait pas de fin. Moi, j'ai vraiment aimé. Si on peut parler de Vormir deux secondes. Ouais, ben on est là-dedans. Ouais. Fait que, tu sais, le gros spoiler pour tout le monde, oui, Black Widow, bit the dust, comme on dit. Ouais, fait que Hawkeye, Black Widow vont chercher la Soul Stone à Vormir. Pour ceux qui ont vu Infinity War, vous savez qu'est-ce qui va arriver. Faut que tu sacrifies quelque chose que tu aimes. Fait que, qu'est-ce que j'ai bien aimé de la scène, c'est que les deux se trouvaient pas worthy de vivre. Fait que les deux voulaient se sacrifier. Les deux se battaient pour pas mourir. Parce que ouais, Scarlett, excusez-moi Scarlett, j'ai toujours le nom de l'actrice, mais Black Widow, elle, selon elle, elle veut survivre pour que Hawkeye retrouve sa famille. C'est ça, tandis que lui, il mérite pas de vivre. Il a tellement honte de qu'est-ce qu'il a fait pendant que sa famille est morte. Maintenant qu'il y a un nouvel espoir qu'il pensait jamais avoir, il a tellement honte qu'on dirait qu'il a peur de revoir sa famille et leur dire « Puis qu'est-ce que t'as fait pendant 5 ans? » J'ai tué des milliers de personnes. Avec un katana. C'est ah ouais. Ça, fait que c'est sûr que lui, ça, puis... Puis, hey, jusqu'à la dernière seconde, je sais pas, moi, c'est qui allait crever. C'était vraiment bien fait comme ça. C'était dur à dévoiler parce que même moi, même quand ils sont arrivés à Vormir, je me suis dit, jamais ouais, j'aurais pensé que deux allait mourir. Moi, je savais que quelqu'un allait mourir parce que c'est ça, comme il dit, c'est a soul for a soul. Comme, c'est ça. Ils tueront pas le Red Skull, ça marche pas. C'est un fantôme qui flotte. Même à un moment donné, genre, quand les deux, tu vois qu'ils sont hésitants, puis ils disent allô, si, qu'est-ce que t'as regardé, tabarnak? Ouais, lui, il est là, il flotte, puis attend juste voir si c'est quelqu'un qui va sauter en bas. C'est ça, il est en train de manger du popcorn avec qu'il se bat. Yes, yes. C'est-tu plus tragique de voir Black Widow avec du sang rouge que de voir Gamora avec du sang vert? Genre c'est exactement la même scène, le même plan. Là. Ouais, non, moi, j'ai pas d'opinion. Moi non plus, ça m'a rien changé. Ça m'a rien changé, ben... Puis honnêtement... Là, en fait, c'est plus dramatique parce que tu sais que Black Widow revient pas, elle, par non, exemple. Parce que je la trouve jolie, mais sa mort m'a pas comme... Oh moi, non! Moi, je m'y attendais personnellement. Puis en plus, comme je l'avais... C'est pour ça que je vais justifier ça. Moi, la raison pourquoi j'ai toujours callé qu'elle allait mourir, c'est à cause que ça peut pas être autre chose qu'un prequel, son film. Ouais. C'est sûr que c'est ça. Fait que si t'es pour faire un prequel, t'es aussi bien de tuer ce personnage-là. Ça reviendra pas anyway. Fait que qu'est-ce que ça a d'intérêt à faire un side project? Robert Downey, puis là, le débat, c'était est-ce que ça va être Iron Man ou Captain America qui meurt. Mais encore là... C'est un peu les deux. Captain America méritait pas de mourir. Pas que Tony Stark méritait de mourir, mais... Non, mais Tony lui, Stark, c'est le gars qui prend les grosses décisions. Puis Captain America, c'est le gars que des fois, il va dire « Je suis d'accord » ou sinon, il va vraiment te faire chier parce qu'il est pas d'accord. Mais il prend pas de décision. Non, puis il a toujours sacrifié sa vie, genre, pour l'humanité. C'est ça. Captain America a déjà perdu beaucoup à la fin de First Avengers parce qu'il a sacrifié sa vie pour sauver l'humanité il s'est suicidé, il passait pour venir. Malgré lui, il est pas mort là-dessus. Il y a une grosse différence avec lui et Tony Stark, par exemple. Captain America, c'est un volontaire depuis le début. Ouais, Tony Stark, c'est il est garoché dans Tony Stark, c'est là, l'ultime Stark. Évolution de son personnage, ça, de se sacrifier Steve pour Rogers, sauver il tout. Il s'est là. Mis volontaire pour rentrer dans l'armée. Il s'est mis volontaire. Rappelle-toi juste, Jeff, de la scène de Steve Rogers mince qui saute sur une grenade avec un casque. Ça, c'est la plus belle scène du MCU pour moi. C'est ça, Steve Rogers. Fait que tu t'attends à ce qu'il fasse ça. Tony Stark, tu t'attends pas à ce qu'il se sacrifie. Lui, puis tout ce qu'il a bâti, puis sa vie, puis pour sauver le reste de l'univers. Vous savez que cette scène-là a été inspirée d'une scène pour Bucky. La grenade? Oui. Non. Ah ouais? C'était une scène dans Winter Soldier, l'original, quand il explique le background de Bucky puis pourquoi. Parce que Bucky, c'est pas son meilleur ami d'enfance dans les comics. Il l'a rencontré à l'armée. Et Bucky, c'est Steve Rogers qui l'a recruté personnellement pour être son partner. C'était comme le Robin dans le temps. C'est ça. Puis le test, c'était ça. Pis c'est quand il a vu ça, il a fait « Moi, je me fous des gros gars armés. Moi, je veux cet enfant-là. » Il dit « Ouais, mais il a 14 ans. » Il dit « Je m'en fous. » Puis ils l'ont entraîné à être l'ultime assassin. Bucky, techniquement, dans les comics, comme il l'explique dans la Deuxième Guerre mondiale, Captain America, c'était le gars flamboyant, le flag. C'était le gars de frontline que tout le monde allait regarder. Mais pendant que lui comme faisait... Comme ils font dans First Avengers. C'est ça. Que lui, pendant qu'il faisait ça, Bucky était dans l'arrière des mines puis il coupait les gorges au monde. C'était l'assassin du gouvernement. Fait que c'est pour ça que quand il était recruté pour Winter Soldier, ça a tellement bien fonctionné pour lui. C'était déjà ça son rôle. C'est ça, parce qu'il était pas mort comme dans... C'est ça, c'était un assassin déjà entraîné par le United States gouvernement. Fait, ils ont juste mis un arme de métal puis ils l'ont reprogrammé pour travailler pour les Russes. C'est dark, en esti. Ouais, non, c'est très dark, l'origine de Bucky dans les comics. Fait que Scarlet Witch est... Parce que j'ai comme sorti de ma tête deux secondes puis je me suis dit, calé, c'est bon ce film-là. Ouais. J'ai tellement eu du fun à le voir. Puis là, je l'ai vu le deuxième fois puis je me disais, je vois ça encore demain, le revoir. J'avais le goût d'y retourner encore. Je vais peut-être l'écouter à soir chez nous. C'est bon, c'est bon. Fait que Scarlett est décédé. Fait que ouais, fait que là, il est pas allé dans le dans la Soul Stone, par exemple, comme Thanos a eu, là. Il s'est réveillé, c'était orange en arrière, il a pris la stone, puis après ça, mais dans le fond, ils sont tous revenus. C'est ça, puis maintenant, ça me fait penser que est-ce que Thanos est vraiment allé dans la Soul Stone ou de sa tête? C'est ça. D'après moi, c'est peut-être comme son imagination. Ça se peut fort bien. Parce que, ouais, mais tu sais, c'est aussi pour fée Gamora, c'est un peu pour nous partir sur des fausses théories. Un peu comme, tu sais, comme Lost faisait très bien, nous donner des noms, genre. C'est un peu ça aussi, parce que. Genre, le gars s'appelle Faraday, oh les cages, Faraday, ses affaires électromagnétiques, t'es comme calice, c'est juste pour nous. Parce qu'on s'est dit que la Soul Stone, mais genre Gamora était pognée dedans. Mais tu sais, ma théorie, moi, c'est ça, c'est que tout le monde qui était mort de Thanos était dans Soul Stone, mais c'est pas ça du tout. Tout le monde est. Moi, je pensais que ça allait être ça aussi, personnellement, mais gars, on a jamais allé ailleurs, j'étais tellement content qu'il n'y ait pas là. Ils sont pas allés dans le détail, dans le fond, avec les Stones. Vraiment. Non, parce que la Soul Stone, moi, je ne sais toujours pas c'est quoi le pouvoir de cette pierre-là. Ça ramène-tu le monde à la vie? C'est vrai qu'on ne sait pas vraiment ce que ça fait en tant que tel. La Stone n'a fait rien à part, genre, si tu la veux, il faut que tu meurs. C'est... Ouais, non, d'après moi, c'est le... Pour... C'est une partie du ballon de tout le reste, mais ça a-tu vraiment un power en tant que tel? Parce que chacun des Stones avait un pouvoir. Là. La Space Stone, tu peux voyager à travers n'importe où. La Power Stone, dans le fond, c'est pour détruire. La Reality Stone fait des illusions. La Time Stone, reculer le temps. La Mind Stone, dans le fond, c'est parce que tu pouvais contrôler mettons, tu pouvais comme... Ouais, tu peux contrôler le monde un peu. Quelqu'un, ouais. Puis le contrôler, mais la Soul Stone, qu'est-ce qu'elle fait? On dirait que dans la MCU, parce que dans les comics, elle a vraiment un specific purpose. C'est un univers complet dans la Stone. Mais dans la MCU, puis c'est juste une opinion personnelle, c'est la... Pour avoir le gauntlet, ça te prend cette stone-là. Puis c'est la seule stone qu'il faut que tu sacrifies quelque chose pour l'avoir. Sinon, c'est trop facile. C'est comme la pièce manquante. Pour compléter ton set, dans le fond. C'est pour avoir ton full set d'Infinity Stone. C'est la tête d'Exodia. Mais donc, c'est ça. Puis la seule qu'on n'a pas parlé, je pense, de la stone, c'est la Time Stone, que c'est Hulk qui va revoir le Ancient One là, sur, ouais, le, c'est ça, sur le toit. Qui se fait sortir de son corps et qui redevient Bruce. Là. Ça, c'était cool. Puis là, c'est là qu'il y avait comme un débat pour dire « Ouais, mais si je te donne la Time Stone, si tu me la ramènes pas, ça va avoir des conséquences sur cette timeline-là. » Puis il dit « Non, parce que si je la prends... » Mais c'est là que tu vois aussi à quel point que Stephen Strange est puissant dans l'univers. Elle dit « C'est le Sorcerer Supreme le plus fort. » Elle savait déjà là. J'ai adoré cette ligne-là. Parce qu'il faut prendre en compte aussi que le Ancient One, The Ancient One, Sa vision future arrêtait au moment de sa mort, comme elle dit dans le film de Doctor Strange. Elle était capable de toujours voir dans le futur jusqu'à un certain moment qui était le moment de sa mort, que là, elle a compris au moment de sa mort que c'était ça. Mais, selon ses études et toutes les choses comme ça, qu'est-ce qu'eux autres savaient, c'est que Doctor Strange, Stephen Strange, était le plus grand sorcier de tous les temps. Fait qu'elle dit, fait que si lui t'a envoyé ici... Non, si lui a donné délibérément la pierre à Thanos sans être forcé... C'est parce qu'il avait raison de le faire, puis il a vu quelque chose, puis il savait que c'était ça la solution pour avancer. C'est ouais. Si il te dit qu'il faut que tu ailles la chercher dans le passé, que dans les aimants millions de possibilités, c'était la seule manière de le faire. Puis en même temps, c'est sûr qu'à ce moment-là, il savait que Tony allait mourir. Fait qu'il a sauvé la vie là pour qu'il puisse mourir plus tard. Ouais, parce qu'il avait vu la fin. Puis même dans la bataille, Tony, à un moment donné, il demande dans le chaos de la bataille et il dit. C'est ça le one que tu m'as dit? Tu refuses d'y répondre parce que si je te dis, ça arrivera pas. C'est ça. Mais moi, c'est là que j'ai su que Tony allait mourir tout de suite. Exactement. Quand il a dit, si je te le dis, ça arrivera pas. Puis je, comme, c'est une bonne ligne, c'est tellement triste et fatigué. Mais techniquement. Mais il dit quand c'est le temps d'y aller, par exemple. C'est genre, les deux se regardent, il fait juste lever son doigt. C'est là. Une chance. La chance. Mais avant de se rendre jusque-là, dans le fond. Bon, ils reviennent, là, ils font le gant de Tony Stark, ils font le gant d'Iron Man pour pouvoir mettre les stones. Ouais, ça c'est hot. Ils développent ça rapidement, une technologie, moi je trouve. Oui, puis non, parce qu'à la fin de la journée, c'est Tony Stark, puis c'est ça, quoi qui est robotique. Il a juste mis des trous sur son gant, là. Puis en tout cas, c'est le gant que finalement ils se disent c'est ça va être Hulk qui va le faire parce que Thor est trop saoul pour le faire. Oui, parce que Thor, parce qu'il est pas non, dans le mytho, genre lui, c'est il voulait absolument le faire. Ce qu'il avait peur, c'est que Thor il fasse quelque chose sans inconsciemment, comme exemple, ramener Asgard, ramener son père. Il est trop perdu. Il a été un peu trop selfish avec le gant. C'est pas qu'il est selfish, c'est qu'il l'aurait fait subconsciemment parce que le gars, il est déprimé. Tu sais pas, là, peut-être qu'il va snap et c'est Jane Foster qui va apparaître à côté de lui. c'est tout. C'est qu'il voulait pas prendre de chance parce qu'il est plus là mentalement. Parce que lui, il aurait été capable de survivre. Parce que quand il était, mettons, en train de forger le Stormbreaker. Il s'est fait transpercer par l'énergie d'une étoile. C'est comme d'un oui, il brûlait, puis finalement, quand il a pogné son marteau, il est revenu. C'est genre, qu'il n'y avait pas les capacités mentales et émotionnelles de faire cette décision-là. Une décision que Bruce Banner, c'est un gars de science. Comme Tony Stark, c'est pour ceux qui s'entendent bien, des hommes de science, c'est toujours du monde qui sont capables d'avoir une vue objective parce qu'ils ne sont pas émotionnels. Puis surtout, Professor Hulk qui était parfait parce que c'est justement ça, c'est qu'il a enlevé ses émotions de rage et de tout ça, puis maintenant, il est at peace. Fait qu'il est capable de faire la décision qu'il a besoin de faire. Même quand il prend le gant puis tu le vois qu'il rush, là, que ça lui fait mal. Ça me fait penser à... Il dit, arrêtez, je vais être capable de le faire parce qu'il est capable de prendre le contrôle. Ça m'a fait penser beaucoup à quand que Steve Rogers rentre dans son espèce de civière pour devenir Captain America. Ouais. Il gueule comme un malade puis il dit, arrêtez tout. Non, je suis capable de le prendre. Ça m'a fait penser à ça. Pas mal. Mais la meilleure scène du film, le moment que tu vois Mjolnir se lever d'à terre quand Thor... Il est couché puis se fait battre par Thanos. Ah, attends, on n'est pas rendu là encore. Ah, okay. On s'en va là parce que ça, il faut que j'en parle avant qu'on arrive à ça. Là. Mais c'est mon point que je vais en parler tantôt. Mais fait que là, il snap finalement le téléphone à Hawkeye Son. Tu comprends que ça a marché. Oui. Sa femme l'appelle. Sa femme l'appelle. Ant-Man voit des oiseaux dehors. Oui. Il y a quelque chose qui est arrivé clairement. Tu le sens. Tu l'entends. T'as plus de vie qui est là. Puis. C'est là que tu vois qu'il y a le vaisseau à Thanos juste en haut qui décalisse la première fois, je l'avais pas bien remarqué, mais après ça, quand tu vois dans le portal, là, c'est Chris, le vaisseau il a passé à travers un trou, là, puis c'était un petit gros vaisseau pareil. Une nébula qui a tout fucké. Très bien fait, c'est fou pareil comment que le film de Ant-Man, qui est comme littéralement un film orienté aux enfants, c'est un des plus gros impacts dans le MCU. Ouais. À cause de Quantum Realm. Pis... Ouais. T'enlèves les. Techniquement, tu peux pas enlever aucun des films puis avoir Endgame. C'est impossible parce que tous les personnages. Ben, chaque élément, mais même Dark World, que beaucoup de monde a détesté, était important pour le film. Mais jamais j'aurais pensé que le film de Ant-Man a un impact, que Scott Lang a un impact comme ça dans le MCU. Mais c'est un peu le comic relief. Des Avengers. Ça oui, mais dans le MCU, c'est le comic relief, là, Ant-Man. C'est un peu goofy, puis il était bête. Scott Lang a déjà été dans Avengers, mais il est mort. Assez rapidement. Mais tu vois, c'est Hank Pym qui est le gros Avengers. Quand ça a explosé, genre, c'est Scott Lang qui regarde par la fenêtre parce qu'il regarde les oiseaux. Puis là, tu vois qu'il revole. Mais la première fois, je dis tabarnak, est-ce qu'il est mort? Non, il s'est rapetissé. Là, je le voyais. Ouais. Pour la deuxième fois, tu le vois. Il était assez vite pour peser sur le piton puis rétrécir. Là. C'est là qu'on arrive avec la scène que Guillaume parlait tantôt de Hulk qui tient tout le building son dos. Ah, moi, je pensais que quelqu'un était mort là. C'est là que je comprends pas non plus comme ce qui s'est passé. C'est Hawkeye qui se ramasse avec le Infinity Gauntlet. Puis il faut qu'il sauve avec pour l'amener. Mais comment il est capable de manipuler ça, lui, comme n'importe qui peut traîner le gars, il l'a pas mis. Ouais, mais avant les Stones, là, dans les autres films avant, c'est quelqu'un ça. Prend une Stone, puis la main, il démolit. Seulement c'est... une Stone, ouais, on dirait, si fait si ça. Si tu touches la Stone, le gant, tu penses que ça channel tout, mais que ça, si tu le mets pas, t'es correct. Ce que j'ai compris, c'est que la seule Stone qui faisait ça, c'était la Power Stone. C'est ça, mais il faut que tu la touches direct. Parce que c'est la même Stone que Star-Lord qui prend, puis c'est. Parce qu'on dirait que les autres stones, c'est correct de les tenir. OK, ça se peut. On dirait que c'est la Power Stone qui magane c'est le corps d'un. C'est trop fort, t'es pas pour c'est ton corps d'humain. Ouais, parce que c'est ça, c'est une affaire pour détruire. Parce que Ronan, il le met sur son marteau, puis il est correct. Ouais, dans ce sens. Mais la ça, minute ouais. qu'il l'a dans les mains, tu vois, Ronan est en train de se faire décrisser, puis là, il met son marteau. Ouais. Mais ben, j'ai bien aimé la séquence de Hawkeye qui court avec qui bute le paquet de ouais, bébites. Ouais, puis là, ça faisait comme, je trouvais un peu style les bébites à quatre pattes. La séquence de passage de bâton, mettons qu'on pourrait dire du gant, avec tous les personnages de MCU, ça, c'était hot, était hein. incroyable. C'est là que Black Panther, give it to me. ouais. Cool, puis... Même Captain Marvel, mais Spider-Man, c'est you have something for me? Oui, c'est ça. Mais ça détend la bataille encore quand il donne à Black Panther, puis tu vois son saut. J'avais oublié que son saut absorbait l'énergie qu'il recevait. Puis tu le vois se mâcher à terre à un moment donné. C'est comme une bonne idée en crise d'y avoir donné à lui. Chacun là, comme s'est servi de son special move dans les combats. Mais bref, le setup qui a mené au combat, dans le fond, tu sais, au début, tu voyais comme les on peut dire les trois originaux, mais qu'il y a juste Hulk, là. Ben, t'avais Thor, t'avais Iron Man, puis t'avais Captain America, puis t'avais Thanos qui était assis. Mais genre, Thanos qui ben était relax, avec Nebula, puis il dit comme merci, t'as bien fait, puis je vais attendre. Là, c'est... Ouais, parce c'est ça, parce que dans sa tête, que... il dit moi, elle va m'amener le gant, puis il n'y a rien qui va arriver. Selon moi, off-screen, parce qu'à un moment donné, il te montre que là, il rentre dans les memories de Nebula, parce qu'ils sont connectés sur le même network. Puis on dirait que qu'est-ce qui te montre pas, selon moi, c'est qu'il a tout écouté. Fait qu'il savait c'était qui Thor, Captain America, Tony Stark, il les attendait. Non, c'est ça, parce que lui, il se disait que je vais leur pétail. C'est ça. Il dit, la moyenne de moi, c'est qu'il faut que je passe à travers ces trois gars-là. Ouais, ouais, possible. Puis c'était un combat qui a delivered incroyable. Puis là, t'as une petite séquence de dialogue avec Thanos qui dit, vous n'étiez pas capable d'accepter votre défaite, puis je vous ai battu, puis vous êtes quand même là encore devant moi. Tu sais, contre un mois du passé qui revient dans le futur pour vous répéter à gueule. Ah, ouais. Oh, il était pas mal arrogant là, dans ses propos. Puis, ouais, là, parce qu'il a gagné. Il sait qu'il a gagné, fait qu'il se dit, écoute, vous êtes, dans le fond, il a fallu choisir, vous êtes des mauvais perdants. Vous êtes là, après ça, une de mes affaires préférées, Thor qui a le Stormbreaker, puis le Mjolnir, puis que sa barbe se fait un petit nœud, là, puis qu'il est vraiment... Oui, parce que dans le fond, moi, mais je pensais qu'il est encore fucking fat. Oui, parce que je m'attendais qu'il reste, genre, qu'il devienne Thor, mais là... Moi aussi, non, mais il reste gros avec sa barbe. Il est resté fat, ça. C'est hot, là. Ses cheveux, ils sont tous taillés. Ah, il me faisait penser à Gimli. Tu sais, Gimli, dans la... C'était ça, mais en blond. Mais là, ils se battent, en fait. Il y a une bonne séquence aussi avec le marteau, puis qui envoie l'énergie dans Iron Man, qui le renvoie sur... Ouais. Thanos, c'était... Ben, là, tu voyais, je pense... Ça, ils ont pris ça de Avengers 1? Oui, parce que dans le fond, tu vois que ces gars-là se connaissent, ça fait longtemps, ouais, ils se sont battus souvent ensemble. Fait que là, ils savaient quoi faire pour se battre. Mais là, à un moment donné, écoute, même l'épée à Thanos est plus forte que le c'est quoi le style de métal? L'uranium? Le vibranium. Oui. Son épée est tellement puissante que ça a même réussi à péter le bouclier à Captain America. Ça, j'ai remarqué, Cap, il se fait crisser une volée, puis il est à terre, puis c'est la même... C'est le même plan de lui quand il est mince puis qu'il se fait crisser une volée contre les bullies dans le premier film puis qu'il se relève comme à Can You Disorder, là, mais il le dit pas, mais c'est le même plan. Exactement le même plan. Là. Parce que là, c'est ça, là, il est à terre, là, Thor, il est dans la mampe. Il se reprend encore contre un plus fort, contre un gros bully contre lui. Attends, c'est qui était à terre puis quand Captain America pogne le Mjolnir, c'était Thor qui était sur la taille? Thor, il est en train de se battre avec Thanos. OK. Puis Thanos commence à le overpower puis un peu. Puis il y a le Stormbreaker, puis t'arrêtes d'y rentrer dans la poitrine. Ah oui, c'est ça. Il est un peu comme en train de l'enfoncer dans la pierre assis, genre. Et puis là, j'avais une image de Saving Private Ryan quand que le nazi voulait poignarder le soldat, puis qu'il allait lentement, puis que le couteau y est rentré. Puis pour ceux qui n'ont pas écouté le film, qui nous écoutent, on a skippé un petit moment. Quand il retourne pour aller chercher le Ether, quand il parle à sa mère juste avant de partir, Thor tend sa main, puis moi, il va chercher. Puis j'ai vraiment aimé le petit moment. Il est encore worried. Le look, visage qu'il a fait, qui est comme... Il est soulagé que le marteau voulait y revenir parce qu'il se sent dégueulasse de qu'est-ce que... Thor, il sait que c'est de sa faute pourquoi ils ont perdu. Parce que oui, c'est de sa faute. Mais il est encore worthy de prendre le marteau. C'est ça, que le marteau, il va lui donner un autre chance. C'est donner un second souffle pour pouvoir faire ce qu'il a à faire pour gagner. Et puis là, c'est là que, bon, il est en train d'y rentrer le Stormbreaker dans le chest. Puis le là, tu best vois, moment in the MCU, in my opinion. Puis là, on va le dire, c'est quoi le moment? C'est que, en fait, Cap reçoit le marteau, là, puis il est capable de lever le marteau. Je le jure, là, les poils m'ont levé ses bras. J'ai eu des frissons pendant un bon 2 minutes. Je suis retourné le voir, puis j'ai eu autant de frissons, plus. C'est fou. Asti, c'est venu me chercher, là. Ça, je sais pas pourquoi c'est venu chercher à ce point-là, mais c'est... C'est tellement bon comme moment, parce c'est que non seulement... Ça a pas de sens. Captain America, c'est the ultimate superhero. C'est the most selfless il person blanc, ever. Non, mais je veux dire... C'est America's ass. Il y a pas de faille. C'est America's ass, le Captain America. C'était nazi un peu, ton affaire. Il est blanc. Black Panther est très cool aussi, OK? Ouais, j'aime bien. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que dans Age of Ultron, on a parlé tantôt, il n'était pas encore worthy parce que Zola, il a dit que Bucky a tué les parents de Tony Stark. Puis Tony Stark, c'était son ami, puis il n'a pas dit. C'est ça. Pour essayer de sauver ses feelings, dont il a écrit dans la lettre que finalement, il a réalisé que c'était pas la bonne chose, puis qu'il aurait dû lui dire. Puis il s'excusait, puis il a donné un téléphone flip. Exactement. Fait que selon le Hammer, on dirait, ça le redeem. Puis quand il a pris le marteau, là, c'est là que tu vois la différence d'un gars... Tommy Lee, pas Tommy Lee Jones, le docteur qui crique Steve Rogers, ouais. Il dit une ligne à un moment donné. Il dit un gars qui est fort toute sa vie, il ne l'apprécie pas. Un gars qui vient de se faire donner une nouvelle force, c'est plus comment l'utiliser et l'apprécier. Ouais, ouais, c'est là ça. La différence entre Thor avec le Hammer et Captain America avec le Hammer. Les moves qu'il a fait avec ce Hammer-là... Qu'est-ce avec le bouclier? Genre, non seulement qu'il observait Thor, parce que les affaires qu'il faisait, c'est toutes des choses qu'on a vu Thor faire dans le passé, mais là, il commençait à faire des combinaisons. Puis pour un gars qui fait pas aussi fort que Thanos, on s'entend qu'il n'est pas au même power level, ben, il commençait à revenir dans le combat. J'ai trouvé ça écœurant. C'était incroyable. Ils ont pris des morceaux dans tous les films d'Avengers. Comme tantôt, on parlait de Thor qui tire sur Iron Man pour que Iron Man tire sur Thanos. Ça, ça vient de leur premier combat. C'est ça, c'était Iron Man qui tirait sur le bouclier. Ouais, puis Iron Man rappelle sa ligne. Et comme, c'est ça qu'on dit dans le chat. C'est comme quand Iron Man et Captain America puis ils bloquent le rayon avec le bouclier. C'est un peu ça. Pour moi, c'était une des plus belles scènes que j'ai vues à ce moment-là du MCU. Puis là, après ça, comment tu topes cette scène-là? Cap, on your left. Ah, j'ai eu les frissons m'ont sorti avec cette ligne-là. Là, ça, là. Quand j'ai entendu « Can you hear me? Can you hear me? » On your left, j'ai fait on. Are you kidding? Là, tu vois tous les cercles. Toutes les cercles. Ah, là, à ce moment-là, tu sais, moi, d'avant, le combat commençait, puis je pensais pas. J'ai des frissons en parler. Je pensais plus, moi non plus, à tous les autres heroes rendus là. J'étais comme, comment ils vont voir le battre? J'avais comme oublié ce bout-là. J'étais tellement dedans que je m'en rappelais pas pendant tout. Je suis parti à pleurer, man. J'en revenais pas. C'est la plus grande scène, la scène la plus grandiose que j'ai jamais vue au cinéma de ma vie. Ah, parce que c'est ça, c'était beau. Parce que là, tu vois qu'il se lève. Là, tu vois toute l'armée Asti se présenter. Il y en a des millions. C'est comme, Asti, sont dans la marde, tabarnak. Ouais. Puis là, Cap, il se lève debout. Il a le bras en sang. Il se ressort, oui. Ouais. Il est comme il est prêt, blanc, tout seul. Puis t'annonces, regarde, Asti de cave. Puis là, t'attends, on your left, Asti. C'est la première chose que Captain America a dit à, j'allais dire à Tim Mackie, mais à Falcon. Ouais. Pendant qu'il faisait quand du jogging, courait, puis il l'a clenché trois fois. C'est puis là, hein. Il y avait des crampes, Asti, dans les côtes, puis tout ça. Puis là, tu vois, genre, Black Panther qui arrive. Puis quand c'est arrivé, c'était super drôle parce qu'il y avait trois personnes dans la salle qui se sont levées. Puis j'avais misère à les reconnaître parce qu'il faisait noir. Puis là, j'étais comme « wow ». OK? Puis là, tu vois Falcon qui vole, qui apparaît. Asti avec son… Tu sais, genre, il se pompe le chest. Puis c'était comme ouais. « Asti, je te jure, j'étais excité. » Puis non seulement après toutes les entrées, pour top it all off, Giant Man qui pop open. Est-ce qu'on a tout le monde, Giant Man? J'ai capoté, moi, quand j'ai vu ça. Spider-Man, les Guardians, Stephen Strange. Pour vrai, là, je pense que c'est la seule façon qu'ils m'ont fait accepter que Gwyneth Paltrow soit Rescue. Oui, ouais. Parce que ça le fait qu'il a, a donné en cadeau le saut de Rescue. Elle ne l'a jamais le mettre. Ta mère ne mettra jamais quelque chose que je donne, dans le fond, c'est ça qu'il dit. Là. Ouais. Mais c'est la seule façon que j'ai accepté. Parce qu'au début, je pensais que Rescue allait sauver Tony dans l'espace. Ben, c'était la rumeur qu'il y avait avant que le film sorte. Ouais, moi, j'aurais trouvé ça dégueulasse. Moi, je pensais que Rocket allait le trouver. OK. Moi, c'est ça que je pensais, que Tony Stark allait se faire sauver par Rocket. Mais cette scène-là, c'est dur à décrire parce que c'est comme j'ai début. On enregistrait-tu quand je parlais du double spread? Ouais, moi, ouais. Je lis des bandes dessinées depuis que je suis tout jeune. Commencé avec des Astérix et Obélix, là, des Archie, puis après ça, je suis rentré dans le DC, Marvel. Les tuniques bleues. The Walking Dead, j'ai tout lu à date, puis je continue les tuniques bleues classiques. Ah ouais. Mais un double spread, comme une page double d'un event de Marvel. C'est comme une page double d'un giant size. Puis ça, là, la meilleure façon de voir ce bout-là, c'est IMAX, d'après moi. C'est ça. C'était fou. C'était tellement quand beau. Quand il dit là. Avengers Assemble. Ah ouais. C'est qu'on avait des frissons pour le marteau. On avait des frissons pour On Your là, Left. Ça arrêtait eu des plus, frissons là. Pour Giant Man. C'était un après l'autre, après l'autre, ah, après l'autre. La musique. C'était fou. Comme tu dis, t'as pleuré. Puis dans les détails qu'on a remarqué la deuxième fois que j'avais pas vu au début, c'est que j'avais vu sur le net après, là, mais quand Wasp arrive, il y a Howard the Duck avec un gun en arrière, ben, qui tu vois deux secondes. J'ai trois fois, j'ai même pas. Tu regarderas, c'est que quand elle approche. Puis, comme il nous demandait dans le chat s'il y a des choses qu'on a vues au deuxième visionnellement. Il y a des choses que tu vas remarquer au cinquième. Mais c'est clair. Oh, ouais, moi j'ai dit à JF quand je suis sorti de là. Il y a trop de monde dit, sur l'écran. J'ai dit quand ils sont dans la bataille. Il est où M'Baku? Je ne l'ai pas vu. Rick Grimes et Carl sont là. Carl! Mais... J'ai dit il est où M'Baku? JF, il dit c'est parce que tu étais distrait par Ant-Man qui punchait un vaisseau spatial. Là. Puis le pire, c'est que c'est vrai, ben, à IMAX, dans le fond, tu vois. Il punch le gros serpent. Ouais, ouais, c'est ça. Tu vois Mbaku qui se lève le bas, qui fait mouh. Puis là, là, tu vois l'autre qui reste une droite, genre, parce que dans, sur le vaisseau, c'était comme. Tu sais, c'était un peu genre comme Hulk l'avait fait, mais là, l'autre, ouais. C'est un esti de gros géant. Là. Hey, chaque moment, esti, je capotais, j'avais des frissons. Même Spider-Man s'en va à Tony, puis il dit hey, regarde. Hey, on l'a eu, on l'a eu. 5 ans est passé, papa, esti, Dr. Shane, il faut venir vous aider. Il parle tellement. Et là, vous avez remarqué la significance. Il sonne en ses la première fois qu'il jasait, il a refusé de le rogue. Vous vous rappelez dans le char? Ouais, ouais, ouais. Oui, il a ouvert la porte. C'est ça. Là, il dit, on n'est pas rendu là. Ouais, ouais. Mais là, c'est lui qui a initié la rogue pour vrai. Hey, ça, c'est le premier vrai rogue que Spider-Man a d'un homme depuis la mort de Uncle Ben. Non, c'est vrai, quand tu penses à ça, là, c'est vrai, Ernesti, pareil, là. Ah, c'est juste la manière, c'est. De quoi? Que t'as dit ça, là. C'est... La première fois qu'il se fait faire une caresse par un homme depuis son oncle Ben est mort. Mais non, mais c'est ça, ben tu sais, il y a sa tante, il n'y a pas personne d'autre à l'école, j'espère. Sa tante, pas comme un rogue n'importe quand, man. C'est ça, ben surtout que... dans la nouvelle version. Uncle May. Puis là, même, l'affaire qui était beau, c'est que même Parker, il dit « Ah, oh, that's nice ». Tu sais, genre. Ouais, c'est comme ça fait du bien. Ça fait du bien, j'aime ça me faire caresser. Puis, c'était... écoute, ça là, ça m'avait vraiment, vraiment, vraiment touché parce que. Depuis le début que tu vois Peter Parker dans la MCU, tu vois la relation père-fils qu'il y a avec Tony Stark. Puis là, c'était un beau moment. Puis là, tu voyais que, OK, yes, sir. Puis là, c'est la guerre. Puis ah ouais, donc, ça se tape ça à gueule. Puis t'as beaucoup de beaux moments. T'sais, chacun a eu son petit moment. Là, de comme tantôt, on parlait, il y a la passation du gant, en fait. Puis tout le monde se passe le gant. Puis Wasp qui pogne. Non, je pense que c'est Pepper Potts qui pogne Spider-Man à un moment donné. Pis, ben oui. Le Valkyrie. Valkyrie qui fait son retour. Avec le cheval. Mais oui, avec le cheval. Tu sais pas où qu'elle l'a trouvé, le cheval, mais je suis down qu'elle l'aille, man. Il est revenu, il a été snappé. Sur Asgard, dans le gros vaisseau, il y a quelqu'un qui a été mané l'écurie, puis il a dit vite embarquer dans le vaisseau. Ouais, mais c'est ça, mais Wong, sûrement, genre. Ah, ben ils font des portals. Il y a tellement de manières tu peux expliquer ça sans vraiment garder des loopholes. Just fucking enjoy. Ben ouais, c'est Wong. Hey, j'avais des frissons tout le long. Laisse faire le détail de où est-ce qu'il vient le cheval. Ben oui. Il se fait fesser le cheval en plus à un moment donné. Ah, puis c'était écœurant. Hein? Puis après ça. Oh, ils se font frapper Valkyrie et le cheval. Quand que, le vaisseau, comme. Bon, attends, juste avant ça. Scarlet Witch might be the most powerful superhero. C'est la plus forte. Ouais, c'est ça, elle dit t'as tout enlevé de moi. I don't even know who you are. Il y a tellement de à part peut-être. Chris, une volée. À part peut-être Captain Marvel, je pense que c'est la plus forte. Mais je pense qu'elle est plus forte que Captain Marvel. C'est parce qu'elle n'est pas en contrôle de ses pouvoirs. Ah ouais, c'est sûr que c'est différent. Puis c'est sûr que dans le MCU, elle est dans les top tier of power parce que tous les changements, elle a éradiqué les mutants de la planète. On s'entend, le House of M, No More Mutant. Elle a wipe out tous les mutants en une shot. Là. Elle a même tué Hawkeye dans sa Delusion dans les comic books. Là. C'est que elle. Si tu regardes son origine dans les comics, juste Scarlet Witch qu'on parle en passant, sur de base, son premier power, c'était décrit, elle a le pouvoir de contrôler les probabilités en sa faveur. Fait que tu peux expliquer ça comme genre, elle se bat contre quelqu'un, il y a une pipe en dessous qui va exploser sur la personne. Tu sais, des affaires que jamais, faut que tu sois la personne la plus malchanceuse au monde, ça t'arrive. Ouais, ouais. Mais finalement, Doctor Strange, il travaille avec pour essayer de contrôler son power, puis c'est lui qui dit aux Avengers, il dit, elle n'a pas le contrôle sur les probabilités. Cette fille-là a le contrôle sur la réalité. C'est comme la Redstone. Elle, c'est littéralement ça, son power. Genre, le Ether, c'est comme elle fait ça. C'est comme une Reality Stone ambulante. Et elle peut changer ce qu'elle veut. Dans le MCU, on dirait qu'ils ne l'ont pas établi comme ça. C'est plus comme un genre d'affaire de witchcraft bizarre, d'effet rouge. Mais c'est parce que si tu l'overpower aussi, ça vient un peu... Mais dans les comics, Scarlet Witch... Un moment donné, elle devient folle parce qu'un docteur, il dit qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Fait qu'elle se crée une délusion qu'elle est en amour avec Vision puis qu'ils ont eu des enfants. Mais Vision, c'est un fucking robot. C'est sûrement ça qui va être la télésérie parce que ça se passe dans les années 50. Ça se peut très bien. Comme j'expliquais à GF, là, je me demandais comment ça c'était possible. Je ne sais pas si tu as déjà vu la série Legion à FX, mais d'après moi, ça va être dans ce style-là. Un ça peu trop psychédélique. Pour l'auditoire normal. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est que quand elle se bat avec Thanos, tu vois vraiment utiliser, pas la full capability, right? Mais tu vois vraiment à quel point elle est forte. Elle tient, elle est en tabarnak. N'oublie pas, dans Infinity War, là, elle a explosé Infinity Stone à elle toute seule. Ouais. Fait que c'est juste une question de confiance, puis son power là, vient d'exactement la même source de celui de Captain Marvel. Le Tesseract a créé deux super-héros. Dans le MCU. Ouais, parce que Quicksilver et Scarlet Witch sont des dérivés du staff. C'est vrai. Ouais, ouais. C'est vrai. Le Tesseract a créé les powers. Fait que c'est deux différentes stones, mais les stones ont le pouvoir de créer des super-héros beings. Fait que là, t'es en train de me dire que Magneto pourra jamais devenir le père de Scarlet Witch dans. Fait que ça, j'ai hâte de voir ça. Puis ça, on va sauver ça pour la fin là, de la conversation, là, mais pour en revenir, fait que c'est un très bon combat. Puis là, Thanos dit OK, start shooting everything. Parce que son vaisseau, il est ultra puissant, on s'entend, là, des technologies que la Terre n'a jamais vues. Commence à rosser tout le monde. Puis là, c'est là que je trouve bien utilisé. Pogne le gant, c'est... Il ramène Brie Larson, il ramène Captain Marvel dans le mix, elle pète le ship. Elle pète le ship, puis elle s'en va péter Thanos. C'est ça. Sa coupe de cheveux, là, c'est la coupe de cheveux qu'elle a dans la BD. Ouais, la coupe de cheveux courante. Ouais. Mais là, finalement, il enlève une des stones pour la repuncher plus loin. C'est incroyable, ce bout-là. Là, parce quand il donne un coup de tête, puis elle le regarde. Elle n'a même pas bougé. Il n'y a rien qui s'est passé. Coup de tête, il se passe rien. Elle est très, très, très arrogante. Mais les Russo, ils l'ont dit, c'est « She is made to be the most powerful MCU character ». C'est juste qu'il faut... À part de Thanos. Eux autres, ils disent c'est Thanos, puis après ça, c'est elle. Mais très bien utilisé, pas surutilisé pour un personnage aussi puissant. J'ai très bien aimé la ligne que quand Spider-Man se fait knocker off the horse, juste avant ça, ma deuxième favorite ligne du MCU, c'est le instant kill mode. Puis la première fois, il l'utilise. Que tu vois dans Homecoming pour deux secondes. Là, il se rentre au room, il dit, comment qu'il l'appelle encore? Karen, activate instant kill. Là, tu vois les clans sortir, puis pop, pop, pop, pop, pop, pop. Le pire, c'est que dans le jeu de PlayStation 4, tu peux avoir le Iron Man, le Spider-Man suit. Là, dans le jeu Spider-Man, tu parles? Ouais, tu peux l'avoir. Puis le special move que tu as, c'est instant kill, ce que toutes les bas. Faut que je le joue, j'ai pas joué encore. Ah non, écoute. Puis en passant, juste adresser la question. Oui, Dominos, elle a le pouvoir de la chance. Dans Deadpool 2. Scarlet Witch, c'est juste ce que j'essaie d'expliquer. C'est que sur papier, elle avait le pouvoir des probabilités, mais plus tard, ça a été retcon dans les comics. C'est she has reality altering powers. Fait que c'est oui, t'as raison. Dominos, son pouvoir, c'est vraiment jouer avec les niveaux de chance. C'est pas juste de la bonne pizza. Elle a modifié. Elle a mangé aujourd'hui, la Dominos. Elle est bonne en crise. Shout out. Fait que ouais, fait que là, en fait, c'est là que le combat final arrive. Et puis que... Même quand Parker il était à terre, j'ai bien aimé quand Captain Marvel a dit Hey, Peter Parker. Hey, you got something for me? Ouais. C'est comme... Hey, I'm Peter Parker. Hey, Peter Parker. Là, c'est rendu, tout le monde se connaît. C'est comme une grosse famille. Oh, ouais. Mais là, c'est là qu'en fait, Thanos a le gant, puis il veut aller snapper, puis que tout le monde court après. Puis c'est là que t'as le Doctor Strange qui fait le signe à Tony Stark, genre. C'est ça. C'est voici ta chance. Il saute dessus. T'as une chance, c'est là. C'est ça. Il saute dessus. Je l'ai pas vu venir, en fait, moi qui j'ai comme, parce que c'est du nanotechnology, fait que j'ai comme l'impression que sûrement qu'il y a peut-être. Mais en le tenant, son gant a comme été chercher les stones des amis. Sur lui, parce que là, même, écoute, quand il était sur le bord de claquer, là, j'étais comme. Puis là, il y a comme une affaire que le monde, j'ai vu chialer, c'est comment est-ce que Tony Stark a pu avoir le gant sur lui sans comme brûler d'une shot, comme pendant que t'as Hulk, il y avait de la misère à le tenir. Mais il y a un saut, là, moi je dis. Il est mort. Non, mais avant qu'il snap, tu sais, il n'y a pas eu comme. Il n'y a pas joué. Ben, genre. Mais c'est ça, je me suis dit, c'est que l'armure va tout prendre Ouais, parce que Hulk, il n'avait pas l'armure. C'est ça. Puis là, finalement, la scène maintenant iconique qui a été improvisée par Robert Downey Jr., I am Iron Man. C'est vrai que c'était pas prévu. Non, c'est ça. Mais c'était bon parce que t'as Thanos qui dit I am inevitable. Fait que c'est un peu. C'est ça. And I am Iron Man. La ligne qui a commencé le MCU. Ouais. Dread ça, puis écoute, quand il a claqué les doigts, j'ai comme. Pas catché un peu ce qui se passait, genre. T'as pas catché ce qui se passait? Non, mais je veux dire, tu sais. Je pleurais tellement. Je comprenais plus parce que. Moi, j'ai catché tout de suite qu'est-ce qui se passait. Il a réussi, tout le monde meurt parce que tu voyais comme Rocket Raccoon qui se penche, puis là, tu vois que tout le monde s'efface. Puis là, quand tu vois Tony, je suis comme. Oh non. Ah, mais c'est clair qu'il meurt là. Chris, il y a la moitié de la face brûlée. On dirait que c'était Aaron Eckhart dans The Dark Knight. Puis. Mais le Pepperpot, elle vient voir le saut, fait comme donne-moi les signes vitaux. Il a jamais dit un critique, mot. Hein? Critique. Non, c'est, avant de mourir, pepper. C'est cruellement. Ouais, il dit juste Pepper. Il dit Pepper? Il dit Pepper juste avant. Ok, il n'a pas dit salt. Fait que, Pepper, salt and papa. Salt and papa. Mais là, c'est ça. Fait que là, tu vois. Là, Spider-Man qui braille. Tous les personnages qui l'ont marqué, t'as Rhodey, t'as Spider-Man. Puis là, Parker capote. Là, tu vois qu'il est après, reviré sur le top. Il a la tasse. Puis là, Pepper s'en va le voir. Puis il dit You did good. Tu peux te reposer maintenant. T'sais. C'est ça, you can rest. Non, you ce qu'elle a, ce qu'elle même a dit, si elle l'aime ou pas, même si elle est en amour avec, c'est son mari et tout, c'est que Pepper, à la fin de la journée, elle réalise que Tony n'aurait jamais été capable de dormir, comme elle dit. Même si ça faisait 5 ans qu'il était at peace, il n'était pas at peace. Il fallait qu'il fasse ça. Il fallait qu'il sauve le monde parce que c'était pour ça qu'il était là. C'est ça. Parce que c'est ça qu'il dit quand il dit « J'ai trouvé comment on contrôle le voyage dans le temps. » Puis il dit « OK, mais si il va pas, là, tu vas être capable de dormir. » C'est puis, ça. Juste, je vais profiter 2 secondes pour remercier Yacine Laram dans Iron Man 1 qui s'est sacrifié pour sauver Tony Stark sortant de la grotte. Parce que si lui, il n'aurait pas sacrifié sa vie, on n'aurait pas eu Tony qui sauve l'humanité. Non. C'est ça. On n'aurait peut-être pas eu non plus. Ouais. On n'aurait pas J'aimerais eu de remercier Obadiah Stane d'avoir organisé le kidnapping. créé aussi, Iron Man. Sans ça, ça aurait été la fin. Aussi, mais les terroristes dans le pays qui n'aiment pas. Bah, c'est Bagdad. c'est sûr. Ouais, OK. Mais. Fait qu'en tout cas, ça finit sur la mort qu'on se doute de Tony Stark, mais après ça, tu le vois qu'il est clairement mort, puis il y a son speech de lui qui enregistre sur le casque avec le I Love You 3000 à sa fille. Ouais. Si, man. Là-dessus, là. J'étais plus arrêtable. C'est tes émotions de parents qui ont pris le dessus. C'est parce que dans le fond, là, j'avais les yeux humides, mais j'ai pas pleuré. Là. Ça m'a touché, mais j'ai pas été jusque-là. Moi, c'était comme une crainte dans le fond. Là, moi, l'émotion du marteau était plus grande que l'émotion de la perte de Tony. Là. Mais la ligne qui dit juste à sa fille en plus, c'est vraiment bon. C'est un gros moment aussi qui montre que he's no longer in love with himself. Ouais. Il aime sa femme, il aime sa fille, puis à la fin de la journée, il a fait ce qu'il a fait parce qu'il fallait que pour eux autres, pour qu'ils puissent vivre. C'est ça. Parce que, tu vois, moi, dans le fond, comme je disais tantôt, ça me craquait pas mal. Puis là, t'as les funérailles, t'as la crise de toune ici qui va te chercher en tabarnak. Tu vois le cœur à Tony. Le cœur à Tony que Pepper lui a donné dans le premier film. The proof that Tony Stark has a heart. Là, tu vois tous les personnages. Tu vois Parker qui est dévasté. Tu vois vois le caméo du petit gars que tu sais pas c'est qui, mais c'est le jeune dans Iron Man 3. À part ça, quand je l'ai vu, je le savais. Ce gars-là a joué un rôle important dans la vie de Tony Stark. Ouais, parce que sans ça, Tony Stark n'aurait jamais eu sa rédemption qu'il a eu aujourd'hui. Puis dans la deuxième écoute, j'avais remarqué que Gamora n'était pas là. J'avais pas remarqué au début, mais c'est la seule. Mais après ça, tu vois qu'il la cherche dans le vaisseau. C'est son camp. Avec les Asgardians of the Galaxy. Là. C'est ça, puis là. Là, ça s'en va en arrière-plan. Puis là, j'avais une petite pensée à sa fille, parce que sa fille, elle a l'âge à mon fils. Puis elle aura plus de père, elle, là. Ah, oh, man, la scène avec App qui... pleurer, là? Non, c'est correct. Puis, ils sont pas à la toune. Je suis sûr qu'ils pleurent, ils vont voir la toune. Là, dans le fond, tu sais, Happy, il est super fin, il est tout doux, puis il va voir la petite, puis tout ça. Parce le cheeseburger line, là. Je vais donner autant de cheeseburger que tu veux. En anglais, ça sort mieux qu'en français. Je vais amener tous les cheeseburgers que tu veux, Asti, ça va me faire plaisir. Là, ça, là, ça m'a vraiment, là, écoute. Yeah. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai tombé malade cette fin de semaine-là, j'ai eu mal à la gorge. J'étais en dépression. Parce que, genre, j'ai pas bien dormi, puis mes anticorps étaient à bout. Tu t'es commandé de la pite, puis tu t'as downloadé Fortnite. Pendant tout, Esti, écoute. Noob Slayer 69. Toute la nuit, j'ai pas filé. Le lendemain, je voulais faire une sieste. J'étais pas capable de dormir parce que tout ce que je voyais, c'était la face à Tony qui faisait ça de même. Ouais. Écoute, le lendemain, c'était le combat, Esti, de Long Night à Game of Thrones. J'avais peur que mes personnages préférés meurent. Écoute, c'était pas une bonne fin de semaine pour moi. Ben, oui, c'est une bonne fin de semaine. C'est une grosse fin de semaine de geekness. C'était émouvant. Puis en plus de ça, Esti, j'écoute Christopher Robin sur Netflix. Asti, man, c'était vraiment une fin de semaine, je te dis, là, Mais il y a Cyclone qui dit qu'il a trouvé ça spécial, lui, dans le film, qu'il y a plusieurs moments de silence, des secondes de silence, puis qu'il n'y a pas un son dans le cinéma. C'est vrai, ça, Cyclone, c'est bien dit, parce que c'est des moments comme ça qui te vend le pouvoir des émotions dans un film. Moi, j'ai eu un cave, puis j'avais le goût de me lever pour écrire une tape sur la gueule. C'est la deuxième fois que je suis allé l'écouter, quand tu vois le cœur de, tu sais, genre, « Prove that Tony Stark has a heart ». Il y a quelqu'un qui est parti arriver. Oh, oh, oh, oh. Je suis comme, asti, cave. Ouais. Moi, je pleure encore, puis toi, tu ris. Puis, deuxième écoute, je suis en train de brailler. Ah non, puis même le pire, c'est que mon fils, là, quand c'est arrivé. Je suis les larmes avec du popcorn. avec du beurre. Mon fils, là, son héros préféré depuis le début du MCU, c'est Tony Stark, c'est Iron Man. Puis, je t'en ai montré des photos. Ouais, ouais. Il y a tous les hosties de costumes. Jeff, il y a le MCU complet chez eux en bonhomme. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens, pour vrai. Il les a toutes. Puis, le pire, c'est qu'il s'était fait spoiler la fin du film par ses cousins. C'est ça qu'il avait spoilé, pour vrai. Ils ont dit que Tony Stark il meurt. Puis là, mon gars, il dit ben, papa, ça se peut pas parce que s'il n'y a pas Tony Stark, il n'y aura plus de film d'Avengers. Fait que là, j'étais comme, ah, mais peut-être qu'ils se sont trompés. Fait que là, finalement, quand ça arrive, là, tu vois, mon gars, genre, il n'aurait pas bougé sur son banc. Il a envie de caca. Puis il arrête pas de kicker, genre, le banc. Après 3 heures. Ah ouais? Fait que là je voyais que, genre... Il y a eu des émotions, là, ça. Ça l'a affecté. Il m'a posé la question en sortant du cinéma. On était dans le camion, puis il m'a dit, « Papa, c'est-tu vrai qu'est-ce qui est arrivé? Genre, c'est-tu vrai que Tony est mort? » J'ai dit, « Ben non, Zach, fais-toi-en pas. C'est un film, Tony, il sera jamais mort. » Puis là, j'ai expliqué, genre... Que c'est un acteur? Ma prédiction de que ça allait pour MCU, parce que dans le fond, Tony, dans ma tête, n'est pas mort, façon de parler. Mais écoute, tout c'était beau. Puis là, après ça, les tabarnak, est-ce qu'ils nous arrivent avec le bout de Captain America? Calice, est-ce qu'il se transforme en Clint Eastwood? C'est vrai, c'est la fin qui manquait. Il fallait qu'ils remettent les pierres à la fin pour refermer les timelines. Puis... Mais moi, il y a bien du monde qui n'ont pas aimé ce bout-là. Moi, j'ai adoré ça, moi. Parce que Captain America, il deserve une good ending. Il a sauvé la planète de la Deuxième Guerre mondiale. Il a sacrifié toute sa vie, tout son univers de qu'est-ce qu'il connaissait. Mon seul mini problème avec cette scène-là, c'est que je trouve que c'est illogique par rapport à Bucky. Tu viens de retrouver ton meilleur ami et tu l'abandonnes dans un futur que lui aussi, c'est un inconnu. Là. Il aurait pu le ramener avec lui. Là. Mais d'après moi, ils ont eu cette conversation-là parce que... Ben, c'est parce que je comprends pas pourquoi Bucky choisirait de rester là. Il connaît... Parce qu'il faut qu'il ait fait une série il avec... Il est exactement dans la même situation que Steve Rogers. Là. Il a pas été frozen, mais il se réveille 70 ans plus tard. Mais Bucky avait pas rencontré son... C'est un criminel national mondial. Ouais. Il a pas été... Il a pas une rédemption, c'est-tu? Ben, je suis pas mal sûr que les gouvernements ont encore peur du Winter Soldier. Là. Comme les héros l'acceptent, c'est sûr. Là. Mais c'est là que tu sais qu'il savait parce qu'il a dit comme... Ouais, c'est ça. Genre, tu vas me manquer. Là, pour résumer... Ouais, parce qu'à la fois, il partait 5 secondes. Comment tu vas le manquer? Il réutilise la machine. Puis comme la conversation avec l'Ancient One, il faut qu'elle replace toutes les stones. Fait que c'est Steve Rogers qui s'en occupe. Non seulement, il prend Mjolnir, il le ramène dans son temps. Toutes les autres choses aussi. C'est sûr qu'il faut que tu en prennes et t'en laisses là-dessus. Mais qu'est-ce que moi... Mettons qu'il a réussi à le faire. Moi, la minute que je le voyais monter dans la machine, je l'ai callé à la personne que je suis allé voir le film. Dit, il revient il va pas. Réapparaître pas loin comme un vieux monsieur. Mon ami m'a regardé comme... Hein? Puis là, c'est fou parce que moi, je pensais que c'était plus tard qu'on allait le voir puis c'est instant. Il est sur un banc de parc 2 secondes plus tard. Avec le shield. C'est comme s'ils attendaient. C'était comme le deuxième Captain America. Mais l'affaire que je comprends pas, par contre, là, OK, le shield, il a pété en deux, genre, pendant la grosse guerre. Puis quand il est parti dans le passé, il n'y avait pas le shield. Il est juste parti avec mon nœud puis la valise avec l'Infinity Stone. Où c'est que le pogné son assis bouclier? Ça fait partie des affaires qu'on comprend pas trop, ça. Son bouclier? Ouais. Ben, il l'a pogné dans la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, mais il faut qu'il l'aide lui-même dans la vraie timeline. Il n'est pas parti avec... C'est ça, que s'il aurait pogné là, ça veut dire que le Captain America qu'on a vu dans les le films, il n'aurait jamais est tombé bouclier. Dans l'eau. Ouais, mais ils l'ont récupéré, le bouclier. Ben, c'est ça qu'il faut que tu te dises. Il est allé chercher. Il a peut-être demandé à Howard Stark d'aller pogner son bouclier. Ouais, puis ils l'ont donné à lui quand il est revenu dans Avengers le premier. Mais ils l'ont redonné parce que. Il n'y avait pas 2 boucliers dans la timeline. Non, dans la timeline, il n'y a pas 2 boucliers. Mais moi, je pense que c'est plus que. Moi, selon moi, qu'est-ce qui est arrivé? Puis encore là, ça peut être. C'est très laissé à la C'est libre, c'est ça qui est bien aussi. La place qu'ils sont en train de danser, lui puis Peggy, qui est la dernière scène du film. Si tu regardes le temps sur la clock, c'est exactement la date qu'ils sont mis avant qu'ils crashent le plane. Ah ouais. Ça va me chercher. Il est retourné une semaine après son crash de plane. Ben, elle attendait fait pas qu'il est peut-être retourné dans l'eau pogner son bouclier. Mais s'il aurait pogné son bouclier dans l'eau, il l'aurait jamais eu dans Avengers 1. Ouais, mais c'est là qu'ils disent qu'il faut pas que tu... Te casses la tête. C'est ça, parce que non dans Avengers 1, mais c'est just a whole circle. C'est comme un... Comme dans Terminator, techniquement, ça défait pas, exister. Le futur qui a déjà existé. Ça fait juste un autre futur. Là, mais il aurait perdu son bouclier pareil. S'il l'aurait ouais, mais c'est, d'après moi, c'est des divergent timelines. Là, je suis juste agacé. Là, wow. Non, c'est ça. Puis à la fin, dans le fond, c'est la scène d'interprétation. Qui reviennent vieux, je trouve ça. Il y a du monde qui disent que ça va contraire avec Captain America. Captain America, c'est un gars selfless. Il n'aurait jamais fait quelque chose d'aussi selfish. Mais c'est son closure à lui. C'est l'inverse. Il abandonne le monde. Mais c'est l'inverse complet du développement de personnage de Tony Stark. C'est ça. C'est qu'il, lui, là, il finit par faire de quoi pour lui. Oui, parce que c'est même Tony qui en avait parlé dans le deuxième. C'est ça. Il a vraiment écouté ce que Tony voulait qu'il fasse. C'est ça. Il a dit, qu'est-ce que tu dirais? Quand il arrachait des bûches avec ses mains. Quand il était à Chris. On a perdu aussi. On demande dans le chat, Captain America avec ou sans barbe? On dirait que ça change sa personnalité. C'est parce que sans barbe, c'était Captain America. C'est pas que ça change sa personnalité. C'est juste qu'il a l'air un peu plus sérieux quand il y a une barbe. Ouais, peut-être. Moi, c'est plus mon opinion. Mais tu sais, ça reste que c'est America's Ass. Fait que... C'est ça. Ouais, parce que moi, dans le fond, ça, les deux looks, je les aime bien. Donc, on comprend que ben, il finit avec Peggy puis que c'est le père des enfants. Puis ça, les Russo Brothers l'ont dit, c'est vraiment lui le père des enfants à Peggy Carter. C'est ça, là. OK. Puis Falcon devient... Fait que ça veut dire que tout le long, là, dans le fond, là, lui, il existe. Dans le fond, il a embrassé sa nièce. Genre, là. Oui. C'est okay. Vrai. Oui, mais parce que c'est le... pas sa fille, c'est sa nièce. Fait que bang, la nièce retourne banger l'autre après. Il a fait un Jon Snow de lui-même, ben, vice-versa, en tout cas. Hey, spoilers. Mais... qu'est-ce que j'allais dire? Jon Snow, il va un petit peu plus loin là, que Steve Rogers. Ouais, lui... Lui, il l'embrasse en dessous d'un viaduc pendant qu'un noir et un blanc le regardent dans le char. Oui, peut-être que Jon Snow, lui, il va au bout! Jon Snow, il fait avec ça doggy style avec un loup qui l'observe. Mais il y a beaucoup d'inceste dans Game of Thrones. Ouais, j'ai entendu parler un peu. Mais donc, voilà. Fait que c'est le Snow de Jon Snow, je te laisse savoir pourquoi que c'est ça. C'est ça. Fait que donc, closure pour Captain America. Dans le fond... Ce que moi, j'en ai compris, c'est qu'il existait tout le temps de la timeline actuelle, mais il était caché tout le long. C'est ouais. Ça, parce qu'il y avait l'autre Captain America qui a fait pour que ça arrive que lui vive avec Peggy, il faut que tout le vrai futur arrive quand même de lui jeune. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qui s'est passé. Et ça a fini avec, pour la première fois, en 22 films, aucune scène à la fin, autre que le son de Tony Stark qui forge son armure dans la grotte à Bagdad. Là. Moi, je suis pas un gars patient. Puis je suis désolé pour le monde qui font des films. Je vais jamais rester là juste à regarder des crédits. Je suis un gars comme ça. Ah. Je vais les apprécier. Puis je vais les regarder sur IMDb en 10 fois plus rapidement que regarder le chose au complet. Fait que non, je vais pas rester pour les crédits. Moi, je suis allé tout de suite sur Google voir Avengers Endgame End Credit. Non, ouais. Moi avec. Là, ils m'ont confirmé non. Là, je voyais que tout le monde était assis à mon nez. Go. Non, c'est ça. Mais moi, je suis resté. Puis en fait, moi, j'ai complètement l'opinion inverse de toi. Je reste dans les génériques de tous les films tout le temps. Ouais, je sais. Parce que pour moi, c'est un moment de réflexion sur ce que tu viens de voir, genre de comme je l'absorbe puis je l'analyse un peu puis je prends le temps de décanter avant de me lever puis... Ouais, moi c'est quand que je vais fumer mon buzz rendu chez nous que là je réfléchis sur qu'est-ce que je viens d'écouter puis je suis comme là je le digère. Mais c'est peut-être c'est mon côté cinéaste, j'aime ça, je lis pas les crédits, je m'en sers. Mais je prends le temps de décompresser de ce que j'ai vu. En parlant des crédits, là, j'ai bien aimé à la fin, quand que tu voyais les originaux, genre les Original Six, avec leur signature. Ouais, ça faisait très... avec une belle toune. Ça faisait très Star Trek, ça. Ben, c'est là que j'ai appris que Kevin Feige... C'est-tu comment qu'on prononce ouais, ça? Ouais, Kevin Feige. C'est un très grand fan de Star Trek, fait qu'il a comme voulu prendre de quoi d'eux autres parce qu'il aimait ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment cool de ce côté-là. Fait que c'était... Écoute, ça m'a pris 3 jours à m'en remettre. Ah, j'y ai pensé longtemps au film après l'avoir vu. Ah, excellent ça me restait dans la tête. Puis c'était un long podcast. On a fait quasiment 2h15 de discussion sur sir, un film de 3 heures. Fait quand même. On a fait des Kevin Smith de nous autres, puis on en a parlé. Je veux qu'on termine sur ce qu'on pense qui est le futur du MCU à partir de ce qui s'en vient. En commençant par Far From Home de Spider-Man qui s'en vient. Est-ce que Mysterio, c'est vraiment un gentil? C'est sûr que non. C'est ça, c'est un destin crosseur. Hein? C'est sûr que non. C'est il y a une affaire qu'on n'a pas parlé, le caméo de Stan Lee, qui est son dernier caméo dans celui-là, qui était Stan Lee. Ils font l'amour et non la guerre. Ils ont rajeuni Stan Lee, puis ça, j'ai trouvé ça malade qu'il fasse ça. C'est tout ce que je veux dire, mais j'ai trouvé ça vraiment cool. Ah, encore une fois, merci à Stan Lee d'avoir créé tout ça. De sa créativité, Jack Derby. Ah ouais. Tout le monde. Tu sais, quand notre génération, à nous trois, je dirais, c'est la génération que les comic books, c'était de quoi que le monde, il snobait beaucoup. Ouais, c'était pour écoute, les enfants. C'était de quoi pour enfants, c'était de quoi d'immature. Écoute, tu te faisais battre à l'école parce que tu lisais des comic books. C'est ça. Toutes les plus high-grossing movies of all times, at this point, à part Avatar et Titanic, c'est tout des comic book movies. Puis tous les enfants qui se faisaient battre à l'école dans le temps, c'est tous les boss de ceux qui battaient les enfants. Ouais, c'est ça. Hein? Fait qu'à la fin de la journée, c'est que quand t'es quelqu'un de créatif comme ça, puis que t'as une vision comme Stan Lee avait, ça l'inspire. Ou comme un paquet d'autres mondes dans cette industrie-là, faut que tu pousses parce que plus tard, tu sais jamais qu'est-ce que ces propriétés-là vont devenir. C'est exactement ça. C'est fou quand tu y penses. Là, quand on a vu un film donc comme Avengers Endgame, bâti sur 12 ans de films, toutes des films avec combien? 22 films interconnectés. Là. Ça sera jamais reproduit. Puis la seule négative que je vais dire de ça, la barre a tellement été placée haute que c'est sûr que je suis déçu dans tous les prochains films de Marvel. Je vais aller voir. Je vois pas comment ils peuvent topper ça. Ouais, c'est comment tu peux topper la scène de bataille de Endgame? Impossible. Ah, oh, si, man. Secret Wars. That's it. Faudrait. Mais moi, la manière que je vois le MCU complet, là, c'est chaque phase représente, mettons, un film. C'est une trilogie, dans le fond, là, parce que la phase 3 se termine avec techniquement avec Spider-Man Far From Home, qui devient pour moi un épilogue. C'est pas la phase 4, en fait, celle-là? Non, ils ont compris que ça faisait partie de la phase 3. C'était la fin, ça finit avec Spider-Man. Je pensais que la phase 4... C'est la fin de la phase 3, Spider-Man Homecoming. Ben, c'est comme un épilogue pour moi, dans le fond. C'est là qu'on va expliquer la question qui tue. C'est... OK, là, on est en 2023, mais qu'est-ce qui se passe avec le monde qui vient à l'école, c'est comme « What's up, là? Qu'est-ce qui s'est passé? » Je pense que ça, c'est déjà clarifié. C'est qu'eux autres, ils étaient tous morts aussi. Toute l'école au complet? Pas toute l'école, mais moins son ami puis certains des autres amis, gars, ils sont faits. C'est ça, je me disais. Ben, toute la gang qu'on connaissait, comme Zendaya, puis cette fille-là. Ça se peut d'une autre chose aussi. Pense à ça. Comment la société va réagir si ça arrive? C'est sûr que tu shut down l'école pendant une couple d'années, là. Mais tu l'as vu, anyway. Le système au complet. Après 5 ans, s'il y a pas encore dans l'école, mettons, ça se passe en 2023. C'est ça, ils vont dire peut-être qu'ils ont arrêté l'école. Ouais, c'est dur à dire. Mais c'est justement, je pense que c'est pour ça que Far From Home va nous amener plein de. De toute façon, je ne passerai pas trop de temps à spéculer. Parce qu'on a un film qui s'en vient dans un mois. Un mois. Ouais, c'est ça. On le critiquera. Ça serait bon qu'on en reparle pour clore un peu ce qu'on fait là. C'est ça. Puis mais la mention de multiverse dans le trailer. Ouais. Ben, c'est parce que ça se peut qu'il soit un grosseur aussi, l'autre. Ben, moi, c'est pas. Oui ou non. Ou que ça soit la verse créée par Loki. Moi, c'est qu'est-ce que je t'ai compris de ça, c'est qu'ils viennent d'ouvrir la porte aux X-Men puis à Fantastic Four. Ben, c'est ça, je pense, moi wide aussi. Wide open. Tout le seul mot qu'il fallait qu'ils disent pour ouvrir cette porte-là, c'était multiverse. Parce que là, à n'importe quel moment, on peut avoir les X-Men qui joignent. Puis, comme on parlait du futur de Marvel, là. C'est ça, là. Moi, personnellement, là, si je suis un des haut placés, tu remercies Robert Downey Jr. pour toutes ses années de service. On passe à d'autres choses. Rebâtis les Fantastic Four. Comme du monde, le là. Centre, c'est avec eux autres. Reed Richards est une des personnes les plus importantes dans le Marvel Universe. C'est la personne la plus intelligente. C'est les Fantastic Four, c'est Marvel's First Family. Puis ils n'ont jamais eu l'honneur d'avoir un bon film. Le premier... Il était pas aussi horrible que je pensais quand j'étais jeune. Il était écoutable. Ouais, c'est vrai. Mais le reboot qu'ils ont fait, c'est un insulte. Je l'ai même pas vu encore. Tu veux jamais voir ça. OK. Puis honnêtement, c'est la cruauté parentale, c'était si ton fils allait. Mon fils, il capote sur dating. C'est ça. Puis je sais pourquoi ils l'ont fait dégueulasse aussi. Parce que la manière que les deals que Marvel ils ont fait back in the day, quand ils s'en allaient dans la banqueroute, puis qu'ils ont tout vendu leur propriété, c'est que pour garder une propriété dans les contrats. Fallait qu'à un certain moment, tu sortes des films. Ouais, comme Spider-Man. Ils ont sorti un film de vidange juste pour garder les droits. Parce que là, il était en négociation avec Disney dans ce moment-là. Fait que c'est juste pour les strong arms. Mais Marvel, à la fin de la journée, ils ont été intelligents dans la négociation. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont cancellé Fantastic Four pour la première fois dans leur existence. Ils ont oublié. Ouais, dans BD, je sais que ils ont fini. Ils ont dit, bon, ils s'en vont dans un univers. La nouvelle ronde a commencé l'été passé. C'est ça. Ils ont... Arrêtez, dit. Gars, nous autres, on vous aidera pas à vendre votre film de marbre. On va enlever toute mention de Fantastic Four dans notre univers. Bonne chance de vendre votre film quand personne va savoir c'est quoi. Puis enfin, le film était pourri. Là. J'ai hâte de voir. Mais je pense qu'il va y avoir aussi peut-être les Young Avengers, comme on dit tantôt. Ouais, je pense qu'il va y avoir bien des filles, des femmes, des films avec des femmes super-héros dedans qui vont sortir. On a vu une séquence avec plein de super-héroïnes dans la Avengers. Battle de Endgame. Elle était mal faite, personnellement. Dans Infinity War, je trouve que le contexte était bon. Ouais, ouais. Mais dans Endgame, je l'ai trouvé forcé juste pour dire girl power. Ouais, c'est ça. T'sais, ben, c'était parce quand même que, correct. Mais ça m'a pas tant dérangé, mais j'ai trouvé que c'était un peu weird. C'était beau petit clin d'œil. C'est exactement ça. Ah, voici toutes les femmes qu'on a dans la MCU. Et voilà. C'est correct. Il n'y a pas de problème. C'est juste que. Mais tu sais, d'après moi, Valkyrie va être dans les prochains. Tu vas voir la sœur de Black Panther va être là. Qui qu'il y avait d'autres aussi, je ne me rappelle plus, là, mais The Wasp probablement. Je ne sais pas s'ils ils vont revenir, Ant-Man puis The Wasp. Là, mais... Ouais, Ant-Man puis The Wasp, après moi, on va voir Ant-Man possible. Et The Wasp 2. Probablement, parce que dans le fond, ils finissent ensemble. Mais moi, là. Qu'est-ce que je veux voir, puis je sais, puis à la fin de la journée, ça ne se passera probablement pas. Donnez-moi au moins un film de Hugh Jackman dans le MCU qui est Wolverine. Ah, mais donnez-moi les Bryan Singer X-Men dans le MCU, puis je suis content. Ça fait partie de mes questions parce que là, t'as Dark Phoenix qui sort. Ça a l'air de la vidange. Puis j'ai des amis semaines. Qui travaillent sur le film qui m'ont confirmé que c'est de la vidange. Ah ouais? Ben écoute, il s'était reporté deux fois. Là, même aujourd'hui, on sortit l'acteur qui fait Cyclops. Ils ont posé la question pour lui dire, est-ce que tu as été contacté par Disney? Sais-tu s'il y a un plan avec le crew, genre, qui sont castés présentement? Ouais. Il dit, non, ils nous ont rien dit. Mais ils pourront jamais dire ça publiquement parce que ces gars-là, ils sont faire signer des non-disclosure agreements qu'ils vont se faire sous. Mais tu penses-tu qu'ils vont recaster la même gang? Moi, ou qu'est-ce que j'aimerais. Ils vont repartir à zéro. C'est que, selon moi, Disney vont repartir à zéro parce que s'ils reprennent la même gang, ça dans fait un trop sens. Confusion. Non, c'est qu'ils aident à vendre les films qui ne feront pas un profit dessus avant. Parce que là, le monde va vouloir aller revoir tous ces autres films avec ce monde-là. Mais ça leur appartient, fait que l'argent va aller à eux autres, non? Oui, oui, non, mais c'est juste que moi, je pense que le gros casting qu'ils vont, ils vont vouloir faire, c'est Hugh Jackman. Mais c'est sûr que lui va demander un cachet à la Robert Downey. Vieux, là. C'est ça. D'un Old autre man côté. Logan! Puis lui, Vic, ouais. Là, on s'entend que, comme Tony Stark, ils l'ont fait son arc, c'était bon. C'est juste que, gars, honnêtement, c'est, je pense que c'est le ultimate casting of super-héros, c'est Hugh Jackman as Wolverine, là. À part ça, Robert Downey Jr. a battu son record. Qu'est-ce ouais, que du plus grand nombre de fois qu'il a joué le même super-héros dans un film. Ouais. OK, ouais. Grâce à son apparition de 15 minutes à 5 millions de Homecoming. 3 jours de tournage, 5 millions par jour. Top shape, ça, man. Négocie ça, man. Après ça, il danse quand il va faire une tournée de promotion en Asie. Là, pis, ah, il est écœurant. Hein? Il est tout le temps en train de danser, ce style-là, Robert Downey Jr. Tu sais que son Facebook, il y a des vidéos de lui, puis il y a comme une toune qui part, puis il est là, puis il fait des moves de danse. Là, ah, il est content, lui. C'est un gars qui se réveillait sur des divans de comme... maintenant, tu le voyais genre ben sous mort, drogué. Ouais, il se réveillait dans des parties, pas chez eux, il savait pas il était où, genre. Puis c'était tout nu. C'était cet acteur-là, là, c'était lui. Puis ah, c'était Tony Stark dans Iron Man 2. Exactement. Mais moi, je pense que la prochaine phase, le main character où ce que tout va tourner autour, un peu comme Tony Stark, ça va être Spider-Man. Mais tantôt, tu parlais que Tony Stark va être dans l'intelligence artificielle du costume de Peter Parker. Là, présentement, c'est Jennifer Connelly qui fait la voix de Karen. Karen, qu'elle s'appelle. Mais moi, je pense que Tony Stark, oui, il s'est téléchargé comme, un peu comme Jarvis, mais qui va être dans le costume de Pepper, qui va être dessiné à sa fille. Ça se peut, ça aussi. Parce que ça va être... Il y a Ironheart dans les BD, ouais. Mais ça sera pas... Ironheart dans 10 ans. Ça sera pas Riri. Ça sera pas Riri. D'après moi, ça pourrait être Morgan Stark. Morgan Stark dans 10 ans, à la fin de ce qui s'en vient, là, peut-être. Parce que là, moi, là, le 5 ans... Peut-être Bran Stark. Tu sais, dans 10 ans, là, t'es pas obligé de faire une... Tu sais, dans 10 ans, t'sais, mettons 10 ans, ça s'est allé à combien de temps? Ça a commencé en 2008. Ben, c'est 10 ans, tabarnak. Ouais. Elle va avoir peut-être 15 ans ou peut-être que tu peux faire un jump parfait, mettons, 3 ans plus tard. Blablabla. Puis elle va peut-être avoir début vingtaine, puis ça va être le nouvel Iron Man de la nouvelle génération avec Peter Parker qui va être comme le leader, là, parce que t'as pas Cap, t'as pas Iron Man, ouais. T'as Thor qui est parti dans l'espace avec les Asgardians. Asgardians. Mais si tu veux faire de quoi de différent, t'es un, t'as les Guardians of the Galaxy volume 3 avec Thor, parfait. T'en as un déjà fait. Ça, c'est hot. Ça, là, tu as besoin de faire de quoi de différent. C'est parfait pour ramener les Fantastic Four. Mais je sais pas combien de temps ça va prendre parce que là, tu vois. Ils peuvent pas ne pas faire ça. Les projets qui sont confirmés, il y a naturellement, il va y avoir Doctor Strange, il va y avoir un Black Panther, il va y avoir un autre Captain Marvel, assurément. Ensuite, tu as The Eternals qui va sortir. Ouais. Tu as Black Widow qui va sortir. Ouais. Puis tu as un film de Kung Fu avec un... Ouais. Je sais pas c'est quoi son nom, je le connais pas pendant tout, ce personnage-là. Shang-Chi, là. Ouais, quelque chose comme ça. Puis là, c'est un autre film de lui qui va être confirmé. Fait que là... Shang-Chi numéro 1, d'après moi, il l'appelle comme ça parce que ça va être une réintroduction subtile de Iron Fist. Pas que Shang-Chi, c'est Iron Fist, pas du tout. Mais c'est le meilleur martial artist in the world. C'est ça son motto. Il est très closely tied to Iron Fist. OK, fait que c'est une façon de l'introduire éventuellement. D'après moi, c'est une façon d'introduire Kunlun dans le MCU. Parce que c'est une grosse place mythique que même Doctor Strange a accès. C'est une place qui existe dans leur univers. Parce qu'Iron Fist, dans le fond, quand il commence, il est jeune, non? Oui, c'est aussi. Mais d'après moi, c'est une opportunité de refaire toute la backstory de Danny Rand comme du monde. Ouais. Puis en plus, les Eternals, c'est la version de Wonder Woman, dans le fond, parce que les Eternals, c'est les dieux grecs. Mm. C'est Zeus, Hercules, puis il est très closely tied to Thor as well. Là, ils ont casté Angelina Jolie pour jouer un rôle là-dedans. Ils ont quand même casté des gros noms aussi pour jouer. Ils commencent à préparer le film. D'après moi, ça pourrait être des prochains films à produire après. Ouais, ça leur prend des villains. Ouais, ouais, exactement. Parce que là, dans les comics, c'est qui le prochain? C'est ça, c'est qui le prochain? C'est les villains qui peuvent revenir. Ça, c'est les meilleurs villains. Moi, personnellement, j'aimerais ça revoir Ultron. Parce que Ultron, c'est le villain le plus resilient. He's never gone. Il pourrait être caché sur l'Internet ouais, dans ça. Un backdoor. Là. Il pourrait apprendre ce qui est arrivé par après. Tu vois Galactus, peut-être? Galactus, puis encore une fois, pas pour Broken Record, mais la raison pourquoi je parle des Fantastic Four plus que les X-Men, parce que tout le monde veut les X-Men, là, on les a vus, les bons films, déjà. Ouais, ouais. Puis on va en avoir d'autres. Là. Ils vont les emmener, c'est sûr. Là. Tu peux pas laisser cet argent-là sur la table. Tu peux pas faire un Dark Phoenix dans 3 ans. Là. C'est ça. Les X-Men, il faut que tu recommences à la base. Faut que peut-être que ça va commencer slow, que Scarlet Witch va découvrir que c'est une mutant. Parce que ça, c'était un mot qui était tabou avant dans la MCU. Vous ne pouvez pas dire ça, c'était les Miracles. Ouais, c'est ça, quelque chose de même. Je ne sais plus c'est quoi nécessairement. Mais le terme, les Fantastic Four, leur spécialité, c'est les affaires de multiverse. C'est les affaires de différentes dimensions, de ouais, Negative ouais, ouais. Zone, tout ça. La run que le writer Jonathan Hickman a faite pour une couple d'années, je te dis pas que tu peux pas faire ça pour la MCU. Mais Kang, c'est probablement le prochain villain. C'est un alternate dimension version of Doctor Doom. He's a conqueror of time. Ouais. Fait que ça serait peut-être le prochain Thanos qu'on va voir dans les backgrounds pour les 10 prochaines années. Ouais, parce que dans le fond, t'en as d'autres. Si tu ramènes les Fantastic Four, faut que tu ramènes Doctor... Ben, faut que tu ramènes... Un autre personnage. Tu présentes Doctor Doom. Personne n'a eu la confirmation qu'elle est morte. C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Puis on s'entend que c'est un very powerful character. Oui, ils ont pété Asgard, mais où? Ça veut pas dire qu'elle est pétée. She's the goddess of death. Who knows if she can bring herself back to life? Dormammu est encore Odin là. Odin était pas capable de la tuer. Dormammu. Dormammu, c'est un excellent vilain. Mordor. À I came to Bargain. Non, c'est quoi son nom? Ben, Mordor, ça pourrait être un beau villain in one movie, mais comme. Ben, il apparaît tout le temps parce que je sais que. Comment il s'appelle donc le villain dans l'univers de Doctor Strange? Celui qui stické ses cauchemars puis qui amène. Mephisto. Bon, mais ben, lui, il est supposé d'être le villain dans Doctor Strange 2. C'est un très bon villain. C'est parfait pour ça. Parce que l'autre affaire qui va être fuckée, ça veut dire que si on veut suivre les films correctement pour être à jour, ça veut dire qu'on n'aura pas le choix d'écouter aussi les téléséries qui vont être présentées à Disney+, parce que dans le fond. Ça va être non, mais semi, parce que si tu fais ça, tu te coupes tellement d'un gros public qui n'ira pas voir ton film si tu comprends pas le film tout seul. Parce que tous les films du MCU vivent séparément, même si tu n'as pas vu, mettons, si tu n'as pas écouté Agents of S.H.I.E.L.D. comme tantôt, ça a donné une clarification à Guillaume sur des détails qu'il n'a pas compris, mais ça n'a pas brisé le film d'Endgame à cause que tu n'as pas vu ou à Infinity War. Non, c'est ça, parce que, tu sais, comme on parlait d'Agents of S.H.I.E.L.D. tantôt, là, c'est juste des certains petits détails qui fait éclaircir certaines situations. Mais ce qui a été créé sur Netflix, Daredevil, Luke Cage, Iron Fist, Punisher, aucune mention de tout ça, de toutes les 10 ans de films qu'il y a eu. Puis même, il aurait pu apparaître à la fin, là, Portal, puis les gars, ils attendent là, mais jamais sont là. Fait que j'ai comme l'impression que, finalement, ils vont clore cette série-là avec Netflix, puis ils vont peut-être même rebooter Daredevil pour l'insérer dans le MCU. Ça se pourrait. Mais j'ai hâte de voir pour vrai. Puis ils ont dit qu'ils n'allaient pas annoncer aucun nouveau film avant qu'on voit Spider-Man Far From Home. Fait que ça fait du sens parce que le Comic-Con va être à peu près vers la fin juillet. Fait qu'ils pourraient faire comme qu'ils faisaient dans les débuts. Puis, ils vont timeline. Voici, mettons, les films pour les 3 prochaines années. C'est sûr qu'ils vont avoir une timeline qui va s'ouvrir bientôt pour nous montrer des films qui s'en viennent. Puis ça serait vraiment intéressant. Puis il y a Cyclone qui dit pourquoi les super-héros des années 50-70 sont populaires que ceux des années 90 et plus. Simplement le brand awareness qu'on appelle le genre de tu sais c'est qui parce que ça fait plus longtemps qu'il existe puis il y a de la pop culture alentour d'un personnage plus longtemps. Ouais, c'est ça parce que dans le fond, c'est surtout les adultes qu'on connaît, mettons, des 50-70 qui trippent encore là-dessus. Mais les années 90, dans les nouveaux personnages qui ont été créés, ça dépend. Je suis d'accord puis pas d'accord parce que Venom, c'est un personnage des années 90. C'est vrai. Deadpool, c'est un personnage des années 90. Ça, c'est vrai. Ouais. On s'entend que c'est deux des plus populaires. Ouais. Bizarrement. Venom, là, c'est un film pourri, mais tout le monde est allé le voir pareil parce que c'est Venom. Peut-être plus, mettons, style. Spawn. Mettons, Thor qui est genre Jane Foster. C'est ça, c'est que. Thor en grenouille. Le Hulk chinois. C'est que les années 50 à 70, j'inclurais les années 80 où ce qu'on fait Secret War aussi, c'est pas qu'ils sont plus populaires. C'est qu'il y a certains personnages dans ces années-là que ça, c'est les personnages les plus populaires. Mais il y a beaucoup de ces personnages-là que le monde réalisent même pas qu'ont existé. Est-ce que vous avez vu Captain Marvel? Oui. Son ami qu'elle retrouve, là, c'est l'original c'est Captain Marvel. Ouais, c'est Monica Rambeau qui est dans Secret War. Ça, son ami copilote, genre? Ouais, c'est l'original c'est dans Marvel qui appelait Captain Marvel. Je l'avais lu. Ah, tu vois, ça, je ne savais pas. Ouais. Puis ça, c'est un personnage des années 50-70. Puis, comptez-moi pas, mais I'm pretty sure she was the first black female superhero in the Marvel roster. Ça se peut fort bien. Fait que c'est sûr, mais les années 90, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu un overabundance de comics. C'est que les années 90, ça vendait plus. C'est qu'à un moment donné, il y a eu une saturation de mauvaises histoires qui ont un peu détruit l'industrie. Comme la fameuse Clone War avec Spider-Man. Ben c'est là que Stanley a vendu beaucoup de ses parts aussi de trucs de Marvel. Même le DC Universe, tu regardes les Justice League des années 90, c'est ultra cartoony. Ah oh, ouais, ben c'est là qu'a commencé à sortir. Dans comme le fond, quand ils ont fait Onslaught, là, c'est de la vidange, là, cette histoire-là. Là. Mais tout se passait surtout, mettons, en série animée, parce que tu avais eu, mettons, les années 90, la série animée de Batman. Les séries animées étaient meilleures que les comics dans ce temps-là. Les X-Men qui ont été, mettons, rebootés. Il y a eu la télésérie des années 90, ce qui a commencé là, avec X-Men la Evolution. Non, X-Men tout court, là, Wolverine était en jaune, tout ça. Ouais, ouais. Puis ça, c'était écœurant. T'avais Spider-Man aussi en série animée, que tout était des années 90. Fait que tout se passait plus. J'ai la toune métal sur Spotify de X-Men, c'est fou. Là. Ah ouais, c'est hot ça. Mais là, c'est pour ça que dans le fond, tout se passait surtout, mettons, à la télévision. Puis il n'y avait pas vraiment de films. Parce que dans le fond, je te dirais que dans les années 90, les films de super-héros qu'on a eus, écoute, il y a eu, mettons, des Batman de Tim Burton. Mais après ça, côté Marvel, là, je pense, années 90, le seul film que j'ai cru voir, c'était Blade. Toxic le Ravager. Ouais, ça compte moyen. Là, Howard the Duck. Ouais. Blade 1, 2, 3. Blade 2, c'était 2000, je pense. Mais Blade 1, c'était violent. La trilogie de Spider-Man avec Tobey. Ouais. Des années 2000. Ouais. C'est là que ça a commencé parce que même, je te dirais que Sony a dit « Ah, je vous offre tous les personnages de Marvel à, mettons, je sais pas moi, 30 millions. Ah! » On va te donner 30 millions, mais je vais juste prendre Spider-Man. Parce que l'époque, lui, il dit 90 et plus, fait qu'il inclut les années 2000. Ouais, ça, là. Ouais, c'est ça. Parce que les années 2000, mettons, des nouveaux personnages qui ont recréé. Écoute, là, j'aurais essayé de penser le nouvel run qu'il y a dans les BD. Ben, t'as comme une nouvelle équipe de Guardians of the Galaxy avec Nova qui est dedans. Ouais. Richard Rider, ça, j'ai très hâte qu'il fasse ce film-là. T'as la série de Spider-Man 2099 aussi, que d'après moi, on va peut-être revoir dans la suite du Spider-Verse. T'as Miles Morales, que là, dans le fond, finalement, Miles Morales, techniquement, devrait exister dans le MCU parce que son oncle est dans le premier film de Homecoming. C'est Danny Glover qui joue son rôle. On va voir. L'avenir est au cinéma, puis même la BD, là, ça n'a jamais été aussi fort. D'après moi, on n'a pas fini de voir des films de super-héros, puis on n'a pas fini de presser le citron là-dessus non plus. Puis oubliez mais pas. Mais moi, tant qu'ils donnent la qualité. DC, un moment donné, will get their shit together. Ils ont déjà commencé. Ça s'en vient, ça a l'air. Starting slowly, but. Shazam, Aquaman. Shazam, c'était très bon. J'ai pas T'as-tu vu Shazam. Vu Aquaman? Oui. C'était, je dirais pas très bon, c'était bon. Je les ai pas vus encore. Pour DC, pour moi, c'est un compliment. Là. Ouais, Shazam sort dans un mois. Ouais, ben j'ai finalement écouté il y a deux semaines Wonder Woman que j'avais pas vu. Ah, c'est vrai, t'as pas vu Aquaman. Excellent Wonder Woman. J'ai bien aimé. Les séquences Justice de combat League, sont très bonnes. C'était pas un flop selon moi. Là. Justice League avait des bons moments. Ouais, ouais. Non, puis là, dans le fond, tu vois, du côté de DC, il y a le film du Joker qui va être un standalone, genre un style de What If, qui sort au mois de novembre avec Joaquin Phoenix. D'après moi, ça va être bon. Ça va être correct, là, je pense. Parce que ça va être un film. Mais j'aime moi, personnellement, je suis un gros DC fanboy. Là. Le monde peut voir mon flash shirt sur moi. Moi, je suis un gros fan d'une bonne écriture, period. C'est pour ça que la dernière saison de Game of Thrones, on n'en parlera jamais. on a commencé. Mais que ce soit DC ou Marvel ou Walking Dead, Dynamite Comic, j'ai même lu la série de Robert Kirkman, Invincible. Like, si l'histoire est bonne, ça va se vendre. Ouais, ouais, ouais. Personne ne savait c'était qui les Guardians of the Galaxy avant qu'ils sortent le premier. Ça, c'est vrai. Puis le ça monde qui est Marvel et qui dit « Ah, moi, je suis un gros fan de ça. » Tu lui dis tout de suite « Ta gueule. » Parce qu'honnêtement, là, t'as jamais rien t'as 1% de chance d'être wrong. Il n'y a personne qui savait c'était qui Guardians of the Galaxy. Mais non, puis c'était comme un guess pour eux autres de Star-Lord, c'était même pas ça, sa personnalité dans les comics, avant qu'il sorte le film. Ils l'ont comme retcon de même juste pour ça faire fait, que ça un fait Joker. À, ça fait avec Chris Pratt. Mais checker comment c'était un bon film, c'était bien écrit, il y avait des bons acteurs, t'avais une bonne histoire. Par succès. On, voilà. on parle des Guardians of the Galaxy, mais le prochain Suicide Squad, c'est James Gunn qui écrit, qui va. Ouais, je suis curieux à cette heure de voir ça parce que le premier, il y avait un bon line-up, puis il était bien introduit. Mon problème avec Suicide Squad, c'est qu'ils se sont battus contre des tas de roches pendant 45 minutes. Mais parce que aussi, ce qui arrive, c'est que d'après moi, là, on fait-tu un film rated R? C'est ça, on fait c'est un film quand... PG-13, puis... Parce qu'à un moment donné, je comprenais même pas qu'est-ce qui se passait. Il faisait juste tuer du monde, puis c'est la pire interaction de Joker que j'ai vue on screen, c'est celle de Jared Leto, puis c'est pas de sa faute, c'est le script qu'ils ont donné. Parce que t'as The Batman aussi, qui va commencer à être produit bientôt, qui est souhaité sortir en 2021. Avec probablement Robert Pattinson. Probablement, puis là, ils ont confirmé qu'il va y avoir 6 villains pour ce film-là. Et puis, t'as Birds of Prey aussi qui va sortir avant. Écoute, t'as du stock de DC qui va être quand même intéressant à voir. Eux autres feront pas comme le MCU. Ils feront pas des films qui se suivent l'un l'autre. Ça va être des stand-alone. Puis à un moment donné, tu vas avoir un film que, là, 3 ou 4 personnages qui se réunissent. Puis moi, je me croise. Et là, tout comme je parlais de Fantastic Four tantôt, mon biggest hope, c'est qu'à un moment donné, ils adaptent la version de Green Lantern de Geoff Johns. Ah, oui. Qui redeem complètement ça. Oui, un studio qui comprend la mine d'or qu'il y a dans la série de Green Lantern, ça pourrait être plus gros que Star Wars à la fin. C'est Green Lantern avec Darkest Night. T'as les Red Lantern, les Orange Lantern, les Blue Lantern. T'as une infinité de spin-offs. Mais oui, c'est quand même. Dans ce temps-là, je lisais à peu près rien de comic, puis tu m'as fait commencer sur Green Lantern Rebirth. C'est incroyable. Puis j'ai tout lu les hosties de run de Geoff Johns après ça, de Green Lantern, puis tous les spin-offs qu'il y a eu. Puis ben oui, The Blackest Night pourrait être un Thanos. C'était incroyable, ça, là, cette série-là. C'est qui écrit la nouvelle run de Shazam? Non. Geoff Johns. Bon, mais je vais aller Shazam. Personne n'a jamais lu Shazam, mais oui. Je suis en train de Mais bref, comme Guillaume dit, ça part d'écriture. Ils pourraient carrément reboot puis sortir le Ultimate Universe. Pour Marvel, là, ça serait facile à faire. Là. Ça peut être possible. T'as voir. À la place d'appeler les Avengers, ils vont juste l'appeler les Ultimates. Puis ça va être les Ultimates 1, 2 et 3. C'est clair, hein? Ça pourrait être une autre là, c'est un univers que les X-Men n'ont pas besoin d'être introduits, qui font juste partie de ça. Parce que les MCU sont là pour rester. Fait que d'après moi, mettons, dans 10 ans, on va peut-être revoir un autre événement similaire. On en reparlera en podcast, mais on sera pathétique à 45 dans ans. Dans 20 ans, il va en avoir d'autres. Là, ça n'arrêtera plus, ça. Là. Tu sais, à un moment donné, ils vont peut-être faire un reboot puis recaster Captain America, recaster Robert Downey Jr. Pas de suite, mais ça se peut. Là. Ça, ouais, pas de mais suite. Mais ils ont tellement d'options que ça n'arrivera pas de suite, je pense. Ah, c'est une machine à faire du cash en esti. Écoute les films que Disney vont présenter cette année en plus de Star Wars au mois de décembre. Je suis sûr qu'à un moment donné, ils vont sortir Gwenpool. Je suis pas content, mais c'est sûr. Ouais. Parce que c'est des populaires, des characters forward. Mais ça, c'est un nouveau personnage chaman qui est sorti c'est récemment. Spider-Gwen. Ben, Spider-Man, ta voix, je pense, dans le Spider-Verse film qui est très bon pour un film animé. J'ai pas encore gelé sur mon ordi. Tu as pas écouté encore? Non, ils sont mon ordi, mais j'ai pas écouté encore. Ils sont Netflix en plus. Mais il y a une infinie de possibilités rendues là, surtout maintenant qu'ils ont rapatrié leur propriété. Maintenant que Disney a tout. Là, Daredevil pourrait être la nouvelle série qui remplace Captain America sur un thriller espionnage ou de quoi de street level. Daredevil est supposé être un personnage super dark. Tu pourrais faire des films avec comme des enquêtes, des choses comme ça, emmener d'autres personnages in and out. Parce que dans le fond, tu peux le faire, mettons, amener une aventure, puis Peter Parker est dans la marbre, là, c'est l'autre qui va le défendre. Tu peux carrément introduire le She-Hulk avec Daredevil, qu'à un moment donné, il se bat en cours avec une fille, puis il découvre que la fille, c'est She-Hulk. C'est une avocate, elle aussi. C'est vrai. À voir. En fait, pour les fans, venez commenter sous le post de l'épisode de la Jazette sur notre Facebook. Puis on veut savoir c'est quoi vos prédictions pour ce qui s'en vient du MCU puis le DC Universe, si ça vous tente. Là, mais... Ben oui. On jase. On jase, puis on sera là pour critiquer les prochains films de Marvel. Et le prochain sera Spider-Man Far From Home. Spider-Man s'en va à vacances. Universe Ghost. Nick Fury. Nick Fury to voice. Je pense que ça va être un très bon film. On sera là, puis on vient de vous livrer un épisode quasiment aussi long que Endgame, en fait. Là, 2h45. Je pense que vous avez aimé ça. Fait que c'est tout pour nous ce soir. Donc, on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao.